Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, oh, bah, oh. Bien sûr. Arrête, s'il te plaît. J'arrête. Bonjour, j'arrête. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés des invités qui viennent d'un milieu que je connais un peu moins. Là, pour autant le cinoche, la télé, tout ça, c'est dans mon sang. Là, effectivement, je connais un peu moins, mais je ferai mon max pour que ça ne se voit pas du tout. Ce sera invisible. Nos invités, elle carry le game sans choke, car elle clutch. Vous pouvez clipper ça. Le Jones ringard, c'est invisible. Oh là là, c'est invisible. Je connais très bien Twitch. Mais je suis streamer pro. Hein. Ah oui, t'es VIP sur plusieurs chaînes, je crois. Bah, ouais, ça m'arrive. Okay. J'ai déjà raid, c'est te dire. C'est une streameuse qui officie pas mal chez Nintendo, fan inconditionnel d'Animal Crossing. Son utilisation du mot ratus a parfaitement éclipsé le petit animal vert avec lequel on a grandi. C'est Ultia. Bonjour. Qu'il frague ou qu'il loot, il enchaîne les masterclass, c'est insane, merci pour le sub. Streamer passionné d'histoire, commentateur d'e-sport et de judo récemment, il a la capacité, quand je dis récemment c'est vraiment il y a deux heures, c'est vraiment plus récemment, il a la capacité d'imiter à la perfection Kian Kojandi. Mais oui, putain. Salut, comment ça va? Salut, je suis avec Navo. Salut Navo, comment ça va? Très content de vous retrouver dans un bon moment. On s'est trompé, c'est le podcast, c'est ça? C'est le podcast, c'est Rienzi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonjour. Point faible, trop fort, juste un monstre en fait, c'est le god tier, Let's Gong. Streamer derrière les concepts de Ponce la Switch ou Ponce la Nuit, il a récemment co-animé La Nuit du Musée avec Étoile et officie souvent dans l'émission Popcorn. Sur Twitch, il roule sur la concurrence, mais pas sur les pots de banane, je suis un ringard. C'est Ponce. Ah mec, vraiment, j'ai vraiment l'impression que t'es un expert du sujet, quoi. Enfin, alors, c'est plus ou moins dans mes veines. Ok. Voilà, pour imprégner des codes. C'est un truc qui coule là-dedans, bon, voilà. Bientôt, la fin du jeu, il sauvegarde. Personne ne peut le juger sauf God. Dans ma chambre, avec ses rots, il se tape des barres. Ambiance jeux vidéo et débat, jeux vidéo et débat. C'est Adrien Méniel. Super. T'as pas la ref? Est-ce que c'est Luigi? Non, c'est pas ça. L-U-I-G-I? Ouais, non, pas c'est, du tout. Non, c'est le Fennec. C'est Nekfeu. Ah oui, ah, d'accord. Jeux vidéo et débat. Je l'avais pas du tout. Tu connais pas? On l'avait pas, moi j'avais pas non plus. Nekfeu. Je connais pas la chanson. Tu connais pas Nekfeu? J'avais entendu parler. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait super plaisir. Merci pour merci. Comme d'habitude, on commence avec les news du Floodcast. Alors le premier, il est très facile, vous l'avez sûrement vu passer. Jeff Bezos va traverser Rotterdam avec son super yacht. Incroyable. À votre avis, qu'a-t-il obtenu de la ville? Alors juste, c'est notre patron, donc j'aimerais qu'on fasse attention. Avec tout le respect. Il y a aucun jugement, c'est factuel. Hein. C'est le sosie de Pitbull. Il y a zéro problème. Pour le coup, je l'ai vu passer, donc je vais peut-être vous laisser chercher. Moi, je l'ai vu aussi. Vous l'avez pas vu passer? Non, je l'ai pas. C'est assez fou. Ouais, c'est assez dingue. Moi, ça me blesse un petit peu, j'avoue pour le coup. Bien sûr, oui. Je trouve ça un peu dur. Tu l'as vu toi, Adrien aussi? Ouais, je l'ai, donc okay. Poser des questions. Il va traverser Rotterdam, en gros, avec son super yacht. La ville lui a accordé quelque chose. Quelque chose d'un peu fou. Par contre, je savais pas que c'était Rotterdam. Et ça me rend, parce que je pensais que c'était un petit village. Et là, je me dis qu'une ville comme Rotterdam, non, Rotterdam accepte ça. J'avoue que je trouve ça assez dingue. Privatiser la ville. On n'est pas loin de cette ambiance-là. En fait, ils vont bouger quelque chose pour lui. Ils vont faire un vrai effort. Un pont. Oh! Non. Alors, les gars, oui. C'est accordé. C'est ça. En gros, ils vont démonter une partie du pont, un pont historique, quoi, historique. Pour qu'il puisse passer sous le pont, quoi. Avec son yacht. J'adore mon patron. C'est fou. En fait, son super yacht. J'adore ce terme, super yacht. On avait parlé des super centenaires la dernière fois. Là, c'est super yacht. C'est fou. 127 mètres de long. Donc déjà, pourquoi passer dans Rotterdam avec un truc aussi gros? J'avoue la lourdeur de tout. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pour le créneau. C'est plus facile pour moi. 127 mètres de long, et effectivement, ils vont bouger un pont, tout simplement. Ils vont le détruire une partie d'un pont pour qu'il puisse lui rentrer dans le canal. Il prévoit de le démonter après, mais bon, c'est quand même bizarre. Ouais, et du coup, il y a des gens qui ont prévu de se mettre sur le pont et de jeter des œufs. Il y a 500 personnes déjà. Il y a un événement. Que 500? Ah ouais. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, il y avait 500 personnes qui étaient. Et du coup, ils vont défaire un pont. Et il va passer et ils vont refaire le pont. C'est ça. Exactement. C'est ce qu'elle a promis la ville, en gros, qu'ils allaient le faire, qu'ils allaient remonter le pont. Et il va sûrement leur lâcher un chèque. C'est pas possible. Non, j'espère quand même. J'espère bien. Bien sûr, monseigneur, acceptez. Venez ici. Mais oui, effectivement, c'est ce que tu disais, Adrien. Selon la télévision publique néerlandaise, certains habitants notamment ont déjà prévu de jeter des œufs sur le yacht de Jeff Bezos. Ça fait un peu peur quand même. C'est marrant. Mais moi, ça me fait marrant parce que avec des potes, j'étais déjà allé une fois à Saint-Tropez. Et vous êtes déjà allé à Saint-Tropez ou pas? Peut-être une fois. Il n'y a rien de plus bizarre que Saint-Tropez comme ville, puisqu'en fait, c'est Saint-Tropez, c'est donc les gendarmes, etc. Mais c'est en fait un petit port déjà. Et c'est un petit port où en fait, il y a que des yachts qui sont garés là. Ah oui. Et il y a des gens qui, t'as des gens qui déambulent autour des yachts, et t'as des gens qui regardent les moins riches déambuler autour d'eux, qui sont dans leur yacht comme ça, qui te font salut. C'est vraiment une ambiance très particulière. À deux doigts dans ces petites cacahuètes comme ça. Là, à Cannes, t'as ça aussi. Les gens, mais même t'as aussi les plus pauvres qui regardent les beaux yachts. Genre, oh, putain, regarde, il y a Brad Pitt là-dedans. Tu vois, des trucs un peu qui reste ça. Devant, peut-être on va le voir. Ouais, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, ce pont-là, c'est un pont qui est quand même inscrit au patrimoine national néerlandais. Hein. C'est pas juste un petit truc, puisque c'est un ancien pont qui avait été achevé en 1927, avant d'être bombardé en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il va être redétruit là par Jeff Bezos. Gratos. La guerre et Jeff Bezos. Vraiment. Bah attends, mais c'est une dinguerie parce que moi je croyais que tout était possible avec l'argent aux États-Unis, mais en fait c'est dans le monde. C'est dans le mondial. C'est mondial. Si jamais il veut passer à Avignon, il peut passer sur le côté. C'est propre. Le pont est déjà. C'est propre. Mais du coup, je pense que ça l'intéresse pas. Je pense que ça l'intéresse de vraiment forcer. Si ça détruit pas un truc, il est très déçu. Il est très déçu. Un guide touristique a trouvé un trésor d'1 million d'euros sur une plage thaïlandaise. À votre avis, que contient ce trésor? Des NFT. Des cryptos. Ce ne sont pas des cryptos. C'est un touriste de où? C'est un guide touristique. Un guide donc touristique. Je pense qu'il est lui-même thaïlandais. D'accord. Est-ce que c'est des pièces d'or, un trésor de pirate? Non, c'est pas un trésor de pirate. D'ailleurs, en vrai, je pense que le terme trésor vous met un peu sur la mauvaise voie. Est-ce que c'est juste un objet? Voilà, c'est ça. Il a trouvé quelque chose d'une valeur d'un million. Exactement. Est-ce que c'est très ancien? C'est plutôt récent. C'est ça qui est assez fou. Est-ce que c'est quelque chose lié à une célébrité? Pas du tout. Ah, c'est ça, j'aurais dit que c'est un objet perdu par une célébrité. Est-ce que c'est un rapport avec l'électronique? Non, non. Okay. Est-ce que c'est en métal? Ce n'est pas en métal. Est-ce que c'était... Bon, non, tu dois pas savoir. J'allais dire, est-ce que c'était un mammifère enfoui profond ou genre... Un quoi? Enfoui profond. C'est difficile de répondre. Okay, quand, tu verras, quand tu sauras la bonne réponse, tu diras... Oui, en même temps. C'est un liquide? C'est liquide. Waouh! Oh, est-ce que c'est pas une bouteille de vin, par exemple? Non. Ça aurait pu être parce que là-bas, on a... le liquide, il était contenu dans quelque chose ou il était juste dans le sable? Non. Il était juste dans le sable? Seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Waouh! Mon rêve était trop beau. Bah, c'est vrai. Donc, il y avait un liquide qui était de l'or fondu. Bah, non, non. On a dit que c'était pas un métal. Non, c'est pas un métal fondu. Mais c'est un liquide, mais qui équivaut à 1 million, quoi. C'est un liquide qui vaut 1 million, et quand je vais vous dire quel liquide c'est. Le sperme de Jeff Bezos. J'allais dire de l'urine de célébrité. Oui, bah, on était dans le champ lexical, mais non, ce n'est pas le sperme de Jeff Bezos. Peut-être sera le titre de l'épisode, malheureusement pour vous. Est-ce que c'est désolé, une sécrétion humaine? C'est une sécrétion humaine ou... Ce n'est pas une sécrétion humaine. Oh. Mais c'est une sécrétion. Un caca de mammouth? Non. Une piste incroyable. La piste de dodo. Genre un caca fossilisé. Et oui, un caca fossilisé d'une espèce disparue. Attends, c'est liquide, t'as dit? Non, il a dit que c'était récent. Du pipi de mammouth. Il a dit que c'était récent. C'est récent. Est-ce de la. Non. Est-ce que c'est pas de la pisse? C'est pas de la pisse. Ah, parce qu'on parlait sur le. C'est pas du tout un fluide corporel. Si. Si, c'est un fluide corporel. Pas du sang, pas de la pisse. Des larmes. Pas des larmes. Des larmes, ça me paraît. Bah, attends, mais il y a dans l'eau. Des larmes de licorne. Du lait? Pas du lait. Mais. Mais bien, si. Mais attends, de la mort. Ah, de l'encre de sèche, en tout cas. Pas de la mort, mais on se rapproche. De la bonne. De la bave. Pas de la bave. Non, mais. Des miasmes. Du poison, peut-être? Pas des miasmes. Pas du poison. Ah, joli, putain, dommage. Mais attends, on a fait tous les fluides corporels. Il vous en reste, malheureusement. De la lymphe. Non, bien joué. C'est pas de la bile, c'est pas. Oh. De la bile? Non, de la bile du Big Deal, bien sûr. Mais non, on s'approche. On s'approche. Quelque chose qui est lié au suc gastrique. Non. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? La salive. Vous n'avez pas l'évidence? Attends. Du liquide amniotique. Ah, du vomi? Alors. Non. C'est du vomi. Non, t'inquiète. C'est du vomi. D'animal, du coup? D'un animal. Waouh! Mais d'un animal qui vous tortue. 1 million non. D'euros? Bah, récent, du coup. Récent. Non, c'est récent, c'est récent. C'est bizarre. Un vomi d'un dernier animal non, qui, malheureusement. Non, okay. Non, non. Mais un je crois que c'est quand même un animal un peu rare, connu. Il est connu. Très connu. Il a une chaîne YouTube. Un animal très connu. Donc du vomi. Attends, de quoi? Est-ce que c'est un mammifère? Oui. Et je le dis sans trembler. Dauphin. Alors non, mais on s'approche. Dauphin, j'ai entendu dauphin. Baleine. Baleine. Baleine. Vomi de baleine. Alors sachez. Mais alors, d'où ça vaut un million par contre. Alors bien sûr. Il avait peut-être bouffé un truc incroyable. Alors un guide touristique. Jeff, un des enfants de Jeff Bezos. Il avait mangé. Il a vomi un enfant de Jeff Bezos. Un guide touristique qui nettoyait les déchets sur une plage de la province de Songkhla en Thaïlande a fait une découverte qui a changé sa vie le mois dernier. Il a trouvé 27 kilos d'ambre gris. Une substance ayant une grande valeur, sécrétée par le système digestif des cachalots présent dans leur vomi. D'accord. Bah oui, le vomi des. Voilà. Pourquoi les gens les tuent ? Et ben voilà, dans leur vomi, il y a de. Y a de mais y a ils pourraient juste les dégoûter au lieu de les tuer. Leur toucher la glotte avec un bâton. En leur tenant les cheveux au-dessus des toilettes. sa trouvaille pourrait en effet valoir plus d'un million de dollars, soit plus de 880 000 euros. Eh ben, avant quoi, si vous trouvez du vomi de baleine surtout, passez pas votre chemin, récoltez-le. Il avait un petit tupperware avec un très grand, 27 kilos, ou alors il a fait plusieurs voyages peut-être. Mais pour rebondir sur ce que dit Adrien, plutôt du vomi de baleine. Si c'est du vomi de gens normaux, oui. Vous êtes pas obligé de le prendre avec vous. C'était la... que c'est ouf. Est-ce que le mec savait quand il a découvert que ça coûtait de l'argent? Parce que moi je vois ça, je suis incapable de dire ça coûte. Moi je suis dégoûté en fait. Oui, je suis dégoûté. Sinon il est très bizarre le mec. Il a dit putain du vomi génial. Après il est rentré chez lui, il a fait ça vaut un million, tu sais. Ah bah ouais, je savais. Pourquoi j'aurais ramassé du vomi? Tu sais, les émissions américaines, tu sais, ils sont en mode salut, je t'amène un vomi de baleine, ça coûte combien? Je pense que ça coûte au moins un million de dollars cette affaire. C'est extrêmement rare comme vomi, tu vas voir, ça va te rendre riche. Je vais appeler mon pote expert en vomi de baleine, il va venir expertiser tout ça. J'adore ce vomi. Magnifique. Je te jure, il faut quand même savoir quoi. Bon, on m'appelle jamais, ça me fait plaisir le gars. Après il est guide touristique, donc peut-être il connaît un peu les, ce genre de trucs, je sais pas, j'en sais rien. Si vous êtes guide touristique, est-ce que vous êtes calé en vomi? Dites-nous. Pas, ou alors c'est un hobby pour lui. Une collection. Vomi. Dans un lycée de Guyancourt, il y a eu 3 blessés et 7 interpellations pour une raison assez étonnante, rien de très glauque. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, interpellation genre des gens arrêtés. Un collège, dans un lycée. Est-ce que ce sont les lycéens dans un collège? Ou un lycée? C'est des lycéens. C'est lycéens. Est-ce que c'est les lycéens qui ont été arrêtés? Oui, c'est les lycéens qui ont été arrêtés dans les Yvelines. Ça aurait pu être les profs. Guyancourt. Il y a une histoire de triche. Guyancourt, bien sûr. Bien sûr. Alors, pas une histoire de triche. Une histoire de drogue. Pas une histoire de drogue. Est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux? Ce n'est pas lié aux réseaux sociaux. Le web. Oui, bien sûr. Le mal. Non, je vois ce que c'est. Non, mais parce que c'est encore autre chose. Bien sûr. C'est encore plus large. Est-ce que ça implique le corps enseignant? Alors, ça l'a impliqué parce que parmi les blessés, il y a eu des professeurs. Ah, il y a vraiment eu des professeurs. Ouais, il y a un prank? Une sorte de prank? Ça a mal tourné. Ça tourne mal. Alors, non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, il y a eu des coups, en fait, parce que le truc est un peu parti en vrille sur la fin, parce que des gens ont voulu s'échapper. Mais la raison pour laquelle c'est arrivé est un peu surprenante. What? À un moment, ils ont voulu s'évader, quoi. Il y a une odeur horrible? Non. Du vomi de baleine. Ouais, c'est ça. Ils ont été punis par les professeurs et du coup, ils se sont vengés. Non. Mais on méchamment. Est, okay. Ils n'étaient pas collés. Non. Mais c'est pas une blague, ils ont pas fait genre. Non, ils ont pas fait de blague. Ils ont. Faux appel, enfin, alerte à l'attentat ou un truc comme ça. Non. Mais tu t'approches un peu, mine de rien. Un canule. Non, non, pas un canule. Non, pas un canule. Trois blessés. C'est genre dans la cohue, les gens qui. D'accord. C'est ça. Waouh. Mais c'est des élèves, du coup, sur les profs. Est-ce qu'ils ont été mal notés? Ils ont voulu se venger ou quelque chose comme ça? Alors, ils n'ont pas voulu se venger. À la base, c'était Ocean Eleven. Ils voulaient. C'était ils voulaient récupérer les copies. Ils voulaient récupérer. Alors, ouais. C'est mieux que la réponse, je suis désolé. Ouais, ça arrive souvent. Mais ils ne voulaient pas faire de mal, en tout cas. Ils voulaient voler quelque chose? Non, ils ne voulaient rien voler. Ils voulaient changer quelque chose? Non. Ils voulaient écrire quelque chose sur le tableau? Une non. bonne blague? Est-ce ni sur les murs de ceux qu'on aime. Ouais. Non plus. Est-ce qu'ils vous ont voulu tenter, je sais pas, en cours de chimie, tenter un truc? Libérer des animaux? Et avec un bec benzène? Non. Libérer les drosophiles de la salle de sciences naturelles? Non, mais. Ça sent le vécu. Fer à souder sur. Moi, j'ai déjà fait ça. Bah, tout le monde s'est mis du fer à souder sur le doigt, non? J'ai l'impression. Non, que moi. À flot, là, c'est ça? Yes? Le fer à souder sur. Bonne soirée à tous. Non, mais tu sais, avec. Il sent vivant. Après le Covid, il y a besoin un peu de se retrouver. Ça m'est arrivé aussi à un flot, donc ah voilà, de l'éteint, genre de l'éteint quoi. Ah non, mais même pas, moi c'était juste en mode ah ça n'a pas trop chauffé ça. Tchh, ah si, c'est ah oui, ah non, mais moi c'était donc tu sais, on faisait souvent c'était tu faisais chauffer du métal de l'étain avec de l'étain avec le petit bout là qui ressemble à un espèce de trombone quoi déplié ouais. De l'étain donc du fil d'étain quoi, voilà c'est ça, et ça faisait un liquide et moi j'ai touché le liquide comme ah bah voilà coup, voilà c'est marrant. Je me suis dit je vais être un X-Men, tu vois, j'ai pu avoir de qu'est-ce qu'elle fut débile entre toucher l'étain et toucher le fer directement. Non j'avoue, Rive c'est débile, c'est très débile, c'est très con. Moi je savais pas, moi je croyais que le fer à souder il y avait des flammes qui allaient sortir, du coup je me dis bah c'est pas chaud s'il n'y a pas de flamme qui sort du truc. Tu voyais un chalumeau. Un truc qui fait fondre du métal, ça doit pas être si chaud, je pense. Ah si, merde. En tout cas, c'est pas ça. Rien à voir avec la physique. Chaud, on s'écarte, Est-ce que c'est l'art plastique ? Non. Okay. Non, non, le cours a peu d'importance. Rien à voir avec la matière. Est-ce qu'ils se sont fait passer pour quelqu'un d'autre ? Non. Ah. Genre, ils sont mis sur les épaules dans un grand imper. Ouais. Je suis un géant. Est-ce que c'est quelque chose qui implique la vie scolaire ? Ça implique les cours. Et c'était à l'intérieur ou à l'extérieur du lycée ? À l'intérieur du lycée. Ils ont fait. Ils ont fait irruption dans un cours ? Non. Ça se trouve, c'est une tradition. Ils sont, prof, non ils sont non. sortis par la fenêtre. Ça se trouve, c'est une tradition, genre de fin d'année, de vouloir foutre un peu le zbeul dans ah, son genre lycée. Les 100 jours du bac. Moi, ça avez... moi dans mon ouais. lycée, il y avait ça. Ah oui. Genre, on appelait ça les monômes à Douarnenez et oh. en Bretagne. Oh, et donc, en gros, le but, c'était de martyriser les secondes. Trop bien. Voilà. C'est un peu du bizutage, quoi, finalement. Ouais. De jeter des œufs, etc. Machin. Douarnenez, Finistère Sud ou... Exactement. Ouais, Finistère Sud, exactement. Oh, Adrien, non, mais. Je connais, pour l'abbé. Et lycée Jean-Marie Lebrise, pour ceux qui connaissent. Et c'est énorme parce que en live, ça m'a. Je une petite parenthèse, mais en live, il y avait quelqu'un qui m'avait retrouvé en mode hé, mais c'est pas toi qui m'aurais balancé un œuf. Non, c'est en live. C'est en lancé un œuf en 2013 au moment des monomes et tout. Ouais. Et du coup bah je me suis fait afficher, mais c'était pas moi, je suis en réalité innocent. Mais après les batailles d'œufs, moi aussi j'avais ça dans mon collège, effectivement, à la Cantoche, contre un autre collège. Nous c'était ouais la garde de gang, ouais, c'était à deux rues à côté et ça balançait des œufs par dessus et tout quand ça fermait, c'était le bordel. Avignon, amoureux d'une meuf de l'autre lycée, l'amour interdit, les pions disent jamais tu ne, j'interdis cette relation. Mais du coup c'est pas une bataille. C'est pas une bataille d'œufs. Donc mais nous, il y avait tradition. Un truc, il y avait une tradition, c'était les 100 jours du bac. C'était 100 jours avant le bac, les terminales avaient le droit de venir déguiser. Non, mais c'est plutôt bon délire. Oh, c'est oui, pas mal ça. Ouais, déguiser, ça va. Déguiser. C'est pas 100 jours avant le bac, c'est pas le carnaval par hasard. Ah oui, merde, bien joué. Mais qu'on rien inventé en fait. Non, parce que du coup c'était mai, c'était fin mars, début avril. Je crois que c'était un truc comme ça. Carnaval, 100 jours du bac. Pas du tout. Très bien. Mardi gras. Ouais, c'est ça. Mais non, est-ce que c'est un rapport avec la semaine des arts et des sports? Non. Les semaines OB, tu veux dire? Très calé. Non, c'est pas ça. Sur l'éducation. Sur le mec qui a bossé dans les associations pour les filles. Attends, alors, t'as dit Ocean's Eleven. Donc ils ont essayé de faire une espèce de. Ils ont essayé s'infiltrer quelque d'échapper à un truc. Le sport. Le sport, ouais. Un examen peut-être. Alors, un contrôle. Ah, exactement. Alors en gros, il y a eu un contrôle surprise. Et ça, ils n'ont pas accepté. Ils ont essayé de creuser un tunnel dans le mur. Mettre un poster par-dessus. Non, ouais. non, c'est tout ça. En fait, il y avait effectivement un contrôle surprise. Ça leur est resté en travers. Donc, ils ont déclenché l'alarme incendie. Oh, tout simplement. Pas du tout avoir aller au contrôle surprise. Ah, il y a eu. Mais le mouvement plan. De foule. Le Parisien l'a bien dit. Le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Et c'est finalement soldé par trois membres du personnel agressés, malheureusement. Hein ouais. Oui, il y a un virage. Il y a un virage. Vous voyez pas qu'il y a le feu. Il est 16h30 ce jour-là quand les du commissariat d'Elancourt sont appelés pour des faits de violence commis à l'intérieur d'établissement. Sur place, le proviseur adjoint leur raconte les événements. Alors qu'ils montent au troisième étage, avant de savoir pourquoi l'alarme s'est déclenchée, le responsable aperçoit trois jeunes gens prendre la fuite en compagnie du conseiller d'éducation et d'un surveillant. Il suit le trio jusque dans les toilettes. Démasqués, les trois fuyards se retournent alors contre les trois membres du personnel, les rouant de coups avant de quitter l'établissement mais dans quoi, la panique. Mais non, mais c'est la panique totale. Ça, c'est vraiment ça. Les rouant de coups. C'est dans le plan, ça, à la base, ou sachant que tous les coups sont permis. Le twist de tout ça. C'est que l'enquête permet de conclure que les trois personnes mises en cause ne sont pas scolarisées dans ce lycée. Bah, ah bah twist, voilà. Ils ont voulu échapper à un contrôle qui n'était pas pour eux. Ouais, c'est ça. Mais aussi qu'ils ont. Mais attends, quoi ? C'est juste qu'ils ont rencontré peu avant les faits quatre élèves qui ont facilité leur intrusion. Voilà, donc c'était juste un espèce de grand bordel. Donc en fait, c'est des mecs qui étaient pas prévus pour être là. L'un d'eux a ainsi raconté, interpellé mercredi, les quatre lycéens ont expliqué en garde à vue les raisons de cette machination ayant tourné au pugilat. La simple volonté d'échapper à un contrôle. L'un d'eux a ainsi raconté aux policiers avoir demandé l'aide de connaissances pour perturber la vie du lycée. Il se vantait auprès de sa classe que grâce à lui, le contrôle n'aurait pas lieu. Mais tellement attends, d'enfants, de violences crasses mélangées. Là, le truc, c'est un contrôle surprise. Donc, ouais. Il savait pas à l'avance. Ouais, donc ça veut dire que le prof a dit contrôle surprise. Il a sorti son téléphone, il a appelé des potes à lui. Genre, venez maintenant. Venez, on fout le feu. C'est ça, dérapé complet. Ah ouais, l'enfer, c'est parti vite en couille. Il a appelé ses gars qui étaient à côté, non scolarisés. C'était non, je pense que j'aurais fait des trucs. Non, ça passe des gars si tu veux. Ouais, pas de problème. J'aurais préféré la théorie de la petite cuillère pour faire un trou dans le mur, tu vois, je pense. Ça aurait au moins le mérite d'être marrant. Ouais. Un petit peu plus sympa. On un peu plus idiot parce que jamais il n'aurait eu le temps de creuser un tunnel. Oui, un petit peu de temps, je pense, mais. Mais bon, plus. Bah, c'est plus feel good quoi. Comme quoi la jeunesse tout part à volo quoi. Oh, tu m'étonnes. Bah attends. Là on est plus que tous les deux, on depuis, peut le dire. Depuis il y a plus les uniformes à l'école. Oui voilà. Moi à mon époque, t'as porté une pomme à ton prof quoi. Tu tabassais pas le personnel. Enfin, tu le remerciais ton prof. Tu le remerciais de te donner des cours. Bah, c'est à l'époque où on chantait des chansons au début de cours. Oui on chantait des Maréchal. Ouais, voilà, non, ça c'est. Mais parce que t'as grandi où quoi. Saint-Germain. Pas mal de bunkers là-bas. Pas mal de bunkers exactement. Tout à fait. Je t'en prie, installe-toi. D'ailleurs, avec toi, faire une histoire. La maison où j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye, il y avait un mur, il y avait des meurtrières de la Seconde Guerre mondiale dans le mur de mon jardin. Quoi. Et un archer. Et il y avait de l'autre côté du mur un bunker. Sans mais non. Ouais. Ah ouais. Tu peux nous donner l'adresse. Il y a plein de Saint-Germain-en-Laye, il y a plein de bunkers nazis. Il y avait, je crois, le centre, si je dis pas de bêtises. Non, le centre de communication des nazis qui était en France, du coup, à Saint-Germain-en-Laye, il y a des énormes bunkers. Ah ouais. Même dans mon lycée, il y avait des bunkers à côté. Tout. Il y en a partout à Saint-Germain-en-Laye. Je savais pas, non, je savais pas du tout, il y avait donc, ce truc-là. Très quoi. Belle ville, mais beaucoup d'anciens nazis, malheureusement, je pense. Ça va. Oh l'enfer. Avec des fausses moustaches et des. C'est ça. On les retrouve. Pour rebondir sur cette histoire de lycée, est-ce que vous étiez du genre à foutre un peu le bordel en cours ou pas du tout? Ouais, pense un petit peu. Bon, ça, en vrai, ça dépendait des cours, en fait. Ça dépendait des cours ouais, et des profs. Aussi, ça dépendait des profs, hein, aussi. C'est j'ai l'impression. Ça. Ouais. Moi, je sais que c'est, par exemple, la philo, moi, ça a été vraiment un fiasco du début à la fin. T'étais en quelle filière? S, et donc la philo, c'était très faible coef. Mmh. Après, moi, j'appréciais quand même cette idée de se poser des questions, etc. Mais voilà, le prof était... en réalité un peu cata et tout le monde le pensait. Et en gros, moi, je me suis mis à sécher la philo pendant toute mon année de terminale. Trop bien. En disant que j'étais dans l'équipe de France de... Trop bien. Moi, je trouve ça top. Pour le moment, c'est super. Un conseil qu'on peut donner aux jeunes. Oui, hein. Oui. Et en gros, je disais que j'étais dans l'équipe de France de Laser Game et que mes entraînements étaient pendant le cours, quoi. Donc, je pouvais pas venir, tu vois. Et en gros, j'ai fait quasiment aucun cours. Ils appelaient pas tes parents? À tel point que non, mais t'es au lycée. Et puis en plus, en fait, la moi, ils appelaient mes parents. Moi, j'avais 5 minutes de retard, ils appelaient mes parents. Moi, il y aurait eu un petit coup de fil, ouais. Bah oui, grave. En fait, moi, il y avait un truc, c'est que j'étais délégué de classe. Et en fait, le pourri, putain, Balkany, véreux, véreux. C'était un peu scandaleux. Et du coup, j'avais même pas de notes en philo. Il y avait, je crois que c'est mon deuxième trimestre de terminale. Il y a écrit ABS. Sur il y avait ta fiche de Laser Game. De philo, il y a rien. Le score. De... Et t'as la... même pas zéro alors que c'est des absences injustifiées. Si, j'étais champion de France de Laser Game. Et tu sais que pour la blague, du coup, on était beaucoup. Donc au conseil de classe, c'est ça, du deuxième trimestre de terminale. Oui, t'étais délégué, t'étais obligé d'y aller. Exactement. Ouais. Et en fait, le prof de... Donc en fait, tous les profs voient que j'ai ABS en philo. Et puis là, mon prof principal, qui était mon prof de physique, se retourne vers moi et me dit « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pourquoi ?» Et là, mon prof de philo répond « Bah en fait, Aurélien fait partie de l'équipe de France de Laser Game. » Et là, mon prof de physique, qui était mon prof principal, qui pour le coup me connaissait mieux, genre j'avais un groupe de musique, il allait nous voir en concert et tout, il y avait quand même un bon rapport. Il me regarde et en gros, il me dit « Je sais que tu mens. » Ah ouais. Il y a pas de souci, on en parle après. Et en fait, ça, on a continué le conseil de classe. Incroyable. Ouais, et après, on en a parlé, mais en vrai... Ils s'en foutaient un peu, c'était pas très grave. Ouais, t'en es. Bah, ils méprisaient la philosophie, certainement, en bon scientifique. Non. et pour l'anecdote. Heureusement que c'est la philo, c'est de la merde. non, lui, si ça avait été les maths, j'aurais pété un plomb. Et pour l'anecdote, bah, j'ai finalement eu 15 au bac de philo, en étant le premier du lycée à être sorti et en faisant référence à des films pornographiques. Un bel exemple pour la jeunesse. Voilà. Oh, putain, suivez-le pour moi. Vraiment, ça n'a aucun sens mon année de philo. Et pourtant, j'adore la philo, en fait, au sens large. Tu vois. Pour rebondir, moi, c'est en français. Je suis au bac. Moi, j'étais en L, donc gros coef. Je tombe sur un bouquin que j'ai pas lu, parce que c'était Les Liaisons Dangereuses. Et La Flemme, c'est un gros bouquin quand même. Vous avez vu le film? Non, j'avais vu Sexe Intention, gars. Et en fait, Sexe Intention, c'est Les Liaisons Dangereuses. Bah oui, oui. Voilà. Oui. Et donc, du coup, j'ai fait un. Comment on appelle ça? Un parallèle? Merde. C'était mon thème, en gros, de philo. Enfin, de dissertation. De rédaction. Dissertation, merci beaucoup. Putain, je trouvais pas dissertation. C'était de dire les différences entre machin. Sauf que je disais que les trucs du film. Du coup, en disant, bah oui, parce que ça se passe de nos jours. C'est beaucoup plus moderne, machin et tout. Et j'ai eu 16 sur 20. Putain, ah, bah ouais, au bac, alors, ouais. 16 bah ouais, sur incroyable. 20, sans avoir lu le bouquin. Ah, je t'aurais bien sorti, punaise. Ah bah, le boss, très très fort. Moi, j'étais pas un élève, très... Bah, tu vois, qui était collé, je pense que j'ai dû être collé peut-être deux fois, trois fois, tu sais, entre collège et lycée. Mais pour attaque à main armée, hélas. Hélas. Mais non, mais une fois, je me suis quand même fait coller, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai un frère jumeau. Ouais, et une fois. Twist. Ouais, on était du coup en classe ensemble. Là, je te pince, il a mal. Exactement. C'est que le pire, c'est que c'est vraiment les mêmes. Il est vif, hein. Il est vif. Ah, mais c'est comme ça que ça marche. Ah, il est hyper cul de vite, quoi. On va parler de NFT bientôt. Et en fait, ce qui fait qu'on bah, on avait une prof, malheureusement, qui était un peu victimisée en classe en cours d'anglais. Et du coup, une fois, pourtant, on était une classe plutôt studieuse, mais là, je sais pas, on s'est senti pousser des ailes, on a foutu le bordel en classe. Et moi, j'avais décidé de rester au fond, de ne pas faire grand chose pendant que les autres foutaient le bordel. Et notamment mon frère qui était devant en premier rang et qui foutait le bordel. Ah, dans la même classe en plus. Ouais, ouais, ouais. Ah, génial. Et un jour, alors du coup, moi un peu faillot, je reste après le cours, j'aide à ranger tout le bordel qui a été mis par la classe, etc. Et au cours d'après, elle me dit de venir et elle me dit, bah, tu seras collé. Et je dis, mais pourquoi? Ouais. T'étais devant, t'étais au premier rang, tu foutais le bordel, etc. Ah, et j'ai dit, mais non. Et en fait, en gros, elle m'a confondu avec mon frère, je me suis fait coller à la place de mon frère. Ah, et, il a rien dit. Ah ouais, une belle ordure, dit. Ouais, je le déteste toujours. Hein, pour le coup. On se parle plus depuis hein, ce moment-là. C'est terminé. Non, non, mais du coup, c'était assez rigolo et c'est l'une des seules fois où je me suis fait coller. Enfin, ah, voilà. C'était injustement. Ah, mais quoi. Complètement injustement. Pour avoir rangé, quoi. Vraiment la victime totale. Pardon, mais, non, mais c'est vraiment injuste, je veux dire. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'étais plutôt sage. Je me suis, par exemple, jamais fait coller au lycée ou quoi. Ouais. Mais je me suis déjà fait coller au collège. En fait, j'étais dans un collège privé, mais genre, c'était. Un peu bourge, quoi. Ouais, et du coup, tu faisais ne serait-ce qu'un tout petit truc, soit t'étais collé 3 heures, soit t'étais renvoyé, quoi. Genre, ah ouais. Par exemple, j'oubliais 3 fois mes affaires, j'étais collé 3 heures, quoi. Enfin, ah oui, tu d'accord, c'était ça. La lourdeur. Donc, du coup, je me suis fait coller au collège, forcément. Ah ouais. Je me suis aussi fait virer 3 jours. Ah ouais? Voilà. Ouais. Mais parce que t'as oublié ta gomme. Ah, c'est bah, ça. En fait, franchement, c'est abusé. Genre, en gros. Mais en vrai, ça me fait rire de me dire que moi, qui étais plutôt bonne élève et sage, je me suis fait virer 3 jours. Enfin bref, en fait, j'ai allumé l'alarme incendie sans faire exprès. Ah. La blouse. Et passé à tabac 3 membres du personnel. Et en fait, faut savoir que je me suis instantanément dénoncée. Ah ouais. Je suis montée à la vie scolaire, j'ai dit c'est moi, je sais pas ce que j'ai foutu, merde, enfin ouais, au désolé, secours, pardon, ouais. C'est ça. Et en fait, il y a eu un conseil de discipline, ils ont convoqué mes parents, j'étais en larmes, je n'avais jamais rien fait de toute ma vie. J'étais, je crois, en 5e, tu vois, un truc comme ça. Et je me rappelle que le directeur, il me faisait culpabiliser, il disait, à cause de toi, des enfants de maternelle sont sortis apeurés à cause de l'alarme incendie. Ah oui, moi, j'étais trop contente. J'ai traumatisé. Au final, j'ai passé 3 jours à jouer à la GameCube, c'était super. Ah oui. Comme quoi, c'était cool. Voilà. Comme quoi, il devait vraiment pas y avoir de trucs bien fous qui se passaient dans ce collège. Oui, c'est vraiment, ça. Genre, je des conseils c'est de classe, les, etc. Les flics dans les villes où il se passe rien, dès qu'il y a un truc, ils sont genre. Ouais. Comme par exemple à Saint-Germain-en-Laye. Excusez-moi, le stationnement 5 minutes, là, ça fait 6. Ce genre de choses. Un peu de zèle. Moi j'étais collé tout en quatrième, j'étais collé tous les mercredis pendant 4 heures pendant un trimestre entier. Mais je crois que j'en avais déjà et parlé. Et pour quelle raison? On peut le savoir. 2 fois avertissement de conduite. Ah oui. Où tu répondais au professeur? Oh là là, l'insolence. Oh là là, l'insolence. Ouais, un monsieur peu Méniel. Bien. Après, ça dépendait des. En fait, c'était les cours où je m'ennuyais, je faisais le con, je pense. Mais t'es un zèbre. Je suis un zèbre, total. Non, et les en sport, je faisais le con aussi. Mais alors, c'est le concept. Ouais, ouais, mais. Parce que le sport, c'est quand même le truc où t'as besoin de cracher ton énergie, donc forcément, tu fais un peu le con. Ça déborde un peu. Ils ont trop d'énergie, sport, ouais. Ces gamins. Ça, c'est attends, ils ont besoin de courir. Attends, après l'année qu'ils ont passé. Il y a un prof de sport qui, quand quelqu'un faisait le con, disait arrête de faire le méniel. Oh, c'est pas vrai. Ça fait mal, ça. Voilà. Ouais, mais une petite fierté être quand même. Oui, c'était sûr. Maintenant, il était content. Ouais, putain. Est-ce qu'il le dit encore? Je crois qu'il est mort, hein, parce que j'ai 41 ans, donc beaucoup de mes profs sont sans doute morts. Mais bah, super. Attends, ça mais on les embrasse. Ils doivent bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Bien sûr. Ah, des proches, arrête de faire le méniel. Ouais. On a dû lui dire, j'imagine. Et est-ce que vous avez vécu ce truc où collège atroce et lycée. Ah non, moi c'était l'inverse. Ah moi, ouais, t'as collège. Préféré. Ah ouais, j'ai préféré le collège de fou, c'était trop bien. Alors putain, je l'entends beaucoup moins. Ah ouais, si, en gros, mon groupe de potes était bien plus soudé, tu vois, au collège qu'au lycée. Et puis après, petites embrouilles perso, etc. Copine d'époque, c'était pas facile et tout machin. Donc du coup, ce qui fait que j'ai pas kiffé spécialement mon lycée. Et puis j'avais l'internat, donc c'était un peu particulier aussi l'internat. C'était sympa, mais un peu usant en même temps. T'as ce côté où t'es très. Tu vois beaucoup tes potes, mais parfois tu les vois un peu trop. Ouais. Et des fois, du coup, c'était un peu difficile. Ouais, mais par contre, j'ai adoré mes études supérieures. Quand je suis arrivé en fac d'histoire, j'ai rencontré des gens trop intéressants. Puis à la fac, en vrai, tu rencontres des gens d'horizon, des gens qui font des reprises d'études, d'autres qui ont tenté déjà d'autres filières et qui arrivent en histoire. Et donc, ce qui fait que tu croises plein d'expériences différentes et c'est super rafraîchissant. Ah bah. Et du coup. Puis en vrai, la fac d'histoire, c'était pas bien compliqué, il suffisait d'aller en cours, et quand t'allais en cours en fac d'histoire... Cela dit, moi, à la fac, c'était déjà énorme de me demander d'aller en cours. Ouais, je sais, mais vraiment, moi, j'ai l'impression que les deux premières années, en tout cas, après la troisième, fallait bosser un peu plus, mais les deux premières années de fac, c'était juste t'allais en cours, t'allais un peu à la BU de temps en temps, et puis ça allait, quoi, tu vois. Mais la fac, c'est... Enfin, c'est la liberté totale. Enfin, c'est vrai que c'est un truc qui m'a... Je crois que c'est la période où j'ai le plus de nostalgie de ma vie, quoi. Enfin, j'avais vraiment un truc de liberté. En plus, moi, j'étais en Bourgogne, donc il y a monté à Paris, la capitale, la grande ville. Donc, du coup, il y a vraiment ce truc... Ah, t'es monté direct après le lycée. Ah ouais, mais moi, en plus, c'était époque, mes parents divorçaient, donc il y avait vraiment un truc de... Ah, on se casse. On se casse, ouais, voilà. Ouais. Et j'étais dans mon petit appart. Et puis moi, ma chambre, je la partageais avec mon ref. Donc, il y a eu vraiment... un truc de liberté quand j'étais chez mes parents, je veux dire. Donc il y a vraiment eu un truc de liberté totale du jour au lendemain. Ah oui, trop bien. Et je l'en ai surabusé parce que j'allais pas trop à la fac, je dormais la journée, je comme vivais beaucoup de gens. C'était une fac de quoi? C'était une fac d'audiovisuel, mais que j'ai adoré quand même parce que c'est ce que tu dis d'ailleurs, je te rejoins complètement. Ce qui est génial avec la fac, c'est que c'est des gens d'horizons différents qui ont comme seul point commun d'avoir plus ou moins la même passion que toi. Ça, c'est un truc où tu dis putain, c'est trop bien quoi. Enfin, tout le monde a un peu le même projet. Il y a des gens qui cherchent aussi. Ouais, c'est ça. Mais, et puis il y a des gens même... qui ont des références aussi différentes des tiennes, références politiques aussi. Donc c'est intéressant, ça t'éveille à plein de trucs, tu vois. Et puis aussi le fait que j'étais en filière S, moi, du coup, pour le coup, et ça se passait pas très bien. Donc en plus, il y avait les mauvaises notes en lycée qui passaient. Donc t'es en mode, c'est bon, c'est trop chiant. Ouais. Alors que, tu vois, je passe d'un bac S à l'histoire au final et c'était très différent. Ouais. Mais du coup, j'ai adoré ça et j'ai passé 4 ans à la fac. Mais c'est peut-être aussi le côté Paris, moi, parce que du coup, il y a aussi le côté devenir un anonyme. Parce que moi, je viens d'une petite ville. Ouais, je vois ce que tu veux. Truc assez atroce de moi, je me faisais tabasser au collège en plus, donc il y avait un truc de oh putain, tu vois les mêmes gueules, des mêmes gars relous, c'est les mêmes meufs qui n'ont pas voulu de toi et qui en veulent toujours pas, et d'un coup tu deviens un peu un anonyme dans une grande ville, et du coup c'est comme tu si tu rebootais, ouais c'est ça, tu rebootes ta personnalité un peu, tu fais ok, tu c'est bon, tu te fais tabasser par d'autres gens, enfin ouais. Il y a un côté il y a d'autres meufs qui te regardent, voilà, c'est rafraîchissant, putain, ça fait quand même du bien, quoi. Tu reboot, ouais. Et toi Ultia, par rapport au collège, lycée, t'es... Je vais répondre un truc horrible, j'ai détesté absolument toutes les phases d'école de ma vie. Non mais je comprends, moi j'étais celle qui détestait l'école, j'ai toujours détesté l'école. Quand j'étais en maternelle, je piquais des crises pour ne pas aller à l'école. Bien sûr. Alors c'était plutôt bon élève en vrai. J'étais une très bonne élève. Ouais. En gros, moi mon père. Je sais pas si t'avais une mauvaise note, t'étais viré pendant 5 jours. C'est ça, les roues et de coups. En fait, j'ai jamais aimé l'école, j'ai toujours détesté ça, franchement ça me faisait chier. Et mon père, il était comme moi, il aimait pas l'école non plus. Et du coup, il m'a toujours dit: t'inquiète ma fille, si tu travailles bien à l'école, t'en auras vite fini. Donc travaille bien, et comme ça, t'en entendras plus jamais parler, parce que tu voudrais quand même pas te retaper une année dans un enfer. Ouais. Et j'ai fait oui, c'est vrai. C'est un bon argument. Et donc j'ai travaillé de ouf, comme ça je pouvais vite m'en débarrasser et choisir ce que je voulais faire. Ouais. Donc après j'ai fait un bac plus 5 en plus, donc parce que je me disais qu'il faut que j'ai un bon job, quoi. Ouais. Et non, mais tu sais, c'est des trucs que tu te dis dans ta tête. Que tu te dis, ouais. Voilà, et qu'on te dit aussi. Et qu'on te dit. Et qu'on te dit, ouais, c'est ça. Mais c'était très bien, en vrai. Mais voilà, j'aimais pas l'école, quoi. Mais après, c'est pas pour autant que j'ai passé des années horribles. C'est juste que le côté scolaire, c'est vraiment. J'ai toujours détesté ça, quoi. Je pourrais pas le refaire, quoi. Enfin, le fait d'être assis toute la journée. Moi, j'ai fait longtemps. 5 jours par semaine. J'ai fait longtemps des cauchemars où j'étais au lycée, quoi. Mais même, genre, la semaine dernière. À 30 balais et quelques, quoi. Ouais. Où avec ton prof qui est en mode arrête de faire le méniel, arrête. Oui, mais tu sais que mon père et moi, on fait encore des cauchemars à l'école. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Après, je me rappelle plus trop de mes rêves aussi, mais je sais que pendant longtemps, le bac, les trucs comme ça, ça me. C'est mon enfant. Je faisais des cauchemars de ça. Ouais. Ben moi, j'avoue que j'étais un gamin. Enfin, moi, j'ai toujours adoré l'école pour le coup. Ouais. Parce que. Alors, pas aller en cours du tout. Comme beaucoup de gens. C'est une grosse partie de l'école. C'est une grosse partie. Mais moi, je voyais vraiment l'école pas comme. Pas quand on est champion de laser game. Non, mais en fait, j'avais vraiment ce sentiment de s'entraérer, en vrai. Ouais. Genre, moi, je sais que j'ai été donc. Maternelle primaire dans un village, donc tu connais tout le monde connaît tout le monde, ça se passe honnêtement, ça se passait bien pour à peu près tout le monde, quoi, dans l'idée. Et moi j'adorais, voire même, tu vois, les vacances d'été, je les trouvais un peu longues, tu vois, j'avais hâte de jeter sa pizza, parce que j'allais revoir les copains, tu vois, j'allais revoir les copains, la chance, je suis envieux de ça, quoi, et qui fait l'école, c'est cool. Après le collège, ça a été particulier, parce que d'un coup je suis passé d'un village à Avignon. Alors Avignon, c'est pas une grande ville, mais quand même, quand tu parles c'est du coup je suis passé à Avignon et dans un collège de centre-ville, etc. Donc c'était un peu particulier, mais ça s'est super bien passé. Mais j'étais un gamin qui était j'étais hyper ouvert, je disais oui à tout, je voulais toujours tout faire, et donc en général ça se passe plutôt bien dans ces cas-là, quoi, on va dire. Enfin, ou très mal. C'est la drogue. Effectivement, mais je sais pas. Moi, j'ai toujours été plutôt positif et tout, et donc ça s'est bien passé. Je me suis fait une bande de potes que j'ai conservée au lycée, qui a même grandi. Donc en fait, c'était juste fou. Et en fait, cette bande de potes, c'est toujours ma bande de potes aujourd'hui. J'ai 30 ans. Ça, c'est génial. Et ça, c'est un truc de fou. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, j'avoue, d'avoir un noyau hyper solide qui est toujours solide aujourd'hui. Et après, les études sub, un peu comme vous, hein, c'était un peu une libération aussi, sortir du cocon familial et tout. Mais par contre, moi, c'était plus dur. Enfin, moi, j'ai un meilleur souvenir, bizarrement, du collège-lycée que justement des études sup. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, parce que moi, j'étais plutôt perdu. C'est-à-dire que je me rendais compte que c'était pas ce que je voulais faire et que là, il fallait choisir vraiment. Ouais. Tu vois, alors que quand t'es collège-lycée, tu dis ouais, YOLO. Enfin, on est tous dans la même merde. C'est ça. Bah, le but, c'est avoir des bonnes notes pour essayer de continuer. Tu sais, c'est un peu c'est ça. Voilà. Alors qu'après, quand t'es dans le supérieur, concrètement, c'est ton avenir qui se joue. Il y a vraiment un truc de. Même si en réalité, tu peux te tromper plein de fois et c'est pas grave. Et moi, je sais que je me suis trompé plein de fois et c'était pas grave. Puis même, j'ai l'impression que la plupart des gens qu'on connaît, ils ont pas du tout un métier qui est lié aux études qu'ils ont fait, quoi. Beaucoup. Enfin, déjà, t'as raison. Bien sûr que sur Twitch, tous quasiment. En l'occurrence, c'est vrai que c'est très rare. Et puis même mes potes, par exemple, qui ont fait genre des écoles d'ingé après le lycée, machin et tout, bah, en fait, ils ont fait ingé un an, deux ans, trois ans, et ils ont arrêté pour faire tatoueur, musicien. Oui, c'est ça. Tu vois, genre, j'ai énormément de potes qui ont tout arrêté pour faire complètement autre chose. Pas des métiers de, comment dire, de comment elle s'appelait, les conseillères d'orientation. Oui, voilà. Que tu trouverais pas dans le livret, quoi. Oui, c'est ça. Tatoueur, vous voulez faire quoi? Vous aimez dessiner? Tatoueur, t'imagines? Orientation hyper ouverte d'esprit. Après, j'aimais blesser des gens, pas trop, mais quand même un peu. Et les marques à vie, quand même, leur cas. Ouvrir une boutique de CBD, pourquoi pas. Why not, ça se fait, c'est du commerce. Vente, BTS commerce, vente, et là-dessus, vous partez derrière sur la vente de CBD. Vous fumez un max de CBD. Non, moi, j'avoue, tout mon entourage quasiment fait le métier, ce pourquoi il a étudié. Ah oui. Mais moi, je pense que c'est un très gros privilège de pouvoir faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les études. Bah après, moi, c'est aussi parce que beaucoup dans mon entourage, c'est genre des comédiens. Ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est ça. Rarement. Ouais, bizarrement, moi je sais que dans mes études il y a eu. Le conservatoire avec Big Flo ? Oui, notamment. Mais du coup, il y a eu recherche quand même de ça, vouloir être comédien ou pas forcément comédien, mais métier de la scène. Et au final, plein de gens avec qui j'ai fait ça sont aujourd'hui comédiens. Ils sont vraiment restés là-dedans. Ouais, ouais. Sur ton Wikipédia, il y a d'ailleurs écrit déçu du cours Florent. Ah ouais, vraiment, pour le coup. Ah ouais, vraiment très déçu. Putain. Du cours Florent, ça a été. En fait, c'était horrible parce que j'ai fait. Attends, Wikipédia, toi, c'est vrai. Il faut en revenir de ça, c'est énorme. Il faut revenir dessus. Mais ouais, j'étais hyper déçu parce que c'était du coup, j'allais faire. Je montais à Paris pour mes études du coup de théâtre. Donc il y avait un peu tout ce délire là, tu vois, la culture, le truc et tout. J'étais un peu formaté. Je pense que j'en attendais un peu trop. Et arrivé au cours Florent, j'ai eu l'impression d'avoir une formation pour trouver des boulots pour être comédien plus que pour trouver sa voix dans le théâtre, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà en première année, on me dit alors là, t'as des annonces si tu veux jouer dans ça et tout. Mais attends, c'est plus pratique. Voilà. Exactement. Ouais. Alors qu'après, pour le coup, au conservatoire, j'ai ressenti ce vrai truc où on fait de toi un artiste, créateur, penseur, etc. Tu vois, et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que le cours Florent, concrètement. Et du coup, maintenant, accomplissement total, quoi. Mario Kart sur Twitch, composition artistique hyper forte. Maintenant, aujourd'hui, on s'arrête plus, quoi. C'est Pokémon, quoi. C'est choper des shiny sur Pokémon, quoi. C'est vraiment là, bam. C'est la base, quoi. Mais parce que tu n'as pas ton Wikipédia. Non, alors moi, je me suis fait même bloquer sur Wikipédia. Parce qu'en vrai, mes modérateurs ont voulu faire une page Wikipédia un peu pour rigoler, etc. Machin. Sauf que les modérateurs de Wikipédia ne rigolent pas du tout avec ça. Ah, ils ont mis des conneries dedans. Ah, bah en plus, grand guide Rivenzy ou quoi que ce soit pour rigoler, tu vois. Et là, Wikipédia, ils ont fait non, c'est mort, c'est très certainement lui qui a commandité des gens pour venir créer cette page Wikipédia. Et donc, il y a un modérateur Wikipédia qui a ban le mot Rivenzy, etc. Wikipédia. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais c'est vraiment très très violent pour le coup. Alors, Wikipédia, effectivement, il y a peut-être des bêtises un petit peu dedans, mais. Sur des personnalités. Plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Mais Wikipédia, c'est ultra simple. Ouais, c'est ça. Mais c'est maintenant. Alors, à l'époque, effectivement. Mais maintenant, en tout cas, c'est sûr que. Si vous voulez créer une page Wikipédia, attention parce qu'il y a des modérateurs un peu zélés. Des modérateurs de Wikipédia qui nous écoutent, allez, débloquez Rivenzy. Ouais, s'il vous plaît. Bah ouais, lançons un appel. Mais tu crois que si tu mets du coup des conneries sur des vrais gens qui ont existé, genre De Gaulle, c'est modifié. Tu supprimes De Gaulle. Il faudra savoir, il n'y aura plus jamais de page Wikipédia. Je pense que là, c'était à la création. Tu sais que, Tu rigoles, mais genre, moi, j'ai une émission le lundi où on parle de culture, etc. Donc on se perd souvent dans Wikipédia parce que c'est quand même c'est très sourcé, etc. Et en fait, la dernière fois, par exemple, je suis arrivé sur une page, je ne sais plus exactement de quoi ça parlait. Et en fait, la première ligne de la page Wikipédia sur laquelle j'étais avait été modifiée par un petit malin qui était sur le live, je pense, et qui savait que j'allais lire ça, qui a été modifié jusqu'à modifier le mot. Un mot en particulier et en fait moi je l'ai lu et on s'est tous dit oh non, quelqu'un vient de le modifier et tout, et j'ai F5, c'était remodifié, et tu sais, tu peux, ah ouais, tu peux voir le oui, l'historique de l'historique, ouais, exact, et tu vois vite. Ah, c'est maintenant, en fait, Wikipédia, c'est vraiment du sérieux, hein. Il y a pas de mais je te jure qu'il y a pas de feinte. À l'époque de, tu sais, 2009 2010, on se dit oui, Wikipédia, ouais, bon d'accord, Wikipédia source machin. Ah, et moi au moment où ça arrivait, au moment où j'étais au bac, et c'était genre ne copiez surtout jamais ce qu'il y a sur Wikipédia, tout est faux, sur des no name qui changent ça. Après, ça veut pas dire que tout est juste, mais oui, en tout cas, tout est sourcé. Oui, voilà. Genre vraiment, tout est sourcé. Non, mais en plus, il y a des stats qui disent que par rapport aux encyclopédies classiques, en carta, non, mais le pourcentage d'erreurs, enfin, déjà, il y a des erreurs dans les encyclopédies classiques, et il n'y a pas une grosse différence avec Wikipédia, et de moins en moins d'ailleurs. Mais lâchez quand même un euro à Wikipédia, toujours. Il doit continuer de demander de l'argent, c'est fou. Bah, si tu le fais une fois, il te harcèle la vie après. Moi, comme la SPA, pareil. Mais avec des messages très genre. Ça me brise le cœur de devoir vous demander ça à nouveau. C'est vraiment des messages comme ça, quoi. C'est bon, calme-toi. Après, tu sais, te donner un euro. Je suis d'accord, mais quand même, c'est une encyclopédie libre. Ah non, mais moi, ouais, je donne. C'est insane. Je donne, mais. Je trouve ça nul comme idée. Enfin, je vois, je comprends pas. Je trouve ça, c'est insane. Non, mais je trouve ça quand même fou. Enfin, non, c'est incroyable. Mais je trouve que leurs messages sont hyper larmoyants. Tu fais, oui. Écoute, c'est bon. Adrien, allez. En plus, oui, il y a le. Tu vois ce chiot, je vais le buter. Si on donne pas des sous tout de suite, je bute un chiot. Horrible. Alors qu'elle se promenait au bord de la Somme à Abbeville avec son chien, une femme a eu la surprise de voir son animal revenir avec quelque chose d'un peu flippant. Quoi donc ? Et ce n'est pas du vomi de baleine. Ouais, non. Oui. Non. Ah, oui. Pas, non. Est-ce que c'était avec elle revenait peut-être avec un morceau d'être humain, par exemple ? Un membre pas, humain, ouais. Pas un membre humain. Pas un membre animal ? Ni un membre animal. Pas okay. De membre. En c'est pas général. Biologique. Enfin, c'est pas organique. Non. Non, okay. Non, c'est un objet. Voilà. Un objet plutôt grand. Un flingue. Tout petit. Une mine. On s'approche. Un couteau. De la drogue. Non, on est plus. Une arme. Oui. Une mine. Un chupitien. Un obus. On y est presque. Un obus dans la ouais. On n'a pas dit la taille du chien. C'est vrai. Oui, c'est un tigre. C'est un... En fait. Non, c'est. Mais tu es prêt, je vais te l'accorder. Attends, on va trouver. Bah, c'est un explosif. Il y en a pas la mille. La dynamite. Non. Un pétard. Nitroglycérine. Non. Une grenade. Une grenade. Tout bonnement une grenade, c'est arrivé à. L'angoisse. Ouais. Non, Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Et là, elle garde la goupille. Et là, tu prends la goupille. Allez, c'est dead. Un cadeau dont sa maîtresse se serait bien passé. Dit West France, clin d'œil. Une femme se baladait au bord du fleuve de la Somme à Abbeville avec son chien. Quand tout d'un coup, l'animal s'est retourné vers la promeneuse avec une grenade dans la gueule, la déposant à ses pieds. Sympa quand même. Apeurée, celle-ci s'est alors éloignée de la zone avant de contacter rapidement les secours. Alertés, les sapeurs-pompiers et la police se sont rapidement rendus sur place. Ils ont été rejoints peu de temps après par le maire de la commune, qui visiblement n'avait que ça à foutre. Il est très impliqué là-dedans. Il est mineur. Un PN sécurité a été mis en place. Alors que les autorités attendaient l'arrivée des démineurs, la grenade a soudainement disparu. Quoi ? La grenade a disparu. C'est là l'information principale pour le coup, je pense. La femme était ivre aussi, il faut dire. La femme était ivre. Il a amené une grenade, je vous jure. C'était un bout de bois. Une personne se serait emparée de la grenade entre-temps et l'aurait jetée dans la Somme. Selon des informations du journal d'Abbeville. Et qui est quand même pas les derniers pour vérifier leurs sources, le journal d'Abbeville. C'est attention, pas Wikipédia, mais pas mal. Cette dernière pourrait se voir sanctionnée et faire l'objet de poursuites. Déplacer une munition qui plus est une grenade n'est pas un acte anodin et dangereux, a déclaré le maire. Donc le chien va être condamné du peut-être. Coup. Peut-être. Il a déplacé. Le pauvre. Avec des petites menottes. Toutes mignonnes. On a appris. Attends. Vas-y. Petite question. Ah, je t'en supplie. Où sont les toilettes ? Alors elles sont là-bas, écoute, tu peux y aller. Non, on a appris qu'une pratique assez insolite avait lieu environ une fois par mois à Disneyland et qui est un véritable fléau pour le parc selon les organisateurs. À votre avis, de quelle pratique parle-t-on ? Un vol ? Pas un vol. Est-ce que c'est j'ai beaucoup volé moi à Disneyland. Je sais pas si ça a volé. Une pratique de sérieux ? Bah, moi deux. Est-ce que c'est à Disney, tu volais beaucoup à Disney ? Parce qu'on c'est connu que t'as volé à Nigloland. Ouais. Ah, ça a tourné. Les courges de Nigloland. Les courges de Nigloland. J'ai grave volé à Disney aussi. Ah ouais ? Mais non. Mais je comprends. Mais attends, mais toi aussi ? Ouais. Mais quoi, vous voulez quoi ? Genre le genre une attraction entière. La queue du Mickey, ouais. C'est ça. Pour non, mais là, je te laisse commencer. Bah, tu sais, les petits porte-clés avec les lettres. Dans les magasins, des boucles d'oreilles. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Ouais, les pins. Des pins, les boucles d'oreilles. Les petits trucs, ouais. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont riches en Disney. Quelques gros trucs aussi, de mon côté. Ah ouais ? Des peluches. Alors, non, mais en fait, il faut expliquer. Un déguisement de mascotte entier. Ouais, c'est ça. Je suis sorti avec. Le panache. Non, mais alors, ça, c'est pour le coup la très bonne éducation de mon père. Qui est on attend au prix où on paye et en gros il me disait il m'utilisait enfant en gros quand j'avais 6-7 ans il disait non mais tu le prends tu sors, et si ça sonne, je ferai oh Florent. Incroyable. Bien sûr. Oh, et donc on est sorti deux trois fois comme ça. Et l'autre technique de mon père, excellente technique. Enfin, il disait oh Florent, c'est Babylone, parce que son père est un Rastablanc. Oui, alors Adrien. Non, il y a une rumeur, une fake news. Qu'Adrien répand que mon père est un Rastablanc. Alors qu'effectivement, bon, voilà. C'est gravé dans ma gamin avec ton. Mais en fait, j'aimerais qu'il soit Rastablanc, ton père. Et ce qui est terrible, c'est que ça marche très bien. Quand tu imagines mon père, ça peut clairement être un Rastablanc. Mais en gros, l'autre truc, c'est là, une fois. J'ai vu une photo de lui, je dis c'est un Rastablanc, depuis, voilà, c'est terminé maintenant. Et une fois, j'avais oublié un fusil dans une attraction, un jouet de Frontierland. Il y a une époque où je m'étais radicalisé. Une AK-47, voilà. Bon, j'avais tenté un truc, pas marché. Non, j'avais un fusil de Frontierland, quoi, enfin de l'attraction des cowboys, quoi, et je l'avais oublié dans une attraction. Ah, il a tué. Et on va aux objets trouvés et ils ne l'ont pas. Il dit bah non, désolé, on a qu'une épée de pirate. Il fait, l'épée de pirate aussi, il l'a perdue, c'est mon fils. Oh, c'est tout. Non. Et depuis, mais c'est un génie. À chaque fois qu'on allait à Disneyland, on finissait parce que c'est à l'entrée. On allait aux objets trouvés. Non, mais là on est sur un crevard quand même. Et mon père tentait un objet au hasard. Genre, bah, il y a une peluche, je sais pas laquelle c'est Mickey, jaune, Dingo. C'est celle-là, ouais, elle était plus grosse dans mon souvenir. Dans mon souvenir, elle était un peu plus grosse. Ouais, c'est celle-là. Mais c'est le roi des ratus. C'est incroyable, c'est ce que j'allais dire. Un énorme, il est incroyable. Quand on allait à l'hôtel, j'ai envie de Téma sa taille là, comme ça. Ah ouais, là, juste imagine l'envergure en fait. Juste en fait. Quand on allait dans les hôtels, on prenait les serviettes, les trucs. Les moi j'avais mon meilleur pote aussi qui est à Disney. Il faisait ça. Il prenait les. Lui c'était pire parce que maintenant à Disney, je suis allé il y a pas longtemps dans les hôtels, t'as le savon qui est maintenant incrusté dans le mur. C'est abusé. Voilà. Et tu c'est pas abusé. Ouais, un truc dégueulasse. C'est là, non, ça, ouais. Non. En fait, en gros, t'es horrible. Disney avec son savon accroché au mur comme ça. Le truc jaune, la crinoline. Le savon, elle est froide et tout. J'ai payé 400 balles la nuit, trop content. En gros, c'est énorme, t'as toujours le flocon, mais c'est juste qu'il est tenu par une sorte de bague. Mais tu peux pas le piquer, haut, quoi. Tu peux pas le piquer, quoi. Et du coup, moi j'avais un pote qui s'y faisait avec son père. Il prenait les ampoules. Il prenait. Non, je te jure, c'est vrai. Trop, je à l'hôtel ou dans à l'hôtel, il prenait les ampoules, il prenait les serviettes. Mais il prenait les serviettes. Et aussi, il avait des fioles. Et en fait, il prenait comme ça. Il vidait les savons. C'est grave. Je te jure que c'est vrai. J'adore. Ce qu'il faut savoir un truc, c'est que Ultia, à chaque fois que Rive ou moi, on va dans un hôtel parce qu'il y a un event ou quoi, elle nous dit par contre, s'il y a des échantillons, récupérez-les, vous nous les donnez. Oui, mais c'est dans l'ADN. C'est pas une question donc, d'argent. C'est dans l'ADN. Ouais, c'est ça, après, ton père, ça a l'air d'être ADN. Oui, c'est ADN. Il a le vol dans le sang. À deux doigts du grand banditisme. Non, mais il m'avait demandé aussi des salaires. Il disait, j'ai pas touché mon salaire. T'aurais pas vu mon salaire. Votre nom, c'est quoi? Ah, c'est Bernard. Non, c'est ça, oui, c'est ça. C'est mon nom. En vrai, sans déconner, mais ça, je pense que tu pourras l'enlever si tu veux. Mais en vrai, je pense que c'est aussi très addictif le vol. Ah oui. C'est très addictif. Parce qu'en fait, tu prends des trucs gratuits. Tu sais, tu sors et t'as rien payé et genre t'as envie de le refaire, quoi. Oui, il y a une petite comment on appelle ça? Ça s'appelle on appelait ça la fièvre voleuse quand on était ado avec ma cousine. Oui, la kleptomanie. La kleptomanie. Ouais. On est là-dessus, là. C'est un peu mignon pour dire kleptomane. Mais ouais, c'est ça. Oui, parce que pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi, à Nigloland, toi, tu avais volé des courges. Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qui s'est passé? Un butin. Ouais. Déjà, faut savoir que. Peut-être 3 euros, peut-être. Je sais pas. Ah là, un gros butin. Mais quand on était, je sais pas, j'avais quoi, 13 ans, un truc comme ça, on est allé à Nigloland. Nigloland, vous connaissez ou pas? Bien sûr, le hérisson. Parc d'attractions près de Troyes, oui, bien sûr. Évidemment. Et puis, moi, je suis de Champagne-Ardenne. Hein, donc, voilà, c'est un peu votre parc, tour Eiffel. C'est vraiment le Disney un petit peu. C'est si méprisant, dit comme ça. Plus accessible, quoi. Un peu plus accessible, voilà. Et en fait, on y était pour Halloween avec mes deux cousines, Lisa et Julia. Et ça me tue. Et on était que toutes les trois, en fait, dans le parc. Nos parents, nos pères, ils s'étaient cassés à trois pour faire les magasins. On lâche les gamines là-dedans. Ouais, c'est et puis, ça. Après, j'avais 13 ans. Ma cousine était majeure. Hein, Elle devait avoir 18, 19 ans, quoi. Oui, mais oui, on était lâchés dans le parc. Trop bien. Et en fait, c'était Halloween, donc il y avait des courges absolument partout. Le rêve. Et là, attends, des citrouilles ou des courges? Des courges. Toutes sortes de courges. De cucurbitacées, de pagailles. Exactement. En veux-tu, en voilà, il y en avait partout. partout. Et là, ma cousine me dit, mais attendez, mais il faut absolument qu'on en récupère pour faire de la soupe, pour ramener ça à maman. C'est avoir ce genre de pensée déjà à 13 ans, ouais, c'est solide, c'est très solide. Ouais, ouais. Mais non, c'était sur, la grande. La Seconde Guerre mondiale, normalement, tu vois, genre, oh, on va ramener des courges pour faire de la soupe. Mais tout va bien, c'est fini depuis longtemps. Hein. C'était en 2006. Hein. Des topinambours. C'était ma cousine. Elle était plus grande que nous, donc c'était celle qui avait 18-19 ans. Là, elle nous a complètement enrôlé en fait dans cette histoire. Oui, on a complètement subi. Et en fait, elle a dit, bah tenez, mettez des courges dans le sac. Oh donc là du là. Coup, à chaque attraction où on allait, où on voyait, il y avait personne, on regardait à gauche, à droite, notamment près de la maison hantée. Là, c'était le spot parfait. Il y avait presque personne. Bah oui, il y en avait personne. Plein. Ouais, et il y avait des courges partout. Et du coup, on les foutait dans le sac une à une. Et genre, en fait, plus la journée passait, plus le temps passait, plus c'était lourd. Bah oui. Et je pense notamment à un épisode dans le bateau pirate. Vous savez cette attraction qui se secoue d'un côté comme de l'autre, et où ma cousine a dit, ça sent la soupe quand même. Donc on commençait à avoir voilà. Et puis en fait, plus la journée passait, plus on commençait à avoir un doute sur le fait que tout le monde nous avait vu en train de voler des courges et on était en train de se faire des films à base très mauvaise de journée, au final. Vous êtes arrêté pour avoir volé 15 kilos de courges à Nigloland, 3 enfants lâchés dans la nature alors que leur père inconscient était au Mark Outlet en train d'acheter des fringues pas chères, et du coup là je me suis dit c'est terminé, tu vois, la tôle, la tôle, 100%, et je lui en ai reparlé aujourd'hui à la plus grande de mes deux cousines, et en fait elle a dit mais en fait comme vous étiez mineur, je voulais trop vous mettre tout sur le dos, quoi. Je m'étais Mais comme mon père, c'est ça. Mais bien sûr. La vraie essence, quoi. Mais parce que ça marche. En vrai, qu'est-ce que dit Disney? Ah bah oui. Tu vois, il dit bah oui, rendez-le. Oh, oui, Florence, c'est pas bien. Hein. Oui, voilà, c'est terminé, ça. Quoi. Terminé, oui, en vrai, oui. Non, mais maintenant t'as des antivols et tout, c'est chiant, tu vois. Devant, non, mais pas surtout. Pas surtout. Sur des courges. Sur des courges. Bah depuis, je crois que cette affaire, oui. Nigloland a mis des antivols sur les courges. Ils ont failli mettre la clé sous la porte, Nigloland. Petit budget, quand même. Mais vous savez que Nigloland est quand même, parce qu'il y a le site TripAdvisor qui a fait un top 10 des meilleurs parcs français. Et Nigloland est quand même 6ème. Est-ce que le Puy du Fou est premier? C'est terrible. T'as un peu gâché mon effet. Non, c'est pas vrai. Le Puy du Fou est toujours premier. Ouais. Vous savez quoi, c'est... Non, mais ils disent qu'ils sont le meilleur parc du monde, le Puy du Fou. Quoi? Parce que tu sais que Rivendi est un grand détraqueur du Puy du Fou. C'est la première connexion qu'on a eue ensemble à Avignon. C'était d'ailleurs la pointe d'accroche. Mais vous aussi, vous détestez le Puy du Fou. Mais oui, c'est vrai. Et bien sûr. On est en clash, tout simplement. On est en clash, effectivement. Boubacaris et puis Flotte. Mais maintenant, ils ont lancé leur petite. Une compagnie ferroviaire maintenant. Mais oui, ça c'est incroyable. Incroyable. Ah, Polar Express. Non, mais là, en gros, maintenant ils ont créé un parcours ferroviaire où en gros tu payes 5000 euros. Je crois. Enfin, c'est très cher. Hein? Non, c'est très cher. 5000 euros. 5000 euros. C'est extrêmement cher. Les trains n'existaient pas. Et c'est 5 jours. Et c'est en gros, c'est 5 jours. C'est une semaine à travers la France où tu vas découvrir le patrimoine de l'Hexagone et dans des wagons un peu d'époque, quoi, si tu veux. Donc c'est un peu stylisé, belle époque, etc. Et voilà, donc tu visites un peu partout. Il passe par Avignon, je crois, d'ailleurs, aussi. Bon, c'est incontournable. ça me semble logique. Mais du coup, oui, nous avons un point d'accroche, effectivement. C'est ça. Ouais. La haine. Enfin, la haine. Oh, si, si. Non, le Puy du Fou, effectivement, la dernière fois, enfin, plusieurs fois d'ailleurs, on en parlait comme quoi, effectivement, c'était un parc. Déjà, le meilleur parc d'attractions du monde. Ouais. Non, clairement non. Et pas du tout. Voilà, c'est ce qu'on vous n'êtes jamais allé à Los Angeles. Voilà, juste, mais même Disney, c'est mieux en tout point. Mais il y a zéro comparaison. Et quand on avait dit ça et qu'on avait un peu chié sur le Puy du Fou, on avait reçu un mail, pas de n'importe qui, d'un monsieur qui s'appelle David Noailles. Et David Noailles, c'est ni plus ni moins. Attendez, je vais vous le second de Devilliers. Non, pas de Devilliers, mais il est le directeur général adjoint marketing et communication du Puy du Fou. Et qui m'avait envoyé un... Il t'a dit quoi ? Il nous avait dit, j'ai entendu votre podcast, bonne nouvelle, je ne vous écris pas pour vous faire un procès. Parce que je disais, on s'était rendu compte qu'ils étaient très procéduriers, le Puy du Fou, et qu'ils aimaient bien un peu faire des procès à droite à gauche. Pour diffamation. Voilà, et en réalité, j'aimerais vous inviter à découvrir nos spectacles. Ce à quoi j'ai bien évidemment dit non. Je vais vous lire le mail même, je vais dire, bonjour monsieur Noailles, je réponds à votre mail. Ravi que vous ayez écouté l'émission, laissez-moi vous dire que j'apprécie votre sens de l'humour. Clin d'œil. Oh là là. Toutefois, nous préférons décliner l'invitation. En cette période de coronavirus, nous préférons éviter d'être présents à des grands rassemblements, d'autant plus les vôtres. En plus, pour être tout à fait honnête, nous, on est hashtag Futuroscope First. Merci toutefois pour l'invitation. Je vous souhaite un excellent été. Florent Bernard, PS. Après, si vous nous offrez un aigle chacun, on peut négocier. Et il avait répondu, chiche pour les aigles, c'est mieux que les robots. Donc un peu marrant. Oh. Mais il n'empêche. C'est faux. Les aigles sont mieux en tout. Ouais. Les robots sont mieux en tout point. Alors ça, faudra savoir si mon frère est ok pour que je le dise. Mais ils avaient trop tard. Invité. ils avaient envoyé un mail pour inviter mon frère en disant un truc du genre le Puy du Fou, c'est super. Contrairement à ce que disent certains, sans nous nommer. Mais bon, c'est littéralement mon frère. J'ai un petit lien avec. Genre, en fait. Oui, il y avait clairement. On y était allé il y a pas si longtemps parce que moi je suis allé au Puy du Fou. Et on parce a infiltré que... quoi. On a agent double. En gros, on est allé avec un pote, donc Icarus, la chaîne Histoire Appliquée, qui lui était allé, c'était un défi aussi pour comprendre un peu. Lui en parlait aussi beaucoup en mal, du coup on voulait un peu comprendre pourquoi. Du coup, je lui ai un peu montré les lieux que je connaissais. Et en fait, on était sur place et donc on partageait un peu notre journée incroyable au Puy du Fou. Et on a reçu un message pendant qu'on y était. Oh de l'équipe marketing en mode ça vous dirait qu'on vous montre les lieux, les endroits sympas, etc. Du coup on a joué à cache-cache pendant une journée avec les équipes marketing du coup, en mode on est passé tac et voilà, on est sorti de quelques spectacles complètement ravagés bien sûr parce qu'on venait de voir. Et d'ailleurs il y a un bouquin qui va sortir qui est écrit par des historiens qui s'appelait Le Puy du Faux. Très bon propre. Et qui a pour but un peu de revenir sur qu'est-ce qui est dit au Puy du Fou et de démonter un peu les idées, idées qui sont développées là-bas. Tu vois, au moins à Nigland, t'es jamais déçu. Oui, c'est ça. C'est voilà. Vrai. C'est ça le truc. C'est vrai. D'ailleurs, vous savez pourquoi la mascotte de Nigland est un hérisson? Parce que gens du voyage qui ont ouvert le parc. Exactement. C'était une fête foraine et c'est devenu un parc d'attractions. Exactement. Puis les Niglos, c'est les hérissons. Voilà. Exactement. Très, très grande culture. Quelle culture. Je vous fais quand même le top 10 des parcs français. Parce que je sais pas si peut-être ça parlera à des gens, nos auditeurs. Attends, Terra Botanica. Ah ouais, Terra Botanica, ouais. Tu connais? Enfin, de nom quoi. Un parc à thème orienté vers l'univers du végétal. Bah ouais, oui, bien sûr. Regardez-le, celui-là. C'est pas vers Angers? C'est ça. Si, en si. Maine-et-Loire, le parc a pour vocation de mettre en avant la richesse de l'Anjou et aussi de faire découvrir pas moins de 275 000 espèces de végétaux. Et je connais parce que par rapport aux The Event, donc le gros événement caritatif qu'il y a eu, j'avais un donation goal, enfin j'ai un donation goal où je dois faire un live justement. Dans un centre botanique ou d'accord. En tout cas avec des botanistes, etc. Et du coup, j'avais pensé à Terra Botanica. Terra Botanica. Ouais. Moi, je le sais parce que je tombais dessus à Jogesser. Propre. Mais la France regorge de petits parcs à thème comme ça, un peu régionaux. Moi, je ne saurais pas en citer 10 du tout. Quoi. Bah, il y a le parc de la Coccinelle. Oui, bon. Voilà, je situé le en Gironde. Tu seras surpris. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec la Coccinelle. Grand 8 de la Coccinelle. Tu dois vite tourner en rond quand même. Il y a pas même. T'en as vu, oui, non, après, elles sont un peu partout. Écoute, là je vois un grand 8. Mais genre, c'est top 9 la Coccinelle Je sais pas, la Coccinelle. Non, mais il y a le parc Spirou à Avignon. Spirou, non, c'est pas Avignon. Alors, il est pas dans le top 10. C'est à côté d'Avignon. Ça m'étonne pas. Mais il est pas dans le top 10. Je l'ai jamais fait, le parc Spirou. C'est nouveau. Le parc Spirou. Oui, ça fait pas très longtemps. Enfin, moi, genre, je l'ai jamais connu de quand j'étais à Avignon. Ah bah oui, oui. J'ai jamais connu ça. Oui, quand vous êtes allé à Frames, vous avez pas fait la sortie parc Spirou? Pas du tout. Ah non, on est arrivé après. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Exact. Non, mais en fait, la Coccinelle est plus un prétexte. Ouais, un gimmick. Au parc des derniers années, on pourrait en effet aller à la rencontre de nombreuses espèces toutefois insolites, telles que le lama, le mouton à quatre cornes ou encore le porc du Vietnam. Très bon nom. Très peu de liens avec la coccinelle, effectivement. Coccinelle. Et vous aimez les coccinelles? Bah, il y a des lamas, justement. Et un porc qui vient du Vietnam. Frais Pertuis City. Putain, ah, Pertuis? Mais non. Le Pertuis, c'est là où tu vas acheter des trucs moins chers, détaxés, non? Le Pertuis, c'est pas... Non, c'est le Pertuis, ça. Je connais Pertuis, mais je savais pas qu'il y avait un parc. Frais Pertuis City est un parc familial situé en Alsace, au cœur de la forêt des Vosges. C'est pas ça du tout que je connais alors. Tout comme la mer de sable, le parc propose des attractions sur le thème du Far West, avec près de 270 000 visiteurs. Oh, il y avait la mer de sable aussi. Parmi l'activité du parc, on y trouve des montagnes russes, des attractions aquatiques et des attractions familiales. Comme dans les westerns. Traditionnel. Le PAL, alors ça je connais le PAL, c'est vers chez moi. Parc d'attractions et parc animalier. Ça c'est vers. C'est pas en Bourgogne, en Dordogne. Ce sont des initiales. Je sais pas, on a toujours dit le PAL. Le PAL. Je sais pas. Parc propose de dormir dans des lodges. Parc animalier, quelque chose. Hein, peut-être. Je sais pas, non, mais je dis ça. Nigloland en 6, parc Astérix en 5, Futuroscope en 4. Ah ouais, devant le parc Astérix, c'est Futuroscope. Apparemment, selon TripAdvisor. Il faut qu'on y aille quand même. Ouais, Futuroscope, nous, il nous avait envoyé. En fait, quand on avait chié sur le Puy du Fou. Le Futuroscope, c'était engagé dans la brèche. Non, mais c'est tout à fait. On avait dit tous les parcs mieux, et du coup, on avait été courtisés par des parcs d'attractions. Incroyable. Donc, le Futuroscope nous avait dit venez chez nous, et Europa Park aussi. On a fait un live au Futuroscope. Exactement. Avec Rivendi Ultia. Ah ouais, parce qu'en 2019, on était à Poitiers pour la Gamers Assembly, qui est une grosse LAN française. Donc, avec compétition jeux vidéo en physique, quoi. Et on était là-bas pour couvrir l'événement avec des lives sur place, etc. Et en fait, on a été contacté du coup par Camille Wally. En gros, le Futuroscope était partenaire de l'événement. C'est ça. Futuroscope, vu que ça se passe vers Poitiers, etc., partenaire de l'événement. À Poitiers. Partenaire de l'événement. Ils nous ont dit, venez faire un live, sauf que c'est hyper compliqué de faire un live dans un parc d'attractions. Parce que la connexion, etc., etc. Donc, on n'a pas. Pourtant, c'est un parc du futur. Oui, normalement, on l'appelle un peu le passéoscope. Bien sûr, évidemment. Parce que, moi, j'aime bien le Futuroscope. Et j'y étais allé, d'ailleurs, par exemple, au début des années 2000, et c'était exceptionnel. C'est vrai que tu y vas aujourd'hui. C'est après un petit coup de vieux. C'est sympathique. Il y a, un robot de Valérie Giscard d'Estaing. C'est tout un petit bienvenue. Peu. Bienvenue. Voilà. On va dire que c'est très sympa. Mais ça a quand même perdu de sa super, moi, je trouve. Pourtant, ils se battent. Hein. Enfin, genre, il y a les lapins crétins, il y a les mini-boys. Il y a Delouin de Leroy. C'est commercial. Non, c'est vrai, il y a Delouin de Leroy qui faisait la féerie des eaux. Enfin, là, il fait un concert. Incroyable. Cela dit, super bien renseigné. Tout ce que t'as dit n'évoque pas du tout le futur. Surtout Delouin de Leroy, malheureusement. La deuxième édition de la Star Academy en 2002, quand même. On oui, voilà. Alors qu'on rappelle que le Puy du Fou a triché à Interville. Avec Olivier Chiabodo. Évidemment, qui, on en a parlé la semaine dernière. C'est Olivier Chiabodo qui a triché. C'est... Alors non, Chiabodo, juste. Excusez-moi. Oh, attention. Excusez-moi. Alors attendez, il n'y a pas dans le débat. Attendez, Mediapart. Olivier Chiabodo, pardon. Lui disait que TF1 l'avait forcé à tricher pour faire gagner le Puy du Fou. Moi j'y crois. Parce que le Puy du Fou avait accueilli Interville plusieurs années d'affilée. Oh la vache, mais c'est politique. La même Interville. La même Interville, c'est j'y politique. Crois pas. Putain. Mais si, moi j'y crois à mort. Moi j'y crois. Olivier, c'est pas un mauvais gars. Il a le cœur sur la main. Et donc effectivement Disneyland Paris. D'ailleurs, alors mon stade à FIFA 22 s'appelle le stade Olivier Chiabodo. Appelé comme ça. Wow, oui, petite anecdote. Il différencie Walt Disney Studio et Disneyland Paris et après le Puy du Fou. Donc c'est devant. Top 10. Voilà, puis du attends, il n'y a pas de parc Astérix dans le top 10. Si, j'ai dit, non, t'inquiète, il est 5ème. D'accord. Il est 5ème. Mais alors, on s'est écarté de la question. Mais oui. Qu'est-ce que Disneyland se bouffe mais tous oui, les putain, mois c'est vrai. Oh là mais là. Oui, mais on prend des quel régal. On revient de loin. C'est très fluide, c'est organique, j'adore. Donc une fois par an. Une fois par mois. Une pratique assez insolite. Est-ce que c'est pratiqué, donc c'est pratique insolite, elle est pratiquée une fois par mois par les employés, par les clients. Par les clients. C'est ce que j'allais demander. Bien sûr, c'est les clients. C'est les clients. Donc ils se mettent tous d'accord pour faire un truc en même temps. Non, c'est le hasard. Non, ils dégueulent plus qu'une fois par mois, je pense. Un crac inopiné. Un comment? Un crac inopiné. Ah non. Toi, t'as pensé à Jacques Chirac? Je me suis dit que pourquoi Jacques Chirac? Des clients, mais sans savoir qu'ils vont faire un truc et tous les mois ça a lieu. Tous les mois, en fait, non, c'est juste différents clients font ce truc une fois par mois, qui est tellement fou que ça arrive qu'une fois par mois. Mais c'est des clients qui viennent régulièrement et qui font ça tous les mois? Ah non, c'est des clients différents, pardon. Mais quoi? Mais alors attends, est-ce que c'est une date précise? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à une attraction? Non. C'est des dames qu'on leur règle? Non. Okay. Mais quoi? Mais tous les mois, il y a des gens. Je sais pas, ça a l'air compliqué. Elle a ses règles dans Pirates des Caraïbes. Oh mon dieu. Non, je comprends pas. Tu fais un truc. Tous les mois, il y a des clients qui font des choses dans le parc. Ouais. Mais c'est voulu? Ils font un truc un peu insolite qui fout le bordel en gros dans le parc. Est-ce que ça a un lien avec les mascottes? Non. Attends, c'est une fois par mois? Ça arrive une fois par mois, mais c'est pas une régularité. Mais c'est. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Ça arrive à peu près une fois par mois. Mais c'est tout le monde en même temps qui fait ce truc. Non, c'est un client. En gros, sur une année, ils ont dit en moyenne, une fois par mois, il y a un client qui fait ça. Genre les enterrements de vie garçon ou ce genre de truc. Mais voilà. Ok, d'accord. C'est plus fou que ça. Bah oui, c'est un truc. Mais non, ils font les enterrements de vie garçon. La dinguerie. La news. Ok, donc en moyenne, une fois par mois, il y a des gens qui. Je sais. Qui décident de procréer leur enfant finalement à Disney. Oh, ce serait sublime, mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est sûrement possible. Des gens qui se mettent à poil? Non. On a dit baiser juste avant. Bien sûr. Ils arrivent à retirer l'épée d'Excalibur. J'ai essayé, c'est difficile quand même. C'est sûr que c'est jamais arrivé. Est-ce que c'est hors attraction ou dans attraction? C'est plutôt dans les attractions. Mais des fois, c'est hors attraction. Rapport aux photos des attractions? Non, pas à part. Il se blesse en levant les bras ou il se blesse dans les attractions. Non. Il y a un objet qui tombe et qui fait mal à quelqu'un. Est-ce que c'est positif ou plutôt négatif? Alors, c'est marrant. Volontairement marrant, tu veux dire? Oui. Non, la réponse est marrante, mais c'est pas marrant du tout. D'accord. Mais c'est pas un accident, c'est un truc qu'ils font vraiment d'eux-mêmes. Ils font tomber leur enfant. Ils le jettent dans le Space Mountain. Dylan, tu dégages! Non, c'est un truc qu'ils font de leur chef. Ah ouais? Quoi? Je sais, ils font pipi ou caca à un moment dans une attraction ou dans le quelque part quoi. Non. Ça aurait été énorme. T'imagines, t'es employé, t'es trop deg, tu vois le mec, il a déglingué ton wagon. Non mais j'en sais rien. Avec un étron énorme. Chié. Putain. Moi je l'ai fait dans la vidéo de McFly et Carlito, cela dit. Oui, t'as chié dans le goût du riz. Tu vois, t'étais celui du mois. C'est pour ça que je suis parti, uniquement. J'étais vraiment parfait. Moi j'ai déjà nettoyé des chiottes parce que moi j'ai bossé dans un resto et du coup je faisais le ménage après le service du midi. Quel enfer. Et j'ai nettoyé les toilettes et j'ai déjà retrouvé de la merde au plafond. Ah, au plafond. Au plafond, c'est dingue. Ah, la vache. Au plafond, ouais, sur l'interrupteur, etc. Est-ce qu'il y avait un côté genre putain abusé et en même temps bien joué quand même. Stylé quand même. Il y avait quand même de la curiosité quand même. Oui, voilà. Beaucoup le de questions. Du comment. Ouais, bien sûr. En tant qu'historien, t'as envie de creuser quoi. Alors, creuser pas trop, mais un peu. Qu'on soit bien d'accord, ça n'a pas de rapport avec le caca du coup. Non, d'accord. Non. Étonnamment. Avec le vomi, avec le vomi non plus. Une baisse d'intérêt. Oh, tu verras. En rapport avec des. Attends, est-ce que ça a un rapport avec les réseaux sociaux? Non. Ah. Le web, hein, je parle. Ah, ouais. Je parle du web. Est-ce que c'est plutôt des familles? Est-ce qu'il y a un profil type de personne? Ouais. Oh, là, ça devient une enquête. La profileuse. Est-ce que c'est, ouais. Est-ce que c'est plus des gens qui veulent faire la fête? Non, non, non, c'est plutôt des familles, hein, en vérité. En tout cas, ça a un lien avec la famille. C'est les gens qui demandent en mariage. Non. Ils prennent le micro pour dire des conneries. Ah, mais non, il a dit que c'était drôle, mais que c'était pas fun. Il y a beaucoup d'informations même. Bien sûr, on se dit beaucoup de choses. Concentre-toi. On va trouver, putain. Ils essaient d'abandonner leur enfant. Non, mais je l'ai dit, bon, ils l'ont laissé tomber, il a dit non. Non mais laissez tomber dans une attraction, ils sont en mode vraiment en mode reste là, Timéo, et tu t'en vas. Et tu sais, tu pars comme ça, et toi t'es gamin, t'es en mode. Mais papa, maman, vous allez où? Non, c'est pas ça. Mais eux, ils font pas ça pour faire un truc marrant, les gens. Ah non, même vraiment l'inverse. Ah, ce n'est pas drôle. Non, me dis pas que c'est des tentatives de suicide. Non. Ok, non, non, non, l'ambiance est délétère. Il a quand même dit, la réponse est marrante, donc. Ah, d'accord, il y a trop d'infos en même temps, pardon. Et bah, vous allez rire, ils essaient de se suicider. C'est marrant ou pas? Mais non. Non mais attends, le délire. Est-ce que tu peux nous faire un résumé des informations? T'as raison. Ce sont plutôt des familles qui vont à Disneyland faire quelque chose qui normalement ne se fait pas. D'accord. Eux le font parce que c'est important pour eux. Mais en vrai, ça fout le bordel quand ils le font. Type dans une attraction. Ah, des familles. J'ai affreusement c'est souvent envie de des savoir, familles. C'est ça oui. peut être des gens seuls, mais ah ouais. c'est un truc lié à la famille. Et une fausse alerte à la bombe pour le fun. Non. Ça, ils mais font c'est un truc souvent. Dans les attractions. Ouais. Parce que c'est important pour eux, t'as c'est dit. Très, mais c'est capital pour eux. Ah, c'est capital ? Ouais. Un truc rapport avec un anniversaire avec une fête. Volonté, est-ce qu'il y a une prière, par exemple ? Il peut y avoir une prière. C'est Noël ? Ah, le baptême ? Non. Les pièces jetées ? Et non. Du coup, ça assomme quelqu'un. Non, mais on avance. Est-ce que c'est parce que c'est dangereux pour d'autres gens que ça fout la merde ? Non, en fait, c'est pas dangereux, mais c'est ça relou. Va pas avec l'image de Disney et c'est un peu crado. Oh. Ah, c'est crado du coup. Mais il y a pas du vomi, de la merde ou de la. Ils jettent des capotes. De la bouffe. Non, ils jettent quelque chose. Ils jettent quelque chose. Ils jettent du riz. Non. Jette un c'est truc. C'est pas les pièces. T'as dit quoi? Du sperme, il a dit. Ils ont tous sorti une petite gourde de sperme. Il fait aller. C'est des familles, c'est des familles. Et bah, et alors? Tu peux faire ça en famille. Dans la tour de la terreur, allez, jette un peu de sperme. Non, allez. Non, ton flacon de sperme, ça. Tu l'as? Oh, je l'ai oublié dans le RER. Bon bah, vous partagez. Corentin et Daniel, vous partagez. Non. Partagez votre sperme. Non, vous y êtes presque. Jette un truc. Un truc qui est dégueulasse. Non, mais alors. Pas un fluide corporel. Des aliments. Les dandolés. Non, ils jettent. On commence. Ils jettent leurs fringues. Ils jettent quelque chose où c'est important pour eux. C'est un peu une volonté. C'est religieux. C'est un peu religieux. J'ai l'impression. Ils jettent un objet qui leur appartient et avec lequel ils sont rentrés dans le parc ou ils ont acheté sur le parc. Non. Est-ce que c'est un. J'ai été obligé de vous le donner. Un verre. Non. Du bois de santal. Dans les mariages juifs où tu casses un verre. Non. Ils le jettent. Non. C'est Space Mountain. C'est super dangereux. Non, j'ai vous le donner. C'est près du buc. On est si près du buc. J'ai appris qu'il y a un truc. Vous êtes pas loin. Il y a un aspect. Vous parlez d'aspect religieux. Il y a la croyance. Il y a une croyance. Vous parlez de déposer. Vous parlez de volonté. Attends. Est-ce qu'il donne pas. Est-ce que ce serait pas le. Alors c'est un peu dégueulasse, hein. Le prépuce. Non, attendez, laissez-le finir. Un enfant circoncis, et ben il jette le prépuce, t'es dans mode. Tiens, allez. Non, mais regarde pas, hein, je suis pas avec bonne toi. Chance. Alors, c'est une très bonne. Non, bien sûr que non, bon, tu es fou. Il faut trouver l'objet. Attends, est-ce que c'est un objet? Ce n'est pas du tout un objet. C'est une matière? Oui. Okay. Prépuce, c'est ce que je dis de la peau. Est-ce que c'est végétal? Non. Animal? Humain? Non, alors. Cheveux? Non. Ils jettent la dépouille de leurs animaux morts. Non, mais putain. C'est peut-être la réponse la plus proche. Quoi ? Un placenta ? Oh ! Non, quoi ? Non, mais un truc. J'avoue. Non, mais ou un truc. Non, j'allais dire. Le non, cordon ombilical séché, ouais. Le petit dernier. Non. Il y a un mort ? C'est lié à la mort. Ah, les cendres ! Très bonne réponse, Adrien Méniel. Non, déposer les cendres tout dans simplement. Le Space Mountain. Mais non, mais les dans disperser le dans, le, dans une attraction. Les disperser dans une attraction. Ah, il adorait les sensations fortes. Il adorait le Space Mountain. Moi, les gens derrière doivent kiffer, quoi. Attends, je me vraiment, suis The Big Lebowski, quoi. Sur le deuxième tirage, là. Oui, t'as la photo derrière ouais, avec les cendres. Bonne photo, cela dit. C'est horrible. Certains visiteurs ont la fâcheuse tendance à disperser les cendres de leurs proches au sein des parcs d'attractions. Buissons, cours d'eau artificiels, fleurs par terre et même au cœur de certaines attractions. Mais au moins, tu te rappelles où c'est. Tous les endroits sont bons pour accueillir les cendres des défunts. Ainsi, des attractions comme le manoir hanté au It's ou It's a Small World sont le théâtre de ces pratiques. Hanté, oui, du coup, ouais. Ouais, c'est des émos un peu, je pense. Ouais. Sont le théâtre de ces pratiques excessivement glauques qui découlent pourtant, selon les familles, d'un bon sentiment, celui de rendre hommage à leurs proches afin qu'ils reposent dans l'endroit le plus heureux du monde. C'est pas Disneyland Paris, ça? Non, je crois que c'est du Disney World. Parce qu'il me semble pas que ça soit légal en France de récupérer les cendres. Ah bah, je pense que c'est légal. Mais je pense que des cendres, même, je crois. Non, ah non, c'est pas légal, ouais, ouais, c'est ça. Donc, comme les familles les familles parviennent-elles à transporter ces cendres et à braver la sécurité? Et c'est ça, oui, parce par que le biais de flacons de médicaments, de poudriers ou d'autres récipients passant incognito. Ils sont déter. Ouais, parce qu'une urne, tu la passes pas comme ça discrètement, parce que c'est énorme. Ouais, ça bite, hein, je pense, à mon avis. Hein. Ouais. Il faut arriver. Ça bite, je pense, au portier. Faut prendre les petits flacons de l'hôtel de Utia, quoi. Encore une fois, c'est beaucoup de cendres, petit truc. C'est beaucoup de flacons, ouais. Parce que c'est beaucoup de cendres, un corps humain, quoi. Donc ça dépend de la taille de la personne décédée, mais oui. Ouais. Non, mais je veux dire, ça doit faire beaucoup de beaucoup de logistique, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Putain, j'ai fait un entamement de vie de jeune fille à Disney là récemment. C'était trop bien. Franchement, bien. C'était vraiment le kiff. Ouais, ouais, il était 10h30 du mat. J'ai descendu une 1664 devant le vigile. Et après, je lui ai rapporté. J'ai fait excusez-moi, je l'ai trouvé par terre. Je sais pas du tout où la tu poser. Tu devais puer la bière. Vous pouvez me la rembourser. Ouais, j'ai pué la mine. Je fais vous avez une poubelle, s'il vous plaît. L'enfer. Moi, j'y suis jamais allé de ma vie à Disney. À Disney voilà. J'y suis allé une fois. J'y suis allé une fois. Ah par ouais. conviction ou parce que tu dis c'est pas un lieu qui m'intéresse c'est par conviction. Non, non, je sais pas. Non, je sais pas, jamais eu l'occasion, puis pas forcément envie spécialement. Bah, Disney, donc, avec la très bonne promo qu'on vient de vous faire, invitez-nous. Bah, moi, j'y vais si on m'invite, mais. Non, mais les trucs avec beaucoup de monde et tout, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis très intrigué par Disney. Par comment est-ce que. L'Empire. Non, par les parcs, et comment est-ce que Walt Disney. Enfin, je trouve que c'est un personnage assez fascinant, tu vois. Et du coup, je me renseigne un peu sur le personnage, etc. Machin. Fascinant dans un sens où il est un peu fou. C'est-à-dire qu'il y a un peu de folie. Oui, Enfin, un patron très glauque, etc. Ouais. Mais comment est-ce qu'il en est venu, tu vois, à passer de l'animation, où à chaque film d'animation, il hypothéquait sa boîte, à ensuite se dire qu'il y a quelque chose qu'il a rattrapé qui s'appelait les syndicats, finalement. Qu'il a dit, finalement. Il faudrait que les gens vivent en même temps que de travailler. Du coup, il en a eu marre, il s'est dit, bah écoute, je vais aller dans ma retraite chez moi. Et que ben il s'est dit que faire des petits trains ben, ça lui faisait du bien et que ben faire ces petits trains là et ben au final il s'est dit mais attends mais est-ce que je pourrais pas créer un lieu dans les univers que j'ai créés et que ben, ce petit train je peux essayer d'en faire quelque chose de plus gros et qu'au final ben, il a fait les parcs quoi. Est-ce que vous savez est-ce que vous savez dans Disneyland Paris combien il y a d'employés à l'année? 17. Enfin... Non. Non, je sais pas du tout. Alors c'est marrant que tu dis 17 parce c'est que zéro. C'est 17 000. Ah putain, pas mal. Ouais, ouais. C'est énorme. 10, c'est énormissime, 17 000, ouais, c'est vraiment. Ah mais énorme. C'était pas une question dans Popcorn Si, si. Ouais, bien joué. J'ai que ça comme question. Jamais bougé de chez moi. Aux États-Unis, les températures continuent de chuter. Je sais pas si vous savez, en ce moment, il y a un grand blizzard à New York, par exemple. Aïe, aïe. Mais c'est en Floride. Ah, les ricains, putain. Il y a tout en grand là-bas. Ouais. Mais c'est en Floride que en le Floride, froid. Floride, là où il y a Disney d'ailleurs. Oui, bien joué. Oh là là, tout se recoupe. Oh, oui, j'ai bien l'impression. Mais c'est en Floride que le froid a eu un impact très dangereux sur la faune. À votre avis, lequel? Bah, ils crèvent, tout simplement. Ouais, bah, les animaux crèvent. Non, il se passe quelque chose un peu fou. Les en fait. Oiseaux? Non. C'est les. Je peux vous dire, c'est les iguanes. Je peux vous le dire, ça arrive sur des iguanes. Ils hibernent? Non. Ils changent de couleur? Non. Ils se reproduisent comme dans les cartoons. Est-ce qu'ils se reproduisent de ouf et du coup il y a une invasion d'iguanes? Pas c'est du les tout. Marées qui gèlent? Les marées ne gèlent pas. Mais il se passe quelque chose effectivement. Ils peuvent par pas rapport se au froid. Nourrir parce que du coup le froid gèle, on va dire, peut-être leur nourriture. C'est et leur du coup, petite langue, elle se colle quoi. À tout ce qui. Comme quand il fait froid. Oh, j'avoue. Comme dans Domaine de Meur. Ouais. Alors, non, c'est pas ça, mais effectivement, c'est vraiment un impact sur eux. C'est pas genre sur leur bouffe ou sur leur habitat, c'est vraiment sur eux. Le froid leur fait quelque chose qui du coup est dangereux pour les gens qui vivent en Floride. Comme c'est des animaux de sang froid, est-ce que ça peut-être impacte quelque chose? Ça les rend agressifs. Ouais, non, ça les rend pas agressifs. Ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Ah bah ils rentrent chez les gens pour se réchauffer et qu'ils se mettent devant une cheminée. Dans les mains en disant ils sont, non mais ça devient ça caille, hein. la léthargie et du coup ils bougent plus beaucoup. Alors donc, ils bougent plus du tout. Ah du tout ouais. Et en gros c'est ça le problème. Je vais vous raconter ce qui se passe. Ils font rouler dessus. Non, en gros il pleut des iguanes. Quoi ah c'est parce qu'il y a des tombes. Ah ils tombent. Non, il tombe des arbres en fait. Il monte dans les arbres pour se protéger, mais il fait tellement froid qu'il. Oh, c'est horrible. Ils ont très froid. Oh. Et donc, il pleut des iguanes sur les gens. Mais ils meurent pas. En fait, ils se mettent en état effectivement de. Mais j'ai... Non, mais quand même, au début, j'ai dit ils hibernent. J'ai dit ils hibernent et t'as pas relevé quoi. Bah, t'as même pas dit pas. Ah oui, mais t'as pas fait. Oh, le mauvais chou. Genre, même tes sourcils n'ont pas bougé, mec. Il est très procédurier. Il est très procédurier. Là, il pleut des... Écoutez, il pleut des iguanes sur les gens, je peux pas vous dire mieux. Putain, on dirait une chanson de Bachung. Il pleut des iguanes sur les gens. Chers amis, on a un répondeur du podcast. Ah, les gens laissent des messages. C'est sur SpeakPipe. En gros, les gens peuvent poser des questions ou raconter des anecdotes avec nous. On avait essayé il y a quelques épisodes, on avait arrêté parce qu'on avait reçu beaucoup. Là, voilà, ça se passe mieux. Vous pouvez toujours le faire. Donc, c'est speakpipe.com/podcast. Seul truc, c'est qu'il faut que le message ne dépasse pas d'une minute. J'avais pas vu que t'étais un ganjaman en fait. Ton souhait. J'ai un souhait de ganjaman. Bah, je suis allé à Amsterdam, j'ai fumé des purs bédos. Et son père est un rasta. C'est vrai, c'est la vie, c'est ça. Pas pour que ça m'étonne. Mon père est le bassiste de Sinsemilia, je vous le rappelle. D'ailleurs, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout. Bref, vous pouvez laisser des messages sur speakpipe.com/podcast. Faut juste qu'il dure pas plus d'une minute. J'insiste, on n'écoute même pas quand c'est plus d'une minute. Et si vous pouvez mettre le titre. Un petit résumé. Hein. Un petit, ouais, enfin en trois mots, quoi. Comme ça, au moins, on sait à peu près. Ça peut piquer notre curiosité plus facilement. Voilà. Parce qu'on en reçoit pas mal, je peux vous dire. Mais continuez, ça nous fait très plaisir. Il y a des très bonnes anecdotes. Par exemple, on a quelqu'un qui nous envoie ce message. Alors, bonsoir. C'était pour dire que depuis 3 ans maintenant, je vis en Écosse. Et que l'une des soirées que j'ai fait avec des collègues, je me suis foutu un peu la honte. Où simplement, on parlait de rappeurs. Et j'ai commencé à vouloir dire « my favorite rapper ». Mais oui. J'ai fini en fait par dire « my favorite rapist ». Ouais, ouais. On t'embrasse. C'est-à-dire qu'ils aiment pas le rap, je comprends pas. Je comprends pas la vanne. Plus rock'n'roll. On a aussi une histoire d'un voyage scolaire. Et après, je vous demanderai si vous aussi, vous avez tenté cette aventure folle du voyage scolaire et si vous avez des souvenirs autour de ça. Salut Adrien, salut Florent. Voyage en 5e, donc beaucoup de gens dans le même bus, jeune. On part de Rome pour rentrer, 17 heures de bus. Le bus vient de Rome, un resto qui était un peu dégueu. On s'endort tous dans le bus, on se réveille à 8 heures du matin dans le bus. Je me sens pas très bien. Aïe. Je demande à aller devant parce que voilà, je me sens pas bien. La prof croit que j'ai la gerbe, donc je demande d'aller aux toilettes. Et le chauffeur de bus me dit non, c'est bon, ça va passer. Et puis de toute façon, on n'ouvre pas les chiottes parce qu'il faut les vider après. Donc voilà. Classique. Je suis devant, je suis parti dans tous les sens et je chie dans mon caleçon et encore aujourd'hui je ne sais pas comment ça a fait pour ne pas sortir tellement mon caleçon se remplissait et gonflait tel un ballon des élastiques certainement très solides voilà jusqu'à une aire de repos où heureusement je pense que personne m'a vu, je ne saurais jamais aujourd'hui si quelqu'un m'a vu ou ils pas ils ont fait semblant de pas voir pour aller vider mon caleçon non mais toilettes. Tout le monde a dû sentir tout le monde a vidé, car les toilettes des hommes étaient bouchées sur cette station. Voilà, bisous. Donc il vit encore avec ce plein de juste merde un truc, au collège. Personne ne fait semblant de ne pas avoir vu quelqu'un s'échier dessus. Ouais, cela dit, ouais. C'est genre, mais l'odeur, c'est le en fait, moindre. C'est, ça qui est bizarre, ouais. C'est fini oui, c'est pour sûr. Lui. Donc. Ouais, mais l'odeur. Gars. Après, il était peut-être très isolé, tu vois. Genre, il ah oui, a mais l'odeur. Tout peut... Tout, mais c'est vrai que l'odeur de merde. Non, mais même. Tu peux te dire, quelqu'un a lâché une caisse, j'en sais rien. Oh, fin... le péteur. Ouais, mais une caisse de 3h30. Ouais, dedans, c'est ça. Ouais, bon. Oh, qui pète encore, là. C'est un flux continu. Ouais, bah, je sais pas, écoute. Vous avez fait, vous, des voyages scolaires? Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. Ah, donc ouais. C'est encore autre chose. Moi, j'ai. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai plus fait de colonies de vacances que, ouais, que de voyages scolaires. Parce qu'en fait, le truc des colonies de vacances, c'est que concrètement, quand tu vois des gens que tu vas probablement plus jamais voir parfois. Tu vois. Oui, mais en fait, vu que moi j'étais dans un bout de la Bretagne, tu vois, c'était souvent les gens des collèges voisins. Et au final, je connaissais les gens des autres collèges. Donc bon, en vrai, t'en voyais quand même la plupart. Et donc, il y a toujours des potes à moi avec qui on allait en colo, tu vois. Et en fait, moi, je me souviens d'un truc. On était à Venise, justement, en Italie. Et on était parti une journée là-bas, une journée. Et du coup, quand t'arrives avec un car, attends, vous êtes en Bretagne, et vous allez une journée à Venise. Mais non, mais parce qu'à Nice, pourquoi non, pas mais en gros, on était dans le nord de l'Italie, si tu veux. Il y avait une journée. C'est pas clair du tout. Non, non c'est. Il y avait effectivement sur ces plusieurs semaines de colonie, il y avait une journée à Venise, tu vois. Et donc on va à Venise. Et en fait, quand tu vas à Venise, t'es obligé de payer avec ton bus, t'es obligé de payer un permis de stationner, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, ils avaient payé pour la journée. Et on est rentré au final un peu plus tard que prévu. Et du coup, ce qui fait que on arrive à l'emplacement de notre bus et on revient après la journée crevante, etc. On s'est fait dépouiller par tous les commerces, etc. parce que ça coûte très cher. Et en fait, on arrive et il n'y a plus de bus. Ah. Et on se dit, et c'est pas comme une voiture, tu vois, c'est-à-dire, un bus, mais c'est-à-dire, où est le bus. Et en fait, le bus s'était fait embarquer par la fourrière. Je pense qu'on a dû arriver une heure trop tard par rapport au permis de truc. Et du coup, le bus avait complètement disparu. Mais le chauffeur n'était pas resté. Parce que tu sais, souvent les chauffeurs de bus. Non, le chauffeur était resté avec nous, je pense. Visiter un peu. Je suis jamais allé à Venise. Putain. Je peux venir kiffer aussi. Attends, ça va. C'est bon, on le comprend quoi. Passer la journée dans le bus, bon, un peu relou quoi. Les mecs sont ouais, c'est clair. Mais par contre, le dépanneur, la fourrière quoi, la motive d'enlever un bus. Franchement, j'arrive, je fais. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, j'imagine juste quel appareil peut tirer un bus comme ça, ouais, dans une fourrière, tu vois. Surtout, alors moi je suis jamais à Venise, mais c'est pas des petites rues un peu. Si, mais non, si, mais là on est déjà un peu à l'extérieur de Venise. Il y a le périph de Venise. Ils prennent le toujours bouché, hein, d'ailleurs. En fait, tu te mets en extérieur et après tu accèdes à Venise avec le bateau. Putain, c'est bien foutu. Sauf si t'es Jeff Bezos ou là, donc tu vas péter le pont, du coup, pour le coup, malheureusement. Exact. Ultia, t'as déjà fait des voyages scolaires? Je détestais ça, moi. Ouais, ça, ouais. Ça va avec l'école, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était pire encore parce que du coup, j'étais loin de mon petit confort personnel, quoi. Ah oui, en plus, oui. Ouais, j'ai fait une classe de neige en CM2 et je me rappelle que j'avais pas du tout envie d'y aller. Je pleurais et tout. Et bref, je m'étais dit, mais c'est horrible, en classe de neige, pauvre petite fille. C'est vraiment la seule gamine qui a Ouais. Bah, figurez-vous que je me suis pété le poignet là-bas, en faisant de la patinoire. J'avais dit, voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit que c'était pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée. Non, alors quand même, en vrai, après, j'ai eu des plus vieilles. J'ai fait des voyages cool. Genre, je suis allée à Venise, moi aussi, avec l'école. C'est fou, ouais. Deux fois, j'y suis allée. Venise avec l'école, ouais. Et c'était trop bien, genre, notamment en terminale, parce que moi j'avais pris histoire en italien en option, DNL, et du coup on était allé lire des archives à Venise, c'était trop stylé. Ouais. Stylé. Très stylé. Toi, Ponce? Moi aussi j'avais, en fait moi ça s'appelait Euro-Allemand, c'est pareil, c'était de l'histoire en allemand en gros, okay. Et notamment en seconde on avait eu un échange avec des étudiants, enfin des lycéens de Munich, donc on était partis deux semaines à Munich, c'était trop bien. Sinon je suis parti aussi à Berlin en troisième, j'ai fait beaucoup de choses en vrai, classe de neige aussi en quatrième, classe verte aussi en primaire, franchement j'ai eu de la chance, j'ai fait beaucoup de sorties scolaires. Et moi, nous, pour on le est coup, allé à Saumur genre, je te jure on est allé à Saumur, j'avais envie de crever, ou non mais bon, Venise, Berlin, Saumur, pareil, moi je voulais en classe d'allemand, on était en voyager pour la classe allemande, je trouve trop stylé. En fait, on recevait des élèves allemands, on était à Camaré, quoi. Ah ouais. Connu pour le curé, cela dit, qui a les couilles qui pendent. Après, je me rappelle que, genre, quand on était en troisième, on était allé à Berlin, on était allé aussi, parce que c'était l'histoire, etc. On était allé voir un camp de concentration qui s'appelait Sachshausen. D'accord. Et qui est au nord de Berlin. Et honnêtement, quand t'as du coup 13-14 ans, ouais. Bah en fait c'est dur quoi. Ah genre, oui, même plus vieux hein, mais... Ouais, mais plus vieux, mais c'est vrai que quand t'as 13-14 ans vraiment tu te prends une gifle monumentale, ouais. Et je me rappelle que y avait des potes qui partaient et genre il y avait un prof qui s'était écarté en disant bon si vous voulez pas venir du coup vous êtes pas obligé et tout, ouais. Et en fait c'était l'enfer quoi, la visite était immonde. Oui c'est ça, bien sûr. La visite était immonde, le trauma. C'était immonde. Maintenant il y a la vidéo de Thibaut InShape, on peut pas obligé d'aller sur place, voilà, c'est plus sympa. Moi j'ai fait qu'un voyage scolaire de toute ma scolarité et c'était parce qu'ils avaient décidé de faire une sortie, genre un séjour à la montagne avec la classe et tout, parce qu'il y avait une trop mauvaise ambiance entre les élèves. Ah ouais, ils ont dit ouais, mais en plus tout le monde faisait son méniel, enfin c'était... Non mais un peu en plus ils avaient un peu fait en fin d'année, donc ça avait pas trop de sens. Ils avaient dit bon, et pour y avait de la thune en trop pour vous ressouder, on va faire un voyage pour ce qui était drôle c'était que le dernier soir du séjour en fait il y avait eu deux groupes en gros qui s'étaient formés. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il y avait. On était tous dans la chambre de quelqu'un. Et il y avait la chambre d'à côté où il y avait l'autre groupe qui s'était. Ah oui, d'accord. Et il y avait juste une porte qui séparait. Et en fait, on entendait ce qu'ils disaient. Oh. En fait, ils étaient en train de chier sur chacun d'entre nous. Aïe. Et du coup, c'est une belle réussite. Ah, ça a bien, non, ouais, bien en vrai, ça nous a fait rire sur le moment. Parce que c'est une comédie française pas ouf. Genre, ouais, genre, ils doivent se ressouder en vacances et ils se bitchent dessus. Il y a deux groupes. Ça s'appelle le voyage. C'est ça. Mais limite, moi je trouvais. Nous on a fait un endroit un peu loin, on était allé à Pompéi. En Italie. Ah, ouais, ça va, quand même. Quand même. Ça va, stylé. Oui, mais moi, alors surtout que j'avais triché un peu parce qu'en gros, c'était ceux qui faisaient c'est latin. Ton père. C'est mon père. Il y a mon fils, il fait un voyage, c'est où? Pompéi, ouais, c'est ça, va dans le bus. Si, il s'appelle Victor. Oui, bien sûr. Victor Guado. C'est lui, c'est bien lui, ouais. Non, mais en gros, c'était ceux qui faisaient latin, normalement, qui allaient en Italie. Je sais pas si vous êtes en 5e. Enfin, nous, en tout cas, en 5e, 4e, il y a des gens qui faisaient latin. Et sauf qu'il y avait pas assez de gens qui faisaient latin pour que le voyage soit rentable. Donc, ils prenaient les meilleurs en français. Moi, j'étais plutôt bon en français. Oh, bah oui. Et donc, du coup, j'étais allé là-bas. Bon, bref. Mais par contre, ce qui était. J'ai pas adoré Pompéi. Je me faisais un peu yèche. Enfin, bon, bref, c'était pas mon grand truc pour le coup. Mais Le voyage en bus, je crois que m'a marqué à vie quoi. Tu sais, il y a 16 heures de bus avec des gens et là pour le coup c'est vraiment on est tous ensemble, il y a des blagues. J'adorais aussi. Ouais. Et je me souviens, on avait tu regardé. Dis au chauffeur d'appuyer sur le champignon. Bah, ce genre si de truc. S'il est champion. Oui, s'il est champion. S'il l'est pas du tout, il a pas besoin. Tu cherches à savoir si c'est à bâbord ou à tribord qu'on gueule le plus fort. Oui, voilà, ce genre de choses. Non mais si, c'est trop bien. Moi quand on était allé à Berlin en 3ème, c'était aussi en bus. Aller-retour. Ouais. Et voilà. Avignon-Berlin en bus. Ah, c'est une petite trotte. C'est 24 heures. C'est 24 heures. Ouais, donc, putain, et en vrai, c'est trop bien. T'es avec tes potes. Il n'y a pas de pause. Enfin, il y a. Tu sais, il y avait des pauses pipi, quoi. Ouais. Les chauffeurs de bus, ils font des pauses toutes les deux heures. C'est ça, ils s'arrêtent. Ouais, mais ils dorment quand? Il y a deux chauffeurs quand même. Oui, il y a deux chauffeurs. Il y avait deux chauffeurs. Ouais. Il y en a qui dorment. Apparemment, il y a un côté. Non, mais moi, je me souviens. J'espère qu'il est bien payé, quoi. Il y avait tout un truc où justement, il y avait. Bah, tu vois, c'est les hormones qui travaillent de l'adolescence, quoi. Non, personne n'a bandé dans le bus. T'as bandé dans le bus. J'ai bandé dans tous les bus que j'ai dans ma vie déjà, donc c'est pas une histoire, mais non, mais tu sais, il y avait ce truc de fallait se mettre à côté parce que là, du coup, t'as un trajet entier à côté d'une fille ou d'un garçon, machin et tout. Et évidemment, bon, moi, un fiasco terrible, mais tu vois, il y avait une tentative quoi. Il y avait un peu le... C'est vrai que le bus, il y a un truc, il se passait des trucs dans le bus. Ouais. Ah, oui, sûr, tu peux chuchoter un peu avec la personne. Il y avait des combats aussi de Pokémon avec le câble Link, moi je m'en rappelle évidemment. Très bien. Enfin, c'était monumental ça, évidemment. Et les piles, enfin, t'avais plein de piles du coup, t'en avais masse, ouais, t'étais énorme de piles. On va continuer. Alors, j'ai évidemment annoncé aux auditeurs que vous étiez invités. Ils en ont profité pour poser des questions via Curious Cat. Alors, Curious Cat, il change de nom toutes les semaines à peu près. C'est très relou. Enfin, c'est Curious Cat point et ça change. Ça a été mis point fr. Maintenant, c'est point live. Donc voilà. Okay. Point live slash podcast. Ouais, ils veulent se mettre dans le marché du live. il connaît. Le marché de le live même. Donc une erreur. Une erreur. Je pense que c'est seulement un peu tard et en plus peut-être un faux pas. Mais ouais, on utilise que ça parce que comme ça les questions peuvent être anonymes parce que nous on n'aime pas sur Twitter et tout. Du coup, les gens sont spammés. Voilà, c'est terrible. Une question pour Rivenzi. Est-ce que c'est toi par exemple qui va vers les musées comme le musée de l'armée ou est-ce que c'est les musées qui viennent vers toi pour les différents live histoires? Ça dépend. Alors pour les musées, on a fait. Ça dépend. En fait, il y a des fois où les musées. Donc, je fais effectivement des live histoires sur ma chaîne où soit on invite des spécialistes de certains sujets, soit on peut aller dans des musées, comme j'avais fait avec le musée de l'armée notamment. Et ça dépend. C'est soit des fois j'ai une idée sur un sujet, je sais que un musée peut être vraiment bien pour ça. Et le musée de l'armée, je les connais bien, donc c'est un peu facile. On avait fait un dernier live sur les mousquetaires, par exemple, et je savais qu'ils ont beaucoup de matériel, ils ont des spécialistes du sujet, donc c'était assez simple. Et des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir le CNRS qui m'envoie des messages en mode on a un spécialiste sur un sujet, et est-ce que ça pourrait te plaire, est-ce que ça pourrait te dire. Et puis souvent, j'essaie aussi de trouver des spécialistes qui fitent un peu avec l'actualité, tu vois. Par exemple, un jeu vidéo qui sort, un film aussi sur un sujet. Du coup, on essaie un peu de faire fitter les deux trucs en même temps pour que ça crée un point d'approche. Trop bien. Et un point d'accroche avec les gens. Et donc, ça dépend. C'est vraiment un peu au feeling. Une question pour un peu tout le monde autour de la table, ça m'a fait un peu marrer. On a tous prêté un jeu à quelqu'un qui nous l'a jamais rendu. Avez-vous vu parce que vous avez eu un jeu qu'on vous a jamais rendu? Moi j'étais celui qui rendait jamais les jeux. Ça m'étonne pas de toi. Est-ce que t'as piqué le jeu où en plus il y avait la carte mémoire que tu pouvais mettre dans la jaquette? On parle de jeu vidéo. Ça me blesse beaucoup quand tu dis que ça m'étonne pas de moi. Ça me blesse beaucoup. Ça m'étonne pas. Non, mais parce que en fait je pense que c'était pas mal intentionné, juste oublié. Ah, complètement. Souvent c'est ça, c'est rarement mal intentionné, souvent c'est juste de l'oubli pur. Oui, c'était des jeux de PlayStation 1, ça m'est arrivé, tout à fait. Bien sûr. Pense pas trop. Par contre, j'ai le souvenir on faisait des échanges à l'époque, du coup, avec les copains au collège et tout. Et je me rappelle d'une fois où j'avais gravé Age of Empires 2, que j'avais échangé à un pote contre un manga érotique qui s'appelle Love Story. Oh. Et du coup, j'avais juste gravé Age of Empires 2 pour l'échanger contre Love Story. Et voilà quoi. Ah, donc c'est toi qui as récupéré Love Story? J'ai récupéré Love Story. Ah, hein, tu le conseilles? C'est ta recommandation culturelle peut-être de fin d'épisode. Mais en vrai, j'avais 13 ans, je sais même bien pas sûr, ce que j'ai foutu ça. Bien sûr. Toi, Ultia, non? Bah non, moi déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi qui jouent aux jeux vidéo, par exemple. Ouais, j'étais un peu toute seule dans le truc, quoi. Donc non, et puis en plus, je suis pas très prêteuse. Ouais, t'avais pas tellement d'amis non plus, quoi, au final. Donc, voilà. Pas facile. Parce que vous avez commencé à peu près à quel âge, à peu près, à jouer aux jeux vidéo? Ça arrive à peu près quand? J'avais 4 ans, moi. Ah ouais? Dès que j'ai pu jouer, j'ai joué en fait. Moi aussi. Mais c'était quoi? Ça remonte beaucoup plus loin, moi, du coup. Mais toi, c'était quoi, par exemple, le jeu? C'était Adibou, c'était comme ça, un peu éducatif? Adibou en jeu éducatif, toute seule devant le PC, oui, c'est sûr. Mais en fait, on avait un sous-sol aménagé avec chez mes parents, quoi. Avec la moquette et tout, je descendais les escaliers avec mon frère, on jouait toute la journée, c'était trop bien. Et on avait la NES, la SNES, moi j'ai beaucoup joué à Yoshi Island. Alors ça, c'était sur les consoles. Et sinon, on jouait aussi sur le PC. Je jouais sur les genoux de mon père. On jouait genre à Myst. Oui. Ah, ah oui, Myst 3 qui est un jeu d'énigmes en first person qui est incroyable. Et en plus de ça, à l'époque, il n'y avait pas internet ou quoi. On mettait des jours, mois à trouver des énigmes. Trop bien jouer en famille des jeux vidéo. Ouais. On jouait à César 3 aussi, qui est un jeu de gestion trop chouette. Génial. Voilà, j'ai toujours joué avec mon frère et mon père. Trop bien. Ponce, toi ? Moi, un peu plus tard que 4 ans, moi, ma première console, ça a été la N64 et ça devait être peut-être en 98, un truc comme ça. Ouais. Donc j'avais genre 7 piges. Ouais. Donc mes premiers jeux, ça a été les Ocarina of Time, ça a été les Mario 64, ça a été les Paper Mario, etc. sur N64. Moi, j'ai jamais eu de SNES, NES, etc. Et par contre, après, j'avais à côté la Game Boy Pocket, qui était du coup c'était la deuxième Game Boy. Il y avait eu la première, après, il y avait eu la Pocket. Moi, j'ai vu la première. Moi, j'ai jamais eu la première, j'ai eu la Pocket avant la Color, du coup, et c'était des jeux Game Boy. Classique quoi. Enfin, Mario, Pokémon. Ouais, voilà, vraiment ça, très très classique. Et ça a été ça, ouais. Voilà. Mais elle était rétro-éclairée la Pocket ou toujours pas ? Pas du tout. La première rétro-éclairée, c'était la Game Boy Advance SP qui arrivait très très tard. Même la Game Boy Color, elle était pas rétro-éclairée. Non, il y a eu Game Boy Classique, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance. Ouais. Tout ça, c'était pas rétro-éclairé. Ah, et on utilisait, tu sais, un accessoire à la con là. Qui zoomait, mettait de la lumière. Comme les vieux qui veulent lire là. C'est ça, exactement. C'était horrible. J'ai tellement galéré avec cet accessoire. Moi aussi, j'en pouvais plus. Alors, moi, j'avais pas d'accessoire du coup quand j'étais en bagnole avec mes parents à l'arrière, c'était vraiment tu finissais par jouer avec les bras très levés pour essayer de choper un bout de lumière vraiment pour pouvoir jouer quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, Yandy? Mes parents aimaient pas trop jouer aux jeux vidéo, mais oui, moi c'est ça aussi quoi. Moi ils aimaient pas du tout, mais du coup, moi le premier souvenir j'ai, c'est Adibou, mais avec toujours mon père à côté de moi en mode c'est un peu éducatif, etc. Et on y jouait vraiment, je pense. Si je te dis une heure divisée par deux, parce qu'il y avait mon frère et moi, c'est voilà quoi. Ouais. Ça a tout cassé. Il chronométrait aussi. Ouais, mais mes parents disaient ça aussi. Tu vois, et puis je pouvais pas jouer. Puis moi, j'avais pas le gros écran la semaine, donc du coup, j'avais le droit d'y jouer un petit peu. Et en fait, moi, ils m'ont jamais trop acheté de console. Je récupérais la console de mon cousin quand la PS2 sortait. Moi, j'avais la PS1 quoi. Oui, bien sûr. J'ai eu la Mega Drive en 2002 moi. Tu vois, vraiment, pareil. Non, mais tu vois, c'est fou. Du coup, moi, mes premiers jeux sur PS1, c'était mon cousin qui me les avait offerts parce que lui avait récupéré la PS2. Du coup, il y avait Rayman 2, il y avait Crash Bandicoot 2 aussi. Et donc, j'y jouais. J'ai jamais terminé ces jeux parce qu'en fait, je jouais tellement peu que. Bien sûr. En fait, ça, je les finissais pas. Je jouais peut-être une heure par semaine. Et après, c'est que plus tard, arrivé au lycée, vraiment. Enfin, après, j'ai joué un petit peu entre temps, mais oui, je crois que c'est fin collège, lycée, où j'ai vraiment pu jouer aux jeux vidéo régulièrement, quoi. C'est tard. Parce que Adibou, en plus, tu faisais comme tout le monde, tu faisais que les gâteaux. Ouais, voilà, tu faisais les gâteaux, et puis rien d'autre. Clairement, il y avait des oiseaux aussi, fallait les nourrir. Oui, pour tu pouvais donner la petite, le petit mangeoire. C'est ça, exactement. C'est ça. Parce que du coup, je jouais pas du tout, très peu au collège. Et moi, c'est à peu près le même âge, 4-5 ans, sauf que moi, du coup, c'était les années 80, quoi. Donc, ma première console... Oui, c'était une boule en bois. En vrai, il y avait un peu un rendu bois dessus. Ça s'appelait la Mattel Intellivision, qui était, en gros, il y avait la console Atari 2600 à l'époque, qui était le banger de l'époque. Mon père avait eu du flair. Il avait acheté la version que tout le monde se bat les couilles, quoi, qui était la Mattel Intellivision. Ouais, c'est fou. Du coup, ton père était déjà intéressé par Mon père, il a toujours été intéressé par les ordinateurs, les consoles, les jeux vidéo et tout. Et donc, du coup, à l'époque, il avait acheté ça et tout. Et du coup, je joue depuis que j'ai 4-5 ans. Et c'est vraiment des consoles où le jeu de foot s'appelait soccer. Le jeu de bowling s'appelait bowling. Vraiment, il se faisait pas chier. En gros, il y avait pas de jeu avant, donc c'était logique. Hein, c'est le premier. Le jeu de boxe s'appelait boxing. Enfin, tout est clair. Et pour répondre à la question, moi, j'avais prêté ma Game Boy et prêté ma Nintendo 64 et on me les a pas rendus. Ah, donc là, c'est un vol à plusieurs centaines de francs. Des consoles carrément. Ah ouais. Et t'as pas réclamé. Alors la Game Boy si, mais ah putain, ça c'était un traumatisme, j'avais 10-11 ans et je pense que j'avais une espèce d'angoisse de la confrontation et tout, donc j'avais dit à mon père je lui ai prêté ma Game Boy, il me l'a pas rendu et tout. Ah, t'osais pas dire. Et donc mon père avait appelé la mère du gosse qui était à moitié taré, enfin c'était assez bizarre et ça m'avait foutu une boule au ventre quand j'étais gosse pendant... Oh là là. Et la N64 c'est plus tard du coup et j'avais prêté à un mec que je voyais en plus pas si souvent, donc c'était un vrai mauvais move de ma part, quoi. C'était pas gentil, un pote, quoi. Et je lui avais prêté, et après, en fait, on se voyait dans un magasin de jeux de rôle à Saint-Germain-en-Laye, qu'on se voyait toutes les semaines là-bas, et puis je crois que le magasin a fermé, du coup j'ai plus jamais vu ce gars. Oh, la bonne opération. Et j'avais pas son numéro, il avait pas mon numéro, rien, quoi, donc nul à chier, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, ma console, tout. Si tu nous écoutes, mec. Et je l'ai recroisé dans le RER plus tard, non. Et j'ai osé J'étais fier de moi. Aller le voir, faire mec, ma Nintendo 64. Il a fait ouais, on me l'a volé, mais t'inquiète, je vais te la rembourser. Et j'ai fait ah cool. Et après, je fais j'ai toujours pas son numéro. Lui, le bad m'a jamais. Aïe, voilà. Mes parents étaient assez. Ils avaient un peu peur des jeux vidéo. En fait, ils étaient très cool surtout, mais les jeux vidéo, je pense que c'était juste une méconnaissance. Donc, c'est Babylone quoi. C'est ça, c'est Babylone. On est très très loin de Zion. Et donc, on avait récupéré la Mega Drive de mon oncle. Que mes parents. Mais d'ailleurs, ton père, il sait pas jouer. Autre chose que du reggae, il ne sait pas. Et l'intelligence de mon rep, c'était de foutre la Mega Drive chez ma grand-mère. Comme ça, on allait chez ma grand-mère. En fait, si on n'y allait jamais. Tu vois, il avait foutu la Mega Drive là-bas. Style et bon move. Ouais. Très bon move. Et donc, on n'avait pas de console de jeux vidéo. Et du coup, je me souviens, c'est un peu nul, mais le mercredi après-midi. J'avais pas énormément d'amis. J'allais au Dog Games d'Autun. Oh, le Dog Games, moi aussi. Le Dog Games d'Autun. Et donc, il y avait une petite télé sur le comptoir du vendeur avec la console du moment, donc à l'époque une PS2. Jouer, et il me laissait y jouer. Et je me souviens, j'avais joué à Hunter the Matrix. J'ai un très bon souvenir de ça. Et je jouais à Hunter the Matrix sur le comptoir. Et je me souviens, j'étais des coups d'œil à quel moment il va me foutre dehors, en fait. Ouais. Tu vois, il y avait ça fait 4h30 que je suis en train de jouer. Et en vrai, il était assez cool parce qu'il m'avait laissé 2-3 heures. Sympa, jouer comme ça. Et de temps en temps, quand je sentais qu'il y avait des clients qui voulaient essayer, il fallait que je lâche un peu la manette. Ouais, ouais. Mais j'étais cool généralement dans les magasins de jeux vidéo avec ça. Non ouais. Moi, j'ai souvenir de moi, ça allait aussi. Ouais, c'est cool, mais si tu commences à venir tous les mercredis pour jouer 4 heures sur sa console et que tu n'achètes rien du tout. Elle est où ma save? T'es un gamin. Si je peux juste terminer ma save, ce serait cool. J'ai bientôt fini le jeu. D'ailleurs, par rapport à ça, tous les jeux de notre enfance et tout, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, très très très rares ont été les jeux que j'ai terminés. Ah, pareil. Genre, mais c'était trop dur. Très rare. J'en ai jamais terminé, même je crois. Toujours, si, moi, quelques-uns. Ouais. Si, quand même, mais c'est vrai que c'était. On avait beaucoup ce truc aussi où des fois t'avais des problèmes avec ta carte mémoire ou tes saves. Et en fait, moi je sais qu'il y a des jeux, j'ai refait 200 fois le début. Quoi. Pareil. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'adorais le début. Mais encore maintenant, dans les films, j'adore le début. Dans les jeux vidéo, j'adore le début. Et dans les livres aussi, j'adore quand la situation principale est en train de se mettre en place. Ouais. Ah. Et du coup, je refaisais avec joie les débuts de partie. J'ai toujours adoré ça. Mais moi, c'est lié aussi à. Donc, j'ai eu au final une PS2, mais bon, j'en étais déjà à la 4, hein, je pense, quand je l'ai vu. Et j'avais pas de jeu. Mes parents m'avaient pas acheté de jeu. Donc, j'avais juste le CD des démos du début. Oh, et donc, je jouais en boucle aux 3 premiers niveaux de Airblade, par exemple, ou de trucs comme ça. Parce que, et donc, je jouais qu'au début, pareil. Parce qu'il y avait. Moi aussi, j'avais des CD de. Tu sais, que tu chopais dans les. Dans les Kellogg's, dans les boîtes de céréales, exactement. Ah, il y avait un jeu qui s'appelait Desperado et qui était. Ah, oh, j'en jeu. Souviens! Ouais, et t'avais, c'était un seul niveau où du coup tu contrôlais comme ça 3 personnes et tu devais les faire bouger tour par tour. Incroyable, et éliminer Desperado. Les ennemis. Et j'ai jamais terminé cette démo. Le niveau, je n'ai jamais terminé la démo. Même la démo n'a tu pas été. Tu vois, c'était terminé. Rentable à l'époque, hein. On te donnait n'importe grave. Quoi. Tu jouais à la démo. Sachant que moi, je sais même heures. Pas. Moi, c'est qu'après que j'ai capté que c'était une démo. Moi, je croyais que c'était le jeu. Mais pareil, mais grave. La masterclass. On était nombreux dans ce cas, je pense. Bah ouais, c'est ça. Et puis le game design n'était pas aussi développé. Genre avant, vraiment, c'était dur pour les mauvaises raisons. Tu butais sur des trucs qui en fait n'avaient aucun sens. En ce moment, je refais les Harry Potter, tu vois. Ce sont pas des jeux si vieux dans l'idée. Ah, le premier, c'est quoi? C'est PS2? Non, PS1. Ah, c'est PS1. PS1. Ouais. Et ah en ouais. vrai, ils sont mauvais, pas pour des bonnes raisons, parce que genre le saut est vraiment très raide. Non, frère, ça j'ai va, adoré ces jeux quand j'étais gamin. Ouais, mais ils restent sympas quoi. Quand même. Ouais. Ça va, ils ok. Mais vous jouez beaucoup, Adrien et Flo? Moi, pas du tout. Okay. Moi, je suis un nulos. C'est si. Alors, moi, je suis un bourrin un peu dans les jeux vidéo. Enfin, je joue vraiment pour me détendre, genre. Mais vraiment comme un beauf quoi. C'est mon Fast and Furious à moi. Donc je joue à Far Cry genre. Ouais. Et c'est tout. et voilà. Non mais je jouais à Doom à une époque et après c'est devenu trop dur pour moi parce que je suis très mauvais en fait. C'est ça aussi, je suis très mauvais. Donc pendant le confinement, si j'ai un peu joué. Ah si, et si j'ai joué à ce jeu avec ma meuf. J'en ai parlé, It Takes Two. Ouais. Ça je trouve ça génial. It Takes Two, incroyable. Vraiment génial. Mais là maintenant, je suis devenu ce vieux monsieur quoi qui quand je joue, je fais putain, c'est bien fait quand même. Voilà, on peut tout faire en fait. Voilà. C'est comme un film quasiment. C'est comme un film. Attends, mais dans Far Cry, tu diriges le chien et le crocodile. Attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Far Cry, genre là, t'as joué au 6. Alors, ouais, mais j'ai joué deux niveaux. Et là, t'es quand même à jour. Et il dit niveau encore, tu vois. Il est encore dans les années 90. Non, si, alors le dernier jeu que j'ai platiné, je connais les termes, c'est le Spider-Man de PS4. Ah bah, parce que je suis méga fan de Spider-Man. J'ai terminé il y a pas longtemps et c'était pour moi incroyable. J'ai adoré ça. Il est exceptionnel. Ah ouais. Ah, c'est un excellent jeu. Mais parce que pareil, à la fac, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo par contre. Mais des jeux vidéo que j'ai pas eu quand j'étais au lycée. Donc j'ai fait GTA Vice City, voilà, tous ceux auxquels j'avais pas accès. Et c'est un des jeux qui a été le plus platiné, Spider-Man sur PS4. Ah ouais. Ouais, ouais, pour le coup. Ah il ouais, y a rien d'exceptionnel dans ce que t'as fait au final. C'est le truc le plus basique. C'est un chien. Ouais. Non, mais Adrien est beaucoup plus un fouineur. Il trouve des trucs indés, des trucs. Bah, en ce moment, je joue quasiment que à FIFA 22. Tu veux dire que tu te fais FUT, un FIFA? Tu joues à FUT? Non, tu sais, là, tu peux créer ton club dans la. Ouais. Et je fais une carrière de coach, en fait. Ah, trop stylé. Et j'ai fait mon club et voilà, on est monté en Ligue 1 et tout. Félicitations! Bravo! C'est quoi le nom du club? Mbappé! C'est ridicule. Non, mais attends, c'était quoi? J'avais voulu donner un nom débile. C'est genre. Le j'ai oublié. Non, mais c'est Football Club de foot. France! un truc comme ça, quoi. Je supporte le foot de club foot de France. C'est FC Foot France. Voilà le nom. Stylé. En vrai, il y a une identité, quoi. Ouais, ouais, on comprend que c'est du football, c'est dans le titre. Et non, sinon, après, c'est vrai que j'aime bien trouver un peu des jeux. Bah, surtout, bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, mais à l'époque où je le faisais régulièrement, j'aimais bien streamer des jeux indés un peu. Enfin, il y avait un jeu que j'avais streamé et genre, il y avait même pas la catégorie du jeu. J'avais dû créer catégorie de jeu sur Twitch. C'était. Animal Revolt Battle Simulator, je sais pas si vous l'avez vu passer, parce que MV l'a streamé depuis. Mais attends, on n'avait pas une demande d'OP pour ce jeu? Non, tu parles du jeu des dragons, toi. Non, non, non, non, non, non. C'est pas un battle royale avec des animaux qui si, en fait. Et aussi, il y a des animaux mythologiques et tout, et tu peux aussi. Ah, t'envoies pas des armées d'animaux uns sur les autres, c'est, genre. C'est ça, ouais. Mais il y a aussi, genre, des dragons, il y a des hydres à trois têtes, et tu peux, genre, prendre un gorille et lui mettre un sabre dans la main. Enfin, tu peux pimper les animaux. D'accord, ok. Enfin, c'est ultra débile. Comme dans la vie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ultra débile. Et, bon, après, je joue à d'autres jeux moins débiles que ça, mais. Eh, je suis intelligent. Hein. je suis pas un gros gamer, je joue pas, ça occupe pas une grosse partie de ma journée, mais je suis toujours dedans. Je m'intéresse. J'ai une liste comme ça de jeux Steam auxquels j'ai jamais joué. Et puis tu regardes Twitch, qui est quand même une plateforme qui est beaucoup liée quand même aux jeux vidéo, donc du coup. Non, mais je suis. C'est depuis que je suis gosse, quoi. Une question un peu pour tout le monde autour de la table. Est-ce que vous pensez que votre amitié, parce que ce soit vous trois ou Adrien et moi de notre côté, améliore votre travail? Parce qu'on entend pourtant souvent qu'il mieux vaut pas travailler avec, avec ses amis. Est-ce que vous sentez que c'est plus facile? Ça fluidifie après, peut-être Évidemment. Ouais. Ah ouais. Mais en fait. T'as l'air surpris, ça me. Hein ça non, si, bah grave, mec. Ah ouais, Si, grave. Dans notre profession spécifiquement, on a tendance à beaucoup s'entourer de personnes avec qui on s'entend très bien. Parce que c'est toujours bien de travailler avec des gens sur qui tu peux faire confiance, qui te connaissent bien, etc. Et puis nous, en plus de ça, au-delà. En fait, quand on est en live ensemble, force est de constater qu'on a une très forte synergie et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. En fait, ouais, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que ça rajoute du relief. En fait, purement et simplement, c'est-à-dire que quand tu as deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont faire un live ensemble, mais là, du coup, c'est hyper spécifique à ce qu'on fait. Mais deux personnes qui ne se connaissent pas, par exemple, ils font un live ensemble pour une OP, par exemple. Tu vois, ils sont payés pour jouer à un jeu, deux personnes et tout. Bon, bah, ça va être un peu des vannes en surface, ça va être une relation en surface, etc. Alors que c'est vrai que, bah, par exemple, quand nous, on se retrouve en live ensemble, en fait, il y a une multitude de reliefs qui apparaissent, tu vois. Il y a ce qu'on fait en dehors, il y a tout le background qu'on a ensemble, il y a nos connaissances, on sait comment on va réagir en fonction de ça. Donc ça nous aide, c'est sûr, une certitude. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, le truc, c'est que comme t'es en direct, sans filet, tu peux pas faire une vanne et imagine, ça heurte la sensibilité de quelqu'un. Et c'est pas le but, c'est quand tout ce qu'on passe un bon moment. Et c'est vrai que si je vanne Ponce ou Ultia, je sais que je peux aller loin, je sais jusqu'à où je peux aller, quelle vanne, etc. Tes limites, donc c'est facile en fait de streamer entre amis. Et moi, en vrai, d'être soi-même en plus. Exactement. Moi, je suis un très mauvais streamer de groupe, par exemple. Quand je connais pas bien les gens, j'ai du mal, pareil. Tu vois, je suis un très mauvais streamer. Ah, c'est drôle. J'ai du mal à élever la voix, et ah ouais, j'ai une vanne et tout, tu vois, et à prendre le lead. Par contre, quand je suis avec justement mes amis, c'est beaucoup plus simple de s'affirmer, de couper un peu la parole parce qu'ils savent, un peu plus aussi. Parce qu'ils savent que c'est entre nous. Donc du coup, de se couper la parole, moi je suis en mode ah ok, bon, y a pas de souci, on reprend, on rebondit, etc. Mais je suis un mauvais streamer de groupe, sauf quand je suis vraiment avec des gens qui m'entourent et qui sont très proches, quoi. Je ressens la même chose. Non, mais en plus, on dit souvent qu'il faut pas travailler avec ses amis parce que quand tu bosses sur un projet commun, ça peut créer des tensions parce que vous avez des visions différentes et du coup ça crée des tensions. Mais là, en fait, même si vous faites des strips communs, c'est chacun à sa chaîne, donc c'est pas la même implication de tout le monde. Tu vois pas, au pire, enfin, tu vois, si ça se passe mal, chacun a toujours sa chaîne qui est son son projet entre guillemets quoi. Après oui et non, alors oui c'est vrai, mais par exemple là on parle, enfin il y a quand même plusieurs cas de figure, genre là on parle de stream individuel où on se rejoint ensemble pour faire un jeu multi, forcément on va pas s'engueuler en mode mais je t'avais dit, enfin l'enfer de l'ambiance. Mais on a quand même fait une émission ensemble qui s'appelle le Recap Weekend, qui était une émission en plateau qui avait lieu le week-end justement sur la chaîne de Le Stream. Et là par contre il y avait quand même un peu plus des relations de travail il y avait des vraies mises au point quoi. Voilà, cette chronique ça n'allait pas parce que, ou au contraire ça allait parce que, t'as fait ça la dernière fois c'est pas l'idéal parce que, enfin tu vois il y a quand même des... Ouais. Mais en même temps c'est quand même beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un que tu apprécies et que tu connais bien, parce que ce genre de choses tu peux te les dire, c'est-à-dire que toi Ultia ou toi Rivenzi, s'il y a un truc qui va pas vous allez me le dire et je vais beaucoup plus facilement le prendre, et surtout ça aura plus de valeur pour moi tu vois. Oui, donc au final je trouve que ça attire vachement vers le haut que de faire des choses qu'avec les gens qu'on aime, je trouve. Et en plus à ce truc j'ajouterais que tu sais tu connais suffisamment l'autre pour savoir ce qui te dérange et ce qui te dérange pas aussi enfin, c'est quand même un gain de temps facile où tu te dis de toute façon si on va dans ce truc là je sais que c'est pas dans sa sensibilité, donc de toute façon ça sert à rien que j'y aille et qu'on perde un temps fou et on trouve une autre solution du coup, qui est parfois le truc qui effectivement quand tu travailles avec des gens que tu connais moins, bon bah tu perds un temps fou sur ce truc là quoi. Et puis tu vois quand tu connais super bien quelqu'un et qu'il te fait un retour sur une chose, en fait t'as pas à douter du retour, c'est à dire que évidemment tu peux te poser la question, réfléchir à tout ça, mais tu te poses pas de questions sur la sincérité du retour. C'est-à-dire que si Riv ou si Ultia me font un retour sur quelque chose, je suis absolument sûr que le but c'est qu'on step up, tu vois. Il y a pas de feinte quoi, il y a pas de et que c'est justifié quoi. Et que c'est justifié, que si on me le dit c'est qu'il y a une raison, etc. Et en fait c'est quand même très réconfortant. Moi ça m'a aidé aussi quand même à bosser avec des potes, parce que moi j'aime pas trop le conflit, tu vois. C'est vrai que des fois je préfère plutôt me dire bon moi ça m'a fait un peu chier mais c'est pas grave, tu vois. Mais au final quand même le fait de sentir un endroit un peu plus safe, tu te dis tu peux quand même te permettre de dire à un moment donné ça m'a un peu dérangé, on peut pas trop le faire comme ça, etc. Machin. Même si des fois c'est un peu difficile pour moi de le faire encore, mais c'est en bonne voie. et vous deux du coup, parce que bon, Floodcast ça fait longtemps, mais pas que, tu vois. En tout cas l'ambiance était un peu pesante quand on est arrivé, pas me cacher, dans le studio. Là, ça fait 7 ans, c'est un vieux couple, on s'engueulait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on sait où est-ce qu'on est bon et mauvais l'un l'autre, et du coup je trouve qu'on se complète plutôt bien. Et où Adrien est mauvais alors Non mais tu vois, enfin je trouve qu'on se complète plutôt bien, maintenant on se connaît vraiment, et puis nous ça date d'avant le Floodcast. En fait c'est même plus simple le Floodcast parce qu'on est nous-mêmes, c'est presque, enfin tu me coupes si je dis de la merde, mais quand on écrit ensemble c'est presque là où c'est le plus comment dire, où on débat, ou parce qu'on n'a pas les mêmes humours exactement, on n'a pas, oui mais encore une fois parce que bah quand on écrit ensemble on écrit un truc, il restera un truc, alors que là le Floodcast bah c'est la participation des deux à hauteur égale, on se décide sur ce qu'on va dire en fait, puisque chacun dit ce qu'il veut quoi. C'est différent quoi, mais ça peut paraître très naïf, mais c'est aussi juste de l'amour, enfin de l'amitié quoi, c'est genre moi je sais que tu peux dire amour. Attends, c'est quoi cette masculinité toxique là, putain, bordel, un peu de joie. Non mais c'est le kiff aussi que les gens, que Adrien quand il vient ici, moi je sais que je veux qu'il soit bien parce que il me fait mourir de rire, et je veux que voilà, que ce soit plutôt la bonne ambiance là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a toujours fait en sorte d'avoir des invités où on sent que ça va être cool, que ce qu'on aime bien, dont on aime le travail, enfin pour le coup le Floodcast, c'est encore différent de l'écriture. On s'est toujours dit il faut que ce soit le moins relou possible, c'est à la moindre seconde. Ouais. Moi il y a des invités par exemple que j'aurais bien aimé avoir, ou alors il me fait oh, pas sûr, ou inversement. Oui. Et c'est déjà arrivé. Jamais ils n'ont été invités. Il y a une espèce de truc où on se dit non, on va pas commencer à essayer de te faire plaisir et Je vois. Vraiment qu'on kiffe tous les deux. Donc voilà. Pas prise de tête aussi. Zéro. Voilà, quoi. Si ça commence à l'être, ça devient insupportable. Oh, ouais. Une question pour vous trois. J'avais beaucoup aimé le Tour de France des jeux vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y aura un jour une saison 2 de ce format? Alors moi j'ai toujours voulu qu'il y ait une saison 2. Est-ce que vous pouvez rappeler avec Rivenzi on s'est rencontrés en 2017 et dans le milieu du jeu vidéo et du streaming nous étions absolument personne, c'est-à-dire qu'on avait tout à faire et donc on avait plein d'idées tout le temps et des idées plus ou moins réalisables d'ailleurs. Et en fait on a toujours eu cette idée, ça a commencé en 2017 hein, quand on s'est rencontrés, de imagine si on prend une caméra et qu'on va voir plein de gens qui travaillent dans le jeu vidéo en France et qu'on fait ça en live et qu'on va visiter des gens, des boîtes, des streamers, des gens, enfin n'importe quoi, du jeu vidéo, et imagine on fait ça. Et puis en fait, nous, on se disait ça en 2017, mais tu sais, on se disait ça en mode putain, mec, ce serait fou. Tu sais, enfin, genre, tu. Imagine. Voilà, c'est ça, imagine, ouais. Et tout. Et en fait, au fur et à mesure de nos expériences, de nos travaux, etc., bah, ça s'est concrétisé petit à petit. Mais on s'est saigné hein, quand même pour ce projet. On s'est saigné financièrement, on s'est saigné personnellement. On s'est... Ouais, ouais. En gros, le projet, c'était trois semaines en gros, et on faisait 7 villes de France, en gros, où on ouais. allait rencontrer streamers, boîtes de jeux vidéo, organisations, etc. C'était très large. Ouais, ouais, Event studio. Event studio, voilà. Donc, bien. Il fallait organiser, louer une voiture, partir. Pour nous, c'était énorme, tu vois. En vrai, on galérait en termes de thunes à ce moment-là. Oh, ouais, on s'est saigné. Et ouais. du coup, on était en mode... moi, j'ai fini le voyage, j'étais en mode... Ouh, bah, j'espère qu'il y aura vite une OP, hein, pas longtemps. mais, et donc, du coup, on a, ouais, du coup, on avait eu cette idée-là et ça a duré 3 semaines. Il y a aussi... Tiens, t'étais avec nous aussi. Sur moi, je travaillais, j'avais un job salarié à l'époque, donc du coup, j'ai pas pu vous suivre. Et en plus, c'était votre initiative à vous. Quand vous aviez déjà l'envie de faire ça, on se connaissait avant, même avant pas. De se connaître, oui, c'est, ouais, vrai, c'est vrai. Parce c'est qu'en vrai. Fait, eux, ils se sont rencontrés avant que moi, je les D'accord. rencontre. Mmh. Et du coup, je suis venue sur plusieurs dates. Je suis venue à Poitiers parce que je suis venue à la Gamer Assembly. Futuroscope. Et je suis venue, donc forcément au Futuroscope, et je suis venue à Lille aussi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Exactement. Et donc, on a fait 3 semaines. Et du coup, c'était trop bien parce qu'en fait, les live IRL à ce moment-là, il y en avait très, très, très, très peu. Ouais. C'est aujourd'hui, il y en a eu plus à un moment donné. Là, forcément, dû au Covid, ça s'est un peu diminué. Mais vraiment, c'était un truc où il y avait peu de live IRL. Et nous, on a dit, on va faire 3 semaines comme ça. On va rencontrer des streamers, faire des formats interview très détente. Et du coup, il y avait un enjeu parce que le live IRL, c'est... il faut quand même qu'il y ait un but. Nous, on voulait quand même écrire un truc, qu'il y ait un début, une fin, un point A, un point B. Et on se disait, il fallait qu'on donne de l'énergie, qu'il y ait des temps forts, des temps faibles, certes, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Pas juste, on allume la caméra, on est dans une ville, on est à Toulouse, trop ouais. bien, et qu'il se passe rien. Mm. Donc, ce qui fait qu'on a fait ça, et ça nous a, on a créé une connexion encore plus à ce moment-là, déjà qui était très forte, mais le live IRL, ça nous a, moi, je trouve, encore plus rapproché pendant le voyage, etc. C'est le podcast de l'amitié, j'ai l'impression. Et voilà. Ah bah, c'est fou. Enfin, je veux dire, à un moment, on avait une connexion, genre, sans déconner, en termes de technique et réel. En fait, les gens s'en rendaient pas compte, mais il y avait des fois où, bah, en fait, c'était souvent moi qui tenais la cam. Donc, je tenais la cam, j'avais un sac à dos avec tout était relié parce qu'il y a la connexion, oui, etc. C'est le backpack. Le backpack, voilà, ouais. Backpack où il y a la connexion, la cam, tout le matos, etc. Et en fait, on était arrivé à un moment où Rive et moi, en fait, sans se parler, on savait qu'à ce moment-là, moi, j'avais besoin de prendre un peu de recul. Donc, j'allais lui donner, en fait, le sac. Il allait prendre la cam sans que personne ne capte. Et moi, j'allais me reculer. Et en fait, on avait une cohésion de fou dans notre animation, on va dire. Et en fait, de tout ça, donc, ça a été 3 semaines de live. Mais ça a été aussi, pour ceux que ça intéresse, ça a été un film qui dure 2h30, qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Le Tour de France du jeu vidéo. C'est 2h30 qui a été monté par Manu, c'est un pote créateur avec qui on travaille toujours aujourd'hui, qui nous a accompagné tout le long pour filmer les backstage. En gros, il était avec nous pour filmer à côté, etc. Et en fait, derrière, il a sorti un film deux mois plus tard qui est sorti, qui dure 2h30, Tour de France du jeu vidéo, où bah, il y a à la fois des images du live, mais aussi backstage, donc un peu dans tous les génial. Sens. Ouais. Et d'ailleurs, ce film, il y a un Donation Goals Event qu'on a rempli, où ce film, il faut qu'on se fasse un react de ce film, qu'on va regarder. Tous les trois, plus Manu, du coup, ce créatif avec qui on était. On va se regarder ça et se faire un react de ça, parce qu'en fait, plein de gens qui nous connaissent aujourd'hui, même l'immense majorité des gens qui nous connaissent l'ont pas vu. Ouais. Et ne nous connaissait pas à l'époque, tu vois. Oui, et du coup, bon, la question, c'était Tour de France. Revenons à nos moutons, voilà. L'édition numéro 2. Du coup, édition numéro 2. Merci de recentrer. Ben, en fait, la difficulté, c'est que... C'est son avis. Ouais, ouais, bien d'accord. Je sens qu'il y a une... Ouais, ouais, il y a une scission, et battez-vous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est compliqué parce que... La fin d'une amitié. Aujourd'hui, en 2022, en vrai, ce serait déjà beaucoup plus pertinent parce que les choses ont changé, en vrai. Et on pourrait aller voir différentes personnes de manière vraiment... Oui. Enfin, ce serait pas la même chose. Donc déjà, en France, on pourrait le refaire. En vrai, c'est vrai en 2022. Après, concernant l'Europe, parce qu'on y a pensé, tu vois, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, du coup, l'étendre et tout. Barrière de la langue très compliquée, devoir tout traduire en permanence, franchement. En live, en plus, oui, voilà. Oui, en live. Tout est en direct. Donc, franchement, c'est quand même moins fluide et difficile, on y a pensé. On n'est pas non plus des experts de l'anglais. Ce serait un peu relou, tu vois, d'être. Ça pourrait créer des situations rigolotes, mais bon, si t'avances jamais, écoute, tu comptes, c'est juste des situations reloues. Si t'apprends rien et juste tu rigoles sur le fait que tu parles mal, bon, c'est un peu chiant. Ouais. Donc, du coup, bah, en fait, là, c'est pas trop dans les rails, mais. Bah, en fait, en gros, c'est vrai que vu qu'il y a eu le. Moi, j'étais chaud d'en refaire une, pas assez rapidement, mais en gros, j'aurais bien aimé qu'on en refasse une en 2020, dans l'idée. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, 2020, le Covid, ça n'incite pas trop au voyage. Ouais. Ça ralentit. Ce genre de projet, on a minima, ça ralentit. Ouais, complètement. Et donc, c'est juste que, c'était un peu la crainte que tu avais et qui est vraie, c'est que la peur de se redire, de la redite, quoi. Ouais, en fait, sûr. De refaire un truc qui est pas si différent et que, en fait, tu rencontres un peu le même type de personnes. Pas les mêmes personnes, mais qu'en fait, tu fasses un peu les mêmes streams, la même chose, etc. Mais quand même, on a été repiqué parce qu'on a refait un live il y a pas longtemps ensemble, IRL à Avignon. Et c'est vrai que ça s'était trop bien passé parce que du coup, c'était chez toi. Bah, c'était à Frames. Ouais, c'était, ouais, c'était à Frames, exactement. Ça, voilà. Et ouais. En fait, bah, on a kiffé parce qu'on a retrouvé les automatismes, c'était la même chose, c'était la même fluidité, etc. Et les gens ont kiffé aussi. Et les gens ouais, ont vraiment parce qu'ils nous connaissaient pas là-dedans. C'est alors ça. Que nous, on a fait des centaines d'heures. Des heures et des heures, tu vois, d'IRL. Et c'est vrai que les gens, on a cette connexion qui est toujours là et on aimerait le faire parce qu'en vrai, c'est la première fois qu'on l'avait fait. On avait fait des audiences. Alors aujourd'hui, on pourrait dire basse, mais à l'époque, pour nous, c'était monumental. Ouais, genre, on faisait 1200 viewers, on était en mode, mais what the fuck, c'est incroyable quoi. Ouais. C'était énorme. Bah, moi, sur ma chaîne, à cette époque-là, j'avais, on va dire, entre, je sais pas, 50 et 200 viewers selon ce qui se passait. Ouais. Pendant le Tour de France du jeu vidéo, il y en avait entre 1000 et 4000 quoi. Ouais. Et du coup, c'était vraiment, ça avait intéressé les gens quoi. Ouais. Ouais. Même les gens du milieu, parce que pendant qu'on faisait le Tour de France du jeu vidéo à l'époque, Domingo avait pour la première fois pris des locaux avec son équipe et tout, et nous avait dit. Ouais, bah, si vous voulez passer visiter les locaux dans le cadre de votre Tour de France, c'était pas prévu et tout, tu vois. Donc c'est, même les gens du milieu, ça les avait un peu interpellés. Ouais. Tout à fait. Une petite question pour ceux que ça concerne. Qu'est-ce que vous direz quel a été selon pour vous l'apport de le stream dans votre développement de streamer? Qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que ça... Attends, l'apport de le stream la chaîne le stream. Ah oui, d'accord. Oui. La chaîne okay. le stream okay. dans le qu'est-ce que ça vous a appris professionnellement ou même si vous êtes dit les trucs que vous ferez différemment sur votre chaîne perso, etc. Ultia par exemple. Tout non, est coupable. C'est large. Non, c'est... je pense que c'est en bon ou en mal. C'est très large. Oui, voilà, c'est pas ça. En mode qu'est-ce que si t'ont appris, t'ont donné un diplôme, c'est devenu un diplômé, t'as une licence, ça maintenant. Ouais. En fait, moi, quand je suis arrivée chez le stream, c'est grâce à Rivenzy qui s'était vu affecter une émission en plateau dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle le Récap Weekend et il cherchait donc quelqu'un pour faire des chroniques et il m'a proposé d'être chroniqueuse pour le Récap Weekend chez le stream et moi ça tombait à pic parce qu'en fait je stream depuis 2017, mais j'ai déménagé sur Paris pour un travail salarié. J'étais responsable commerciale chez Capcom. Et en fait, du coup, c'était trop cool. Je me suis dit, ah, vas-y, bah, je stream plus parce que bah, je travaille. Enfin, j'ai un travail classique, quoi. Et bon, trop bien d'avoir un pied là-dedans grâce à le stream et grâce à Riff qui m'avait proposé cette opportunité-là. Donc du coup, j'avoue, j'étais super contente. Et en fait, c'était mes toutes premières émissions plateau. Et maintenant, quand je les re-regarde, j'ai un peu honte. Nous aussi, ça veut dire que t'as progressé. C'est plutôt bon signe parce que si tu te trouvais excellentissime et qu'aujourd'hui tu te trouves moins bon, bon c'est ouais. Un peu ouais, chiant, c'est ça. Bah, c'est en fait, du coup, ça m'a appris plein de choses. Moi, déjà, je suis quelqu'un d'assez timide. C'était un peu. En fait, j'ai appris des codes que je connaissais pas du tout avant. Genre, tu sais, le fait de sourire tout le temps parce qu'en fait, il y a tout le temps la caméra qui braquait sur ta gueule. Donc, ouais. Parfois, juste tu fais rien de spécial et. Parfois, tu fais juste rien de spécial et on croit que tu tires la gueule comme si t'étais un enterrement alors qu'en fait, rien à voir. En fait, c'est juste que t'as rien à dire et rien à oui, faire oui, sur c'est le ça, moment. Quoi, voilà, sûr. Exactement. Mais aussi, plein de choses, genre le fait de s'écouter, par exemple, de laisser terminer la phrase, de renchaîner quand il y a un blanc, de sentir la détresse dans les yeux de l'autre quand tu sais qu'à un moment donné, il va falloir là dire quelque chose parce que bah, tu sens que l'autre, il est à court, etc., etc. Donc, tous ces codes en fait, d'émission, tout ça, je l'ai appris grâce à le stream et grâce à cette opportunité qu'on a eue. Je l'aurais sûrement pas eu ailleurs parce que en live perso c'est tout très très différent et aussi là récemment je host une émission pour la première fois, je présente une émission qui s'appelle Les Amis Bro. Bien sûr. Qui a lieu à 14h30 le lundi et qui parle de Nintendo et je la présente depuis septembre et c'est la première fois que je présente une émission et du coup je suis trop contente et c'est un sacré travail, c'est très très différent de juste être chroniqueur ou d'assister à l'émission en fait que de préparer le squelette de cette dernière et ouais donc un max de rigueur mais aussi je saurais pas trop comment définir ça. Oh, en plus, c'est plus que présenter, ouais. Faire le conducteur, faire tout ça, c'est un vrai travail. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et puis le passage de parole, puis ouais. Essayer de faire en sorte que. Que personne se sente mal, c'est ça, que ouais. Ça s'enchaîne, que tout le monde aille bien. D'avoir c'est... les oreilles partout, de se dire, ok, donc là, il faut bien que j'écoute, alors qu'en fait, en même temps, t'es en train de penser à ce qui passe après, etc. Tout ça, là. Et puis ça, c'est des trucs qu'en fait, j'aurais pas fait sur ma chaîne perso. Donc voilà, très trop chouette. Bien. Trop bien. Toi, Rivenzy, du coup, moi, je suis arrivé chez le stream par ton biais, parce que moi, du coup, je commentais des compétitions d'Overwatch. Et donc il y avait une émission ils appelaient ça, c'était une émission qui s'appelait le Récap e-sport, donc ils parlaient d'e-sport et c'était grâce à toi qui étais dans cette émission là à ce moment là oh, j'étais chroniqueur, et t'étais chroniqueur et du coup bah, t'avais proposé mon nom donc du coup c'était comme ça, puis après moi je suis devenu présentateur chez eux et j'ai eu ils ont une grosse émission qui s'appelle le Récap et ils m'ont proposé de présenter la mouture week-end Et moi, je trouvais ça cool, ça permet de passer de commentateur, qui était un truc assez intéressant, mais au final, quand t'es commentateur sur un jeu vidéo, qui dit que le lendemain, que dans deux ans, le jeu vidéo se casse pas la gueule, et que du coup, bah, tu peux plus commenter ton jeu. Ouais, parce bien que sûr. C'est pas comme le foot qui va se casser la gueule dans deux ans. Ça sera pas. C'est clair. Oh, attention, attention. Non, c'est juste que c'est vrai que le jeu vidéo est très lié aussi à la réussite populaire. Donc, du coup, je me suis dit, c'est cool de transitionner plutôt côté présentateur. Et donc, bah, j'ai présenté justement avec Ponce et Ultia cette émission. C'était vraiment très cool. Ce que ça m'a apporté, c'est le fait de faire régulièrement des émissions en plateau. Et ça m'a aussi appris à bosser dans une grosse boîte. Parce qu'en fait, c'est une boîte qui est tenue par. C'est une chaîne qui est détenue par Webedia. Bien sûr. Et en fait, bah, du coup, c'est des problématiques qui sont liées à des grosses boîtes. Quoi. C'est-à-dire, oui, t'es sponsorisé, t'acceptes la sponsor, pas la sponsor, etc. Tu bosses avec des gens plus ou moins compétents, avec des gens qui sont complètement incompétents mais à des postes qui sont pourtant importants. Du coup tu te dis mais pourquoi ces gens-là bossent à ces endroits-là, c'est insupportable. Et donc ça t'apprend à te dire que parfois les gens ne sont pas à la bonne place au bon endroit, mais qu'ils le gardent parce que bon, c'est un peu de la politique, etc., machin. Et ça t'apprend un peu à jongler aussi avec ce genre de trucs, avec les égos, les trucs, exactement. Et puis moi j'ai, ce que ça m'a apporté, c'est de kiffer faire une émission pendant un an avec des potes et de pouvoir d'avoir les moyens de le faire, d'être payé pour ça. J'étais payé de faire une émission avec mes potes. Et on te donne les moyens. Et on me donne les moyens de le faire. Et mes potes étaient chauds pour le faire aussi. Et donc, c'est trop bien. Parce et qu'en fait, vous ne l'avez pas précisé pendant le Tour de France du jeu vidéo dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, c'est une grosse, grosse charge mentale, la technique. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, si moi, je ne fais pas trop de live cuisine, parce que j'aime bien faire des live cuisine, bah c'est uniquement parce que c'est le bordel de débrancher, remettre le micro, est-ce qu'on m'entend, et le micro il bug et machin, la caméra ça va pas, la technique c'est problème là tout le stream c'est clé en main quoi, donc c'est vrai que c'est pas mal parce que tu peux te concentrer que sur ton émission, oui, le contenu quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a apporté tout ça et ça m'a donné aussi envie, parce que en fait moi comme je suis passé par le commentaire, par ensuite la présentation en plateau, je n'étais pas un streamer à proprement parler qui, comme la plupart d'entre vous connaissez, c'est-à-dire qui est dans sa chambre et qui entre guillemets, tu vois, dans sa pièce de stream et qui est seul face à ses viewers. Moi, j'avais toujours un conducteur, j'avais toujours des caméras, j'avais toujours des chroniqueurs à gérer, des éditos, ce qui fait que j'étais plus stressé d'être tout seul devant ma cam plutôt, et de me dire mais en fait les gens, d'habitude je prépare des trucs, ils s'intéressent à ce que je dis, mais parce que j'ai bossé le truc, mais ils vont pas juste s'intéresser à moi. Et donc d'être en impro total. Exactement, bien sûr. Tout à fait. Et donc j'ai voulu après me lancer dans ça. J'avais cette structure là, je me suis dit je vais me lancer, et du coup maintenant je suis beaucoup plus sur ma chaîne perso. Mais j'ai toujours envie de faire des émissions en plateau avec des potes. Et toi, Ponce ? Moi clairement je pense que j'aurais jamais pu faire de streamer mon métier si le stream m'avait pas approché. Ils m'ont donné un tremplin qui était monumental, notamment quand j'habitais encore à Berlin en 2018, où ils me proposaient de streamer la nuit sur leur chaîne, enfin la nuit tard le soir sur leur chaîne, parce que pour remplir un peu le créneau et tout. Donc ça m'a donné une visibilité qui était folle. Ils m'ont proposé de, en gros c'est eux qui ont fait que je suis venu en région parisienne pour faire de streamer mon métier. C'est parce qu'ils m'ont dit nous, on t'assure que si tu viens, on t'assure que tu vas pouvoir payer ton loyer, etc. Quoi. Du coup, j'ai fait go. Pas de piège. Ouais. Et donc début 2019, je suis clairement arrivé ici en région parisienne pour en faire mon métier grâce à le stream. Ah, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Non, c'est hyper récent. Et donc, le stream m'a ouvert des portes monumentales. Ouais. Vraiment, ça m'a. Pareil, par exemple, Ponce la nuit, qui est probablement la plus grosse émission que j'ai jamais fait, et ce pourquoi beaucoup de gens me connaissent aujourd'hui, ça c'est le stream qui un jour m'a dit ça te dirait pas de faire un truc un peu que t'incarnes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et c'est eux qui me l'ont proposé. Donc moi ils m'ont vraiment ouvert les portes. Derrière moi le stream, j'ai appris à me connaître plus dans ce milieu là et savoir ce que je voulais pas faire quoi. Ouais, bien sûr. Et concrètement moi j'ai toujours voulu, moi je me suis toujours dit en fait moi je veux jouer aux jeux vidéo et partager ça. Et en gros j'avais juste ça en tête quoi, et c'est vrai qu'avec le stream j'ai pu tester plein de choses, des émissions en tant que chroniqueur, j'en ai hosté quelques-unes mais très peu, tu vois, présenter des émissions, je sais pas, t'as raison. Et du coup en fait par ça j'ai découvert que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire trop, bien sûr. Et puis aussi t'as présenté des émissions chez le stream. Ouais j'en ai hosté quelques-unes, quand il manquait des gens des fois, tu dépannes quoi. Ça m'est arrivé quelques-unes, et aussi j'ai, alors ça c'est peut-être un peu violent, mais en fait j'ai appris ce qu'il fallait pas faire, parce que moi je trouve que concrètement le stream ils ont pris des décisions qui ne s'accordent pas du tout avec le Twitch d'aujourd'hui. Et je trouve que aujourd'hui vraiment, alors même s'il y a toujours des trucs très bien évidemment, mais je trouve qu'ils sont vraiment un peu à côté de la réalité de Twitch. Et donc ça en fait je l'ai appris de l'intérieur, en vivant de l'intérieur, en voyant Twitch évoluer, en voyant le stream évoluer, je me disais ah mais non mais attends, et en fait là ils sont à côté de la plaque là-dessus, sur ça en tout cas, sur ça, sur ça, etc. Et donc ça je l'ai appris vraiment sur place là-bas. Et après au final, mon passage chez le stream a été, quand j'y repense, plutôt très court. Je suis arrivé début 2019 et en fait milieu 2020 j'étais plus là quoi. Donc ça a été très court. C'est drôle, ça me fait penser un peu à nous Golden ce qu'on a Moustache. Vécu avec Golden Moustache quoi. C'était ce truc de en fait c'est ta chance et puis t'es dans une structure et puis d'un coup pareil, c'est ta phrase m'a fait tilter de mais j'ai un salaire en fait pour faire ce truc. C'est ça, c'est ça. Très cool, insane. C'est incroyable. Insane. Pas de salaire. Enfin si. Non, on est payé. Moi oui, en vrai pendant. Non, mais sans avoir un salaire, on est payé au sketch quoi. Oui, voilà. Nous ce qui était fou par contre, on n'avait pas d'argent sur les vues, ce qui est incroyable avec le recul, c'est-à-dire qu'on faisait des sketchs à que beaucoup de gens ont eu du vues. Mal à comprendre ce qu'ils se disaient. Attends, ton sketch, il a fait des millions de vues, j'ai touché 200 euros. C'est l'exemple que je donne souvent de la vie sexuelle des jeux vidéo. C'est un sketch qu'on a fait avec Suri 4 qui a fait, je crois, 15 millions de vues. Oui, je m'en rappelle. Ah oui, bien sûr. Moi, en tout et pour tout, j'ai touché 210 euros brut sur ce sketch. Quoi. Après, la réalité, c'est que sur le stream, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vois, on faisait nos émissions, cueillait 1000 ou 12 000 viewers. C'est ça. Et à l'époque, même chose. Et à l'époque, rien à foutre. Enfin, je m'en fous, je suis payé pour faire des sketchs. Tout va bien. Complètement. Mais effectivement, c'est un peu ce même truc où de l'intérieur, où des fois il y a des shows où tu dis les gars, moi je crois que c'est pas une très bonne idée, tu te reconnais plus trop. Et même des fois, il y a des trucs comme tu dis, te découvrir toi-même. Moi par exemple, au début, je jouais la comédie dans les sketchs parce que c'était YouTube, donc il y avait un truc, tu fais tout. Tu fais tout, Et au bout d'un moment, je fais, en fait, je n'aime pas jouer, je suis pas très bon, je suis pas juste, et je m'amuse pas à faire ça, je préfère être derrière la caméra, tout ça. Et c'était le bonheur d'avoir fait ça pour se dire, bon, ok, je sais pas le faire, je veux pas le faire. Ouais. Si j'avais pas été dans une structure où il y avait plein d'autres acteurs, dont ce petit bonhomme qui est là, Adrien Vignal. Ah, vous êtes acteur, vous. Ah, bah, bien sûr, comédien, c'est un Gaulois de la télé. Comédien. C'est un truc que j'aurais jamais eu en tête, quoi. Donc c'est marrant, je me reconnais assez dans ce que tu racontes. Et c'est quand même nécessaire, tu vois, parce qu'au final, comme il n'y a pas d'école, tu vois, qui t'apprend vraiment à faire nos métiers, enfin, en tout cas, Twitcher, c'est sûr que non. En fait, c'est en testant des choses, en essayant, tu vois, de différentes structures, des manières de travailler qui sont différentes. Que des fois tu te dis ok là j'ai envie de bouger, là je suis dans une zone de confort, j'ai envie de sortir de cette zone de confort et du coup tu testes plein de trucs quoi, tu vois. Et j'avoue que comme je disais, passer du plateau à streamer tout seul, certains ça semble c'est logique, tu vois. En vrai moi je sortais ma zone de confort. Mais du coup c'est marrant, moi j'ai fait l'inverse. Moi je suis passé de streamer solo, ça faisait des années que je streamais solo chez moi machin, c'était pas mon métier, hein. J'étais salarié aussi, je streamais quoi le soir et arrivé chez le stream, boum, plateau. Boum, d'un coup il faut parler avec d'autres gens, il y a un runner, il y a machin et tout. Moi ça a été un peu l'inverse. Et c'est marrant parce que du coup tu te rends compte aussi des motivations de chacun. Comme tu le disais toi, en fait ton kiff c'est de jouer aux jeux vidéo et de le partager, tu vois. Et le partager, le partager aux gens et de kiffer et le jeu vidéo. Moi j'avoue que ce que j'aime bien aussi faire c'est produire des émissions, des fois qui sont un peu plus fat aussi, et du coup d'avoir des responsabilités sur il faut discuter avec les partenaires, discuter avec les gens chez qui tu vas faire l'émission pour les live histoires. Il faut discuter avec les techos, qu'est-ce que tu veux, aller voir les musées, faire du repérage. Et moi j'aime aussi ce côté-là de se dire attends, prépare quelque chose, quelque chose qui j'espère va plaire. Et parfois ça fonctionne pas parce que c'est le public qui choisit, tu vois, mais au moins t'es sûr que t'as donné le maximum. Et comme t'as donné le maximum, tu pourras voir ce que tu pourras mieux faire la prochaine fois, etc. machin. Et ça c'est aussi, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais j'aime aussi cette partie-là de mon stream, c'est de pouvoir essayer de faire des trucs un peu plus fat des fois quoi. Puis ce qui est chouette c'est que c'est des endroits un peu émergents en fait aussi, donc du coup mine de rien il y a plein de choses à élaguer. Enfin nous Golden Moustache par exemple, quand on a commencé à dire en fait on aimerait faire des courts métrages où il y a moins de blagues, où il y a c'est plus des petits courts métrages des fois qui ça raconte une histoire et que parfois il y a toujours un ton un peu léger mais c'est pas un sketch à proprement parler. Ils nous ont laissé faire, donc comme ça, c'était assez cool aussi. Et je me rappelle de cette transition, fin de Suri 4 à peu près, nous on a fait ça, et après moi j'ai adoré faire ça, et au final, je faisais soit des trucs très cons, soit des trucs un peu plus court-métrage, et c'était la chance de le faire à Golden, et l'évolution de Golden a été ce qu'elle a été, et c'est à ce moment-là où tu dis, ok, je suis moins en adéquation avec ça, donc les chemins se séparent, mais c'était super et cool. Du coup, tu te sens assez confiant pour te dire, je me sépare d'une structure qui m'a fait bouffer, où je me suis senti bien. Avec beaucoup de respect, et qui est juste plus le truc qu'en adéquation. Avec moi ce que je veux faire aujourd'hui, tu vois, je suis pas sûr moi de Golden 7 HG, c'est juste c'est différent de c'était un tremplin de ouf. Oui, sans Golden on n'est pas là. J'étais illustrateur et auteur de bande dessinée quand je suis allé, enfin c'était pas du tout mon métier quoi. Ah ouais. Et du coup c'est mon métier maintenant, c'est quand même grâce à eux quoi, bien sûr. Donc c'est un tremplin de ouf. Après il y a eu des différents, il y a eu des trucs, mais c'était quand même une chance de dingue de faire ça quoi. Et puis alors nous c'était d'autant plus une grosse boîte parce qu'en plus ça appartenait à M6 quoi, qui est aussi cela dit Webedia est très puissant aussi, mais en tout cas il y a un truc où il y a beaucoup de choses à gérer au-dessus et qui vu que eux grossissaient au sein d'une grosse chaîne de télé, bah forcément même eux ont plus de trucs à, enfin tu vois, ils ont plus de pression. Quand t'es une boîte qui gagne pas d'argent et que c'est ta première année, bon bah les gars ils faisaient pas trop gaffe quoi, ils font bah tester des trucs. Quand ça commence à ramener des sous, à ramener des vues machin, d'un coup t'as une boîte qui dit, enfin le grand patron au-dessus dit bah attends faites voir, et commence à foutre les mains dedans. Donc c'est aussi ça qui fait que du coup c'est compliqué. D'ailleurs je sais, on l'a jamais dit et je crois que l'info est pas vraiment sortie, mais faut dire aux gens, Golden Moustache, ça n'existe plus du tout. Enfin, la chaîne existe, mais l'entreprise, la boîte Golden Moustache, c'est fini. Ah ouais. Quoi. Ah ouais, ça n'existe plus. Et ses cendres ont été répondues au C'est intéressant, quoi. C'était plus ou moins, ça avait beaucoup ralenti en termes de publication, mais c'est parce que c'était devenu plus ou moins une boîte de prod pour la télé. Ouais, pour M6. Et là, c'est fini, ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Golden Moustache, c'est RIP. C'est dead. On va passer aux recommandations culturelles. Je vous ai demandé avant l'émission si vous avez des choses que vous vouliez conseiller aux auditeurs, que ce soit cinéma, musique, jeux vidéo, chaîne Twitch, chaîne YouTube, ce que vous voulez. Ultia, est-ce que tu as quelque chose en tête que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ah oui, j'ai beaucoup hésité hein, parce que j'avais 6 milliards de trucs à vous recommander. Il n'y a pas de pression, tu peux en proposer 2 par exemple si tu en as envie. Mais... En ce moment, 3 par contre, c'est mort. C'est dead. Hors de question. En ce moment, je lis beaucoup de BD. Parce que moi j'ai un peu abandonné la lecture quand j'étais gamine, je lisais vachement de bouquins et même un peu plus grande, et puis en fait là j'ai plus le temps, enfin je n'accorde plus mon temps à lire des BD, enfin à lire quoi, et du coup je cherchais à tout prix un moyen de lire davantage, et les BD c'était vraiment mon juste milieu quoi. C'est des histoires que tu peux un peu plus abandonner en plein milieu d'un chapitre et que tu pourras reprendre plus facilement, pas comme un livre où au final je relisais en boucle le même chapitre parce que je m'en rappelais jamais parce que j'abandonnais ça. Donc du coup je me suis vachement mise au BD et en fait il y a notamment une qui est accessible gratuitement avec l'application Webtoon qui s'appelle L'Or Olympus, Tradition d'Olympe. En fait c'est une BD incroyable par Rachel Smythe, et en fait ça raconte toute une histoire un petit peu... En fait, c'est une réécriture contemporaine de la mythologie grecque. D'accord. Donc, on y voit, en fait, entre autres, les histoires entre Perséphone et Hadès, mais aussi, à côté, gravitent tous les autres dieux de l'Olympe. Donc, on voit Poséidon, Zeus, Héra, etc. Et toutes les histoires qui les recoupent, mais un peu plus... Enfin, parfois, il y a des libertés scénaristiques qui sont prises totalement. De toute façon, même au sein même de la mythologie qui est soi-disant officielle, il y a beaucoup, beaucoup de variantes, forcément. Et des illustrations très jolies. Avec, c'est très beau, là, je suis devant, c'est très beau. C'est vraiment très, très chouette visuellement. Ouais, les dessins sont magnifiques. Moi, parfois, je contemple les pages de cette BD. Toi, t'es sensible BD. À ça, toi, vraiment à l'image et genre de choses. C'est un truc, ça m'a toujours impressionné. Ouais. Mais ça fait super longtemps que tu lis ça, non? Ouais, ça fait des années que je lis ça. Visuellement, c'est très chouette. Elle met du temps à lire les choses. Elle regarde beaucoup les images. Mais ça sort encore. Et donc, bon, là, si vous vous y mettez maintenant, vous avez quand même pas mal de chapitres devant vous disponibles sur Webtoon. Il y a plein de chapitres anglais qui sortent que vous pouvez rattraper si vous êtes vraiment pas patient. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que là, elle a sorti le volume 1 en physique. Qui c'est est en vente un petit peu partout, et en plus de ça apparemment il y a un chapitre inédit auquel on n'a pas accès sur la version digitale, parce que oui, Webtoon en fait c'est une application qui te permet d'avoir des BD en digital sur le téléphone, donc moi je lis ça avant de dormir ou dans l'avion, des trucs comme ça, et voilà, il y a un bouquin qui est sorti si vous êtes fan de l'objet. Voilà, moi j'adore les BD, j'en lis beaucoup, donc L'Or Olympus c'est très chouette. Je vois ça paru le 6 janvier 2022, donc il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est pour ça, au prix de 24,95€. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Alors, je ne vais pas recommander BoJack Horseman, bien sûr. Il faut expliquer ce même. C'est un même récurrent parce que quand on faisait notre émission Recap Weekend, on faisait des recos et j'ai recommandé pendant des mois BoJack Horseman, ils en pouvaient plus. Ça devenait un même absolu. Il en revenait plus. Après, je crois qu'on a beaucoup conseillé BoJack Horseman ici aussi. C'est possible. Hein. Bah, j'allais dire en vrai BoJack Horseman. Mais non. Non, moi je vais recommander un jeu vidéo qui est sorti en septembre de l'an dernier, donc 2021, qui s'appelle Road 96. Je l'ai pas fait, mais je le. Excellent. Il l'a pas testé. Non. C'est vraiment un très très bon jeu. Alors développé par un studio français, Cocorico, et bien sûr. Avec une, alors déjà une BO exceptionnelle avec du Toxic Avenger notamment. Enfin, c'est à dire que moi la BO. Ken Chen Twitch d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, c'est une BO moi que j'écoute comme ça. Il y a du Cocoon aussi. Il y a du Cocoon notamment. Et en fait, c'est très simple. On se place dans un pays qui pourrait faire penser aux États-Unis, mais c'est pas les États-Unis, c'est un pays fictif. Ah, je savais pas. Régime totalitaire. Et Eh bien, quand tu es adolescent dans un régime totalitaire, tu as envie de te casser pour essayer de vivre ta vie comme tu l'entends. Mmh. C'est simple, tu incarnes un adolescent qui doit passer la frontière, absolument partir du pays. Tu joues plusieurs adolescents au fur et à mesure, à chaque fois des histoires. Donc, tu peux passer la frontière comme tu peux ne pas y arriver. Et c'est sous forme de chapitre, entre guillemets. Chaque adolescent, c'est un nouveau chapitre. Et en fait, c'est généré de manière procédurale. Donc, chaque histoire est générée de manière aléatoire selon certaines conditions, en gros. Et puis, en fait, c'est un jeu à choix où tu fais du stop pour partir du pays. Et il se passe plein de belles choses. Le jeu est vraiment, vraiment, vraiment très agréable, très fluide, très belle musique, très belle ambiance. Et concrètement, tous tes choix vont avoir un impact sur ce qui va se passer au niveau politique dans le pays. Et donc, chacun sa fin. Ah, voilà. Il faut que je le fasse aussi. Ouais, c'est vraiment un très beau jeu. Moi, j'ai adoré. Ouais. Adrien ? Oui, alors moi, c'est j'avais une de mes recos il y a quelques épisodes qui était Benjamin Epps, le rappeur. Mm-hmm. Et en fait, il vient de sortir, là, cette semaine, un EP qui s'appelle Vous êtes pas content, Triplé, qui est une réplique de Mbappé il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai, voilà. Exactement. Et du coup, il a sorti un EP là, et du coup, je l'ai écouté, c'est toujours très très bien. Donc, en fait, ce rappeur, c'est ton beau Jack Horseman à toi, quoi. C'est ça un peu, ouais. Bon, je l'ai recommandé que deux fois, mais ouais, voilà. Donc, très rapide, le EP de Benjamin Epps. Sinon, j'ai rejoué un jeu que j'avais déjà. On gratte un peu, et puis voilà. Je l'avais déjà recommandé, mais je me dis, bon, pourquoi pas. Est-ce que ça mange du pain? Ça mange absolument aucun gramme de pain. Ah voilà, donc c'est l'expression. Ça mange du pain cette histoire là. Non, c'est tout compris. C'est prix. L'inverse de manger du pain. Non, un jeu mobile qui s'appelle Seven Scrolls. Et alors qu'il y a un principe un peu compliqué à expliquer, mais vous voyez le jeu Baba Is You? Ça me dit quelque chose. Baba, tu parles de Cyril Hanouna? Bien sûr, ouais, c'est le jeu de Baba. C'est un jeu en Dark Souls. En gros, le principe de Baba Is You, c'est que tu peux modifier. En fait, tu déplaces des blocs et tu modifies les règles, enfin les règles du jeu. Comment tu vois, par exemple, tel bloc va être un obstacle, mais si tu déplaces un bloc, tu redéfinis le rôle des blocs, mm-hmm. et du coup, après, tu peux passer à travers. Et en fait, le but, c'est d'aller chercher une clé à chaque fois. D'accord. Mais c'est très méta, en gros, c'est-à-dire que tu redéfinis l'environnement du jeu, c'est un puzzle game et qui est hyper intéressant. Et là, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que c'est un roguelike, et donc tu te déplaces au tour par tour, et en fait, t'es un magicien, et tu ramasses des parchemins. Sur les parchemins, il y a des sorts, et en fait, les sorts sont générés de façon aléatoire, et c'est-à-dire sur le principe de un événement égale. Une action, quoi. Et donc ça peut être si tu tues un monstre, un autre monstre va être tué, mais ça peut être si tu tues un monstre, toi tu vas te prendre un éclair. Oui. Si tu vas au milieu du niveau, tu vas gagner, enfin tu vas être gagner de la vie, etc. Et c'est de l'algo, en fait. Ouais, un peu, mais en gros, c'est du coup, et après tu dois. Alors des fois, c'est des trucs cool. Genre quand tu tues un monstre tu gagnes de la vie, donc super, mais des fois c'est des trucs ultra chiants et du coup tu dois composer à chaque fois tu crées les règles un peu, c'est un peu méta, quoi. Voilà, mais sauf que là pour le coup c'est aléatoire, c'est-à-dire que tu ramasses un parchemin, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, et t'as la possibilité d'utiliser un parchemin, donc c'est-à-dire que tu subis la conséquence du truc et tu t'en débarrasses, enfin il y a tout un truc et du coup tu dois gérer un peu avec, c'est hyper hyper bien ce jeu, quoi. Il s'appelle comment déjà? Seven Scrolls. Okay. Voilà, okay. Sur iPhone, moi, mais peut-être sur Android, je sais pas. Rivenzi. Alors moi, c'est assez rigolo parce que j'ai une très mauvaise culture musicale. Ouais. Et je suis en train de rattraper cette culture musicale là. En gros, si vous voulez, ma culture musicale est si mauvaise. Mais il va nous conseiller Nirvana, le man. Je te jure. Non, justement, c'est ce que j'envoie souvent quand j'envoie le texto. Je disais pas forcément un truc récent. Bien sûr, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, j'ai découvert que par exemple Freddie Mercury était le chanteur de Queen avec le film Bohemian Rhapsody, si tu veux. D'accord. Ah non, vraiment, on était très loin. Du coup, ce qui fait que j'écoute des classiques, j'ai demandé aux gens un peu sur les réseaux. C'est quoi pour vous les albums classiques, etc. Du coup, j'écoute des trucs en ce moment. Et j'ai découvert ce que faisait Nirvana. Alors, il y a plein de sons que je connais, mais sans savoir que c'est Nirvana. Ah, c'était vraiment Nirvana? Je te jure, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Oh, 10 points. Alors, c'est pas Nevermind, du coup, ce que je vais. Mais c'est l'album In Utero. Ouais, que pas mal de gens m'ont redit que c'était pour eux le meilleur de Nirvana, pour pas mal de fans. D'accord, et en d'accord. fait, en gros, ce que je trouve fascinant avec ce groupe, c'est que c'est une question d'énergie, quoi. C'est-à-dire que parfois, ils ont des, notamment dans Nevermind, c'est des trucs qui sont très, des instruments très simples au final, mais il y a une sorte d'énergie assez ouf. Et Unitero, c'est un petit peu plus bossé en termes de musicalité, mais il y a toujours cette énergie parfois un peu punk, etc. Machin. Et donc, du coup, bah, c'était Unitero de Nevermind. Marocco. Mais ouais, mais moi, je découvre. Mais moi, c'est bien sûr. Et voilà, si vous êtes passé à côté de cet album, évidemment. Un groupe qui a de l'avenir selon moi. voilà. Ouais, voilà, ça va. Le chanteur, en tout cas, ouais, je pense que là, c'est une porte montante. Top, top. Non, mais et d'ailleurs, je rebondis. Moi, je suis devenu un trou du cul parce que j'ai acheté une platine vinyle. Mais du coup, je redécouvre ce qui est d'écouter un album. Pas d'écouter juste des chansons ça, ou des playlists. Et ou des trucs, c'est ce que je fais aussi avec les. Tout à fait. Moi, j'écoute toujours les albums du début à la fin dans l'ordre. Pareil. Voilà. Mais c'est moi, pas je la pas. Même expérience. Ah ouais, exactement. C'est exactement. Ah, moi, j'écoute que. Quand j'étais gamine, je savais l'enchaînement des chansons. Bien sûr, bien sûr. Genre aujourd'hui, quand j'écoute juste une musique, genre par exemple dans l'album des Black Eyed Peas, je les connais, je connaissais les enchaînements par cœur dans Monkey Business. Évidemment. Et aujourd'hui, quand je réécoute une musique de Monkey Business, bah en fait, je chante celle qui va juste après dans la foulée, quoi. Je les mais c'est ça, mais c'est quand on était dans la voiture des parents et qu'on disait mais la 4. Tu n'avais pas les titres. Tu disais non, je sais que c'est la 4e de l'album. C'est la 4, non, c'est Nirvana. Ouais. En concert. Mais ouais, fais, c'est la 4, fais la 4. Non, mais c'est ça. Mais oui, et puis en vrai, moi, pareil, quand je redécoute du coup des artistes, j'écoute pas genre sur Spotify le meilleur de machin. J'écoute vraiment album après album. C'est important. Bien sûr. Et puis, voilà, quoi. Bien sûr, mais ça, c'était le truc génial des best-of, justement. C'est-à-dire que t'écoutes le best-of, et après tu dis, ok, je vais écouter l'album ou celle-là. Et d'un coup, tu découvres des chansons. Nirvana, moi, en vrai, de vrai, les albums entiers, je les ai écoutés à la fac, je pense. Mais par contre, j'écoutais beaucoup. De ouf, tu vois, quand tu découvres Pink Floyd dans un album, de t'es obligé d'écouter Pink Floyd Pink un album Floyd, en fait, d'autant tu vois. Plus. Il faut que t'aies l'album, sinon c'est en mode je comprends pas trop. Et du coup, t'as complètement coupé. Non, mais je rebondissais là-dessus. Mais c'est pas du tout ma recommandation. Ma recommandation n'est pas une platine vinyle, mais c'est un podcast qui s'appelle Capture Mag. Alors, c'est pas qu'un podcast, c'est assez sympa ce qu'ils font parce que c'est aussi une chaîne YouTube. Où ils parlent en gros du cinéma d'action. Alors c'est très précis dit comme ça, mais ils parlent du cinéma d'action vraiment avec énormément de connaissances. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont des gars et des meufs, je crois d'ailleurs, qui étaient chez Mad Movies à une époque. C'était un magazine que je lisais beaucoup quand j'étais ado. Et c'est un peu des vieux de la vieille. Parmi eux, il y a Yannick Dahan qui avait une émission sur le câble de cinéma. Et grosso modo, c'est lui qui a inspiré tout le YouTube cinéma actuel, qui repompe tout ce qu'il fait en étant quand même moins intéressant. Mais lui était en tout cas très très intéressant et il refait d'ailleurs un format où il parle un peu de l'actualité du cinéma en face cam. Et c'est vraiment son retour, quoi, parce qu'il ne l'avait pas fait pendant plein d'années. Mais ce que je préfère chez eux, c'est leur podcast sur des metteurs en scène, parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour en parler et ils sont très calés. Tu dois kiffer ça pour le moi, j'adore parce qu'en gros, ils font des épisodes découpés, mais chaque épisode dure 3 heures. Et en gros, par exemple, sur John Carpenter, là, ils ont fait 2 épisodes de 3 heures chacun. Wow. Et il reste encore 4 épisodes, quoi, parce qu'ils prennent vraiment du temps. Ils ont 1 milliard d'anecdotes. Et ce qui est très marrant, c'est que moi, je suis pas toujours d'accord avec leur avis, même assez rarement, on pourrait tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est des puits de connaissances. Vraiment, ils ont interviewé tous les gars de l'époque aussi, parce qu'ils ont couvert tous les festivals de cinéma. Et c'est vraiment des vrais passionnés. Et moi, j'ai toujours ce truc de, même si je suis pas d'accord avec des gens, s'ils sont passionnés, souvent, ils sont passionnants quand même. C'est intéressant, ouais. Exactement. Et donc, ça s'appelle Capture Mag. Donc, ils ont des podcasts. Ils ont aussi des vidéos très bien montées. Ils ont fait une... là, récemment, ils ont fait un truc sur Bad Boys 2. Donc, en plus, c'est très incroyable. Large. Ouais. Ça parle autant du Magnifique avec Belmondo que de True Lies, que Kill Bill ou des trucs plus série B, genre Cobra avec Stallone ou des choses comme ça. La série Le Clown, il parle pas de la série Le Clown. On pourrait leur demander. Et ils ont fait un super épisode de Noël sur Die Hard, par exemple. Alors, tu pourrais dire, mais tout a été dit sur Piège de Cristal. Et ils ont encore des choses super intéressantes que je savais pas. Donc voilà, je vous conseille la chaîne Capture Mag et YouTube et en podcast. Et c'est vachement intéressant. Donc voilà. Et en plus, je sais qu'ils sont un peu dans la demeure. Enfin, je sais pas s'ils sont dans la demeure, mais ils font souvent des appels aux dons sur leur Patreon. Donc voilà. Généralement. Souvent, quand tu le répètes un peu souvent, c'est qu'il y a un peu besoin. Moi, je l'ai fait en tout cas. Donc, si vous écoutez, si vous regardez, que ça vous plaît, n'hésitez pas à les soutenir parce qu'ils en ont besoin. Voilà, bah merci beaucoup. Désolé, c'était un peu long. Il faisait un peu froid. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas eu froid. Mais non, mais moi, ça allait. Moi, je vois que Ultia est en train de mourir. Je suis désolé. Merci beaucoup. Je suis frileuse. Non, mais il caille. Mais merci beaucoup d'être venu. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Trop cool. On va faire un dernier tour de table juste pour où est-ce qu'on peut vous retrouver. Donc, sur vos chaînes Twitch, bien sûr. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont arriver sur vos chaînes Twitch? En même temps, vous avez tous fait des trucs très récemment, là, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose? Bah ouais, je sors d'un truc de judo, là, effectivement, le Grand Slam. C'était cool, ça s'est bien passé. Ouais, c'est très bien. C'était vraiment, moi qui fais beaucoup de judo, pouvoir commenter un tournoi comme ça, c'était vraiment top. Il y a eu des hippones. Oh là là, il est très calé. Et oui. Il est très fort. Ils avaient des ceintures. Ils avaient des ceintures. Moins calé. Non mais c'était vraiment très bien. Et puis après, là pour le coup, on va partir un peu en vacances. Mais c'était cool. Et je suis ravi d'avoir fait ce podcast parce que qu'on a eu cette accroche ensemble à Frames à Avignon. Où du coup je vous ai dit mais vous aussi vous aimez pas le Pilou Fou ouais. Et qu'en fait cette haine commune découle un moment très agréable et bah, j'ai trouvé ça super sympa. Frames souvent hein, quand même on rencontre des gens chouettes et derrière ça crée toujours le meilleur festival, toujours très chouette. C'est Avignon. Ultia, ouais. Toi sur ta chaîne. Ouais, moi je suis en live tous les jours sauf le samedi. Très bien. À horaire fixe à chaque fois, mais chaque jour ça change d'horaire. Mais c'est bien au moins. Mais tous les lundis c'est la même heure, tous les mardis c'est la même heure. Très bien. Voilà. Et le 24 en exclusivité, vous l'aurez entendu ici. Oh, génial! Le 24 février, avec Rivenzy, on fera un live poterie en IRL. Ah, génial! Oh, trop bien! Voilà, donc on ira dans l'atelier d'une potière pour faire de la poterie ensemble. C'est un donation goal du The Event 2021. D'accord. Donc, événement caritatif, on s'était fixé des petits objectifs. Si vous donnez tant, on fera ça. Et donc, un des paliers, c'était de faire un live où on fait de la poterie, Riv et moi. Donc, voilà, on fera un live fin février, du trop coup. Bien. Voilà. Moi, j'avais streamé le jeu Master of Pottery. Je sais pas si vous avez un niveau en dessous de vous. Non, voilà, c'est tout. Énorme, de Rockstar, je crois. De Rockstar Games. Ouais, ouais, bien sûr. Mais tu es d'ailleurs, tu es le potier chez qui on va aller d'ailleurs un peu. On va chez Adrien Méniel. Prévenez-moi, la maison avec les meurtrières de la Seconde Guerre mondiale. Aucun problème. Et toi, Ponce ? Moi, je suis tous les jours sur ma chaîne Twitch où je. Grosso modo, propose quasiment que du jeu vidéo. Aussi de la culture le lundi, où il y a beaucoup de gens qui jouent. Big up à Suzanne, qui a fêté ses 79 ans la semaine dernière. Incroyable. Suzanne régale. sinon, moi, tous les dimanches, j'ai un gros tournoi Mario Kart bien qui sûr. A lieu depuis pas mal d'années. Et si vous jouez à Mario Kart, n'hésitez pas à passer. Parce qu'il y a plusieurs milliers de participants. Et c'est toujours trop bien de se péter la gueule ensemble sur Mario Kart. Et sinon, par exemple, vendredi 4 mars, Rivenzy, Ultia et moi, on va proposer un live assez particulier. Ça tease. Qui pourrait ressembler à un escape game, mais pas réellement. Du laser game. Non, tu es le champion. On caste le championnat du monde de laser game ensemble. Voilà, mais sinon, moi de toute façon, c'est principalement du jeu vidéo sur ma chaîne et de l'échange aussi. On discute de plein de trucs, mais voilà, sur ma chaîne Twitch. Génial. Adrien ? Moi, les vedettes au cinéma. Les vedettes. Du Palma Show. Il sortira. Il est sorti. Il est sorti. T'es dedans. Ouais. J'ai un petit rôle. Mais non. Dis donc, j'arrache le. Ouais. C'est une apparition, hein, vraiment. Mais que là. J'ai pas encore vu le film. Je le vois à mardi. T'es un immense partouzeur dans ce film, rappelons-le. J'en ai l'allure en tout cas. Mais j'ai une petite apparition dans le film. Donc je suis trop content. Si, il est sorti depuis mercredi là. Oui, c'est vrai qu'on est dans le futur. On est dans le futur. Et puis, ça se voit quand même. Le sketch show de Mr. B, toujours qui va sortir. Donc j'ai écrit dessus. Je vais jouer dedans. Enfin, j'ai joué dedans, mais on va en faire un spécial. On va essayer faire un floodcast avec Yvick. La dernière fois qu'il était venu, c'était légendaire. Les micros s'en souviennent. Donc, on va essayer de refaire un épisode spécial. Et puis, j'essaie de me motiver. En fait, quand je fais des pauses où je Twitch pas pendant longtemps, j'ai beaucoup de mal. Là, je suis en train de me dire, allez, vas-y. Et puis, donc, je vais essayer de m'y remettre là. Mais rien n'est garanti, évidemment. Voilà, et quant à moi, la tournée de Baptiste Le Caplain continue, spectacle que j'ai eu la chance de coécrire, voir les gens, donc c'est dans plein de villes en France, en Belgique, enfin il vient de jouer à Bruxelles, ça s'est super bien passé, merci beaucoup d'ailleurs au public belge, j'ai reçu plein de messages qui m'ont fait très plaisir, et puis sinon La Flamme toujours sur My Canal, Oli et l'Alien, ma bande dessinée toujours. Ah t'as coécrit La Flamme ? J'ai coécrit La Flamme, ouais. Félicitations, j'ai adoré La Flamme. Ah merci beaucoup. Pour le coup, écoute. C'était vraiment, j'étais plié en deux pendant un bon moment. Ah ça fait très plaisir. C'est très, vraiment très, vraiment très c'est très gentil. J'ai détesté, man. Non, j'ai pas vu. Une merde. J'ai pas vu. Merci beaucoup. Écoute, et puis merci d'être venu en tout cas. À merci très bientôt. Pour l'invitation. Merci beaucoup. Salut, ciao, bye. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut partir maintenant. Hein ? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.